Radio Libre spéciale finale de l'Euro 2016 en Skyrock. Yeah. Et c'est parti, on est en direct pour vivre cette finale. La France face au Portugal sur Skyrock. Est-ce que dit Foulé là, Vincent, toi qui es là aussi à l'antenne, c'est toi qui vas contrôler tout? Ah bah oui. On a tout dit, on a tout entendu, on a tout. Voilà ce qui se passe actuellement au Stade de France, hein. C'est de l'accordéon, hein, sur la pelouse. Alors il paraît que sur la pelouse du Stade de France, il y a des papillons de nuit qui sont arrivés à cause de l'éclairage. Donc on ne sait pas qui ça pourra favoriser, on va savoir ça dans quelques minutes. Est-ce que dit Foulé là, est-ce qu'il est connecté aussi? Logiquement oui. Est-ce que nous avons dit Foulé? On va le retrouver dans quelques minutes. Ah, il nous envoie de la musique, Difool. Magnifico, magnifico. Il est en Italie, Difool. Il est pour ses vacances. Il a trouvé un studio de radio. Évidemment, donc on va le retrouver d'ici quelques minutes sur Skyrock. Une grosse soirée en perspective, Vincent. Est-ce que tu veux donner peut-être les compositions de l'équipe de France? Toi, tu les as. L'équipe de France. Et l'équipe du Portugal aussi. Allez, évidemment. On va commencer par le Portugal. On va saluer nos amis portugais aussi, hein, qui font la fête un peu partout comme nous. Avec Rui Patricio dans les buts. Pépé en défense, il est rétabli. On ne savait pas s'il allait jouer, mais il sera là. Il y a Font en défense. Guerrero, le Lorientais, qui va jouer latéral. Cristiano Ronaldo, Mario. Il y a Carvalho, Renato Sanchez, Nani, Cédric en attaque. Ah, pas le Belge, pas le même. Hein. Dommage. Dommage. Et Silva également en attaque. Et puis pour l'équipe de France, dans les buts, Lloris. À gauche, il y a Evra. Défense centrale, Umtiti, Koscielny. Sagna à droite. Milieu défensif, Pogba, Matuidi. En attaque, Payet, Griezmann, Sissoko. Milieu de terrain aussi. Et Giroud en pointe. Voilà pour les compos des équipes. Allez, bonne chance à tout le monde. Si vous voulez intervenir aussi, n'hésitez pas. 01 53 40 30 20. Nous avons aussi Black M qui est en direct du Stade de France. Non, Sopra, pardon, qui est en direct de chez lui. Allô, Sopra. Ça va, Sopra? Comment ça va? Bon, est-ce que l'excitation a gagné Marseille? Est-ce que tu es dans un état de démence absolue? Oui, mais ici, c'est chaud. J'entends des gens dans la rue qui klaxonnent, qui font des cortèges comme si c'était un mariage. C'est presque ça. Voilà, il y a de l'ambiance, tout le monde est maquillé, tout le monde a il y a des perruques, tout le monde est dans un barbecue. Je regarde de ma fenêtre, tout le monde est sur sa terrasse, tranquille. Tout le monde attend le match et tout le monde est prêt. Eh ben nous aussi on est prêts, hein, Sopra. Je peux te dire que là ça fait quand même plaisir. Est-ce que tu as un petit problème? Il y a déjà l'ambiance chez moi, regarde. Ouais, t'as vu, c'est déjà chaud. Ah, c'est chaud à la maison, hein. Toi t'es à la maison, t'es posé. Tu suis le match où, Sopra? Moi je suis à la maison, il y a toute la famille qui va venir, on va regarder à la maison. Petit pronostic? Moi je pense un petit 2-0, c'est possible. 2-0, hein. c'est possible. Voilà. Écoute, on va voir. Normalement on est aussi avec Difool. Est-ce qu'on a retrouvé Difool? Ah non, on le retrouve plus. Difool nous balance. Il est en Italie actuellement, Sopra. Difool. Il est en Italie. Je sais pas, il est parti revoir les Italiens qu'on avait rencontrés pour l'Euro 2000. On se souvient évidemment de ce match incroyable. Ouais, avec Trezeguet, voilà. Avec Wiltord aussi, qui avait planté magnifique. Et j'étais en Italie quand il y avait ce match aussi. Ah, toi aussi, t'étais en Italie? Ouais, en plus, le jour du match. Et en Italie. Non, donc je pense qu'on va retrouver Difool d'ici quelques minutes. En attendant, je sais pas, il nous balance de la musique. Allez, oh! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Je sais pas quelle radio il nous a trouvé, Difool, en fait. Bon, Sopra. Oui. Bon match à toi, en tout cas, Sopra. Peut-être qu'on te récupérera dans la soirée, si jamais tu veux, si jamais tout se passe bien. Ouais, si ils n'ont pas cassé ma maison, si Grésil met un but, il n'y a pas de problème. Si le pronostic est bon, 2-0 donc pour Sopra. Vincent, un petit pronostic aussi ou pas? Ouais, bah je vais m'aligner sur Sopra, pareil. 2-0, 2-0. Ça sera propre, sans stress, sans prolongation, sans truc relou, quoi. Et bah ouais. Balancer aussi. Quoi, j'espère, parce qu'avec le Portugal, on ne sait jamais. Hein. Oui. Ils font des prolongations, ils n'ont gagné aucun match, sauf un match. Et ils sont en finale. Donc on ne sait jamais, mais bon, on y croit. Eh ben on y croit, on est tous derrière les Bleus. Merci Sopra d'avoir été avec nous en tout cas pour ce début d'émission. Y a pas de problème, faites des bisous à Black M. Et ouais, on va voir Black M, mais je crois que c'est au stade, mais c'est un peu compliqué là pour rejoindre le Stade de France en même temps. On s'en doute sur Skyrock. On fera un petit tour dans la fan zone d'ici quelques minutes. Toujours pas de nouvelles de Difool, non? Buonasera. Senti, non è che ha avuto per Difoolio. Parla in italiano. Potrebbe essere, potrebbero uscire dalla coppa come sai le modelle di una radio italiana che ha fatto va bene. Ok, allora okay, grazie okay. Carlo Elli. Grazie a tutti, a presto, ciao. A settimana prossima, ciao. Grazie, Fulvio, grazie mille Giorgio, un abbraccio a Carlo naturalmente. Pronti, ci siamo, è la finalissima. RTL 102.5 è partner ufficiale. La radio c'è RTL 102.5. Stefano, un petit pronostic aussi pour le match ou pas? On n'a pas le droit à un petit prono. Bah bien sûr, attends, moi je vois carrément 3-1 pour les Français. Ah, comme moi. Mais j'ai pronostiqué 3-1. Exactement. Et quand même un but de CR7. Ouais, mais c'est les Portugais qui vont ouvrir la marque. Moi je précise, tu vois, je confonds du pronostic. Maxime, la banane qui est là avec nous aussi. Ouais, on est là. Alors un but de Ronaldo pour faire plaisir aux Portugais qui sont nombreux en France, et puis on va rajouter 2 buts de Griezmann à côté. Donc 2-1 aussi. Et voilà. À suivre aussi dans quelques minutes. Alors, on gagne. Et on peut déjà mettre un premier bip bip, l'équipe de France de basket qui s'est qualifiée. Bip bip. Ça c'est un bon signe aussi, c'est qui, c'est Emric? Emric, yes. Comment ça va Emric? Très très bien, en direct de Saint-Mandé, on a trouvé un parc sur un grand écran le match. Alors, donc, je suppose que toi, comme t'es dans le 9-4 Saint-Mandé, il y a une grosse communauté portugaise, donc est-ce qu'il y a beaucoup de Portugais autour de toi Emric? T'inquiète pas, il y a une majorité de bleus quand même, donc on va leur faire la misère. Mais bon, ceci dit, on est prêt à les consoler pour tout à l'heure, il n'y a pas de soucis. Hein. Toi ton prono c'était quoi? Ouais, je dis 3-0 Fredo. 3-0? Ouais, okay. Ouais. Et bah ouais, c'est ce que t'avais dit vendredi soir. Et on va retrouver, attends, ne bouge pas Emric, nous sommes connectés avec la radio italienne où Attention. Se trouve Difool. Est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Difool, est-ce que tu nous entends? Non, c'est le nouveau son d'Umberto Tozzi qui arrive. Ça marche, hein. Ça cartonne. Pronto! Ah, pronto! Voilà. Le vrai Difool. Comment stai? Comment? Mais Difool, tu nous entends? Mais oui, je vous entends, vous m'entendez bien? Oui, tu es sur RTL 102.5. Et dans sa salle de bain. RTL 102.5, la première radio italienne qui nous accueille ce soir, je voulais les remercier d'ailleurs. Sympa, hein. Merci RTL 102.5, merci Raja, merci Pier Vincenzo, qui est le technicien qui est là juste en face de moi. Pier Vincenzo. Et allez les bleus! Allez les bleus! Et il y a Karen qui est juste à côté de moi aussi. Ouais. Et ils sont comment les Italiens par rapport à nous? Ils sont plutôt français, ils sont plutôt portugais? Ah, elles sont bonnes. Non. j'ai pas moitié. Pierre, in Italia, les Italiens, ils sont pour la France ou pour le Portugal? La France ou le Portugal? Quel magnifique accent. Mezzo. Moitié. Menzo. Mezzo. Et pourtant, ils s'appellent les Bleus aussi, parce qu'ils sont bleus, les Italiens. Exact. C'est des Bleus comme nous. La squadra azzurra. Eh, viva les Azzurri! Les Azzurri sont de francese aujourd'hui. Les Bleus sont français aujourd'hui, là. Mais en même temps, ils se souviennent peut-être qu'en 2000, ça t'est mal passé. Nel 2000, t'es ricordi, hein? Et ils s'en rappellent, ouais. Ah oui, ils s'en rappellent. Bon, forcément, ils peuvent pas être totalement avec nous derrière. Exactement, Fredo. Bon, comment est l'ambiance? J'ai entendu Emric qui était là, Emric, toujours, je crois. Emric. Oui, toujours là. Tu entends Difool en direct d'Italie ou pas? Eh oui. En direct de Rome, on est là ce soir. Ouais. Les Worldwide. Je sais pas si t'entends. Exactement, bien, Emric. Oui. Si, t'entends? Je sais pas. Emric, tu entends bien Difool? Très bien, ça y est. Tu entends super bien. Toi, t'es où, Emric? C'est quoi? T'es chez toi? T'es où? Non, tu fais quoi? Ouais, 94, Saint-Mandé, on attend le match. Bon, là, il y a la BTO. Il faut qu'ils mettent la bonne chaîne. Ils ont pas mis la bonne chaîne. Bon, merde. Moi, je regarde le match. Vous, c'est M6 ou Bein à votre match? Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je suis branché sur Sky Sport. Sky Sport. Eh ouais, la classe. C'est un signe quand même, hein. Alors, est-ce que tu Vas-y Fred. Non, est-ce que tu as vu Difool qu'il y a des papillons de nuit sur le terrain, sur le stade de France? Cristiano qui chante, vous le voyez aussi là? Ah ouais, il est concentré Cristiano. Ah, les yeux fermés Cristiano. Wow. Et il chante. Et ouais, l'hymne portugais. J'espère qu'il va déchanter. Et ouais, et qu'il va pleurer. Non, je te disais, ouais, en fait, le stade de France est rempli de papillons de nuit sur la pelouse, à cause de l'éclairage. Donc, est-ce que ça va favoriser quelqu'un? Ouais, on n'en sait rien, en fait. Ah merde! Un envahissement de papillons de nuit. C'est ouf, ça, quand même. Ouais. Ils ont mis trop d'éclairage au stade de France, en fait. Oh là là, c'est très bien, c'est pour ça. Tiens, on va écouter. D'ailleurs, peut-être c'est l'hymne, je pense, portugais. Ah, la Marseillaise! Ah non, là, c'est pas la Marseillaise. Non. Non, ça, c'est pas la Marseillaise. Et attention. La Marseillaise! Ça va être main sur le cœur dans un instant. Ouais, la main sur le cœur. Oui. Faut que je mette mon maillot. Mets ton maillot. Mets-toi torse nu, mets le maillot. Je vais te le chercher. Très bien. Je remercie Karim qui m'a accompagné à Rome dans les studios de. Ah, de la main sur le cœur. De Cinque, attention. La Marseillaise. Arrivée. De la tiradie. On retrouvera Cédric tout à l'heure qui nous avait fait une belle version de la Marseillaise. Je sais pas si vous vous rappelez. Allons-enfants de la batterie. Ouais. Exactement, allons-enfants de la batterie. Magnifique. Exactement. Magnifique version de la Marseillaise. Je fais un striptease dans les studios de RTL. Est-ce qu'on peut voir des images? RTL. Oui, ça n'a rien à voir avec le RTL français, hein, je le précise tout de suite. Hein. Ah ouais, c'est. C'est RTL 102.5. Ouais, c'est la radio lombarde. Bravo Fredo. Félicitations Fred. Je vois les bleus très concentrés quand même. Hein. Ouais, je vois ça, je vois Didier Deschamps aussi. Je mets le maillot, donc ça veut dire que ça va démarrer. Hein. Je te laisse, Fredo. Je mets mon maillot, j'enlève mets ton casque, maillot, mets ton maillot. Bah, mais la musculature, waouh. T'as vu un peu. Les gars, vous le voyez, hop, mais ouais. C'est la folie. Tu sais ce qu'on va faire, Diffoul, pendant que tu mets le maillot et deux minutes avant le coup d'envoi? On va revivre tout de suite le petit récap de ce parcours des Bleus tout de suite. Super, super. Allez, c'est parti maintenant. On a tout dit, on a tout entendu, on a tout lu depuis des semaines sur ce premier match entre l'équipe de France et la Roumanie. Dans quelques secondes va débuter l'Euro 2016. Voici ses pieds gauche. T'as pas honte à nous ? Ouais ! Il a manqué ça, sa sortie. Et Olivier Giroud à la 57e minute. Frappe du pied gauche. Oh ! L'étincelle ! Et juste avant le coup d'envoi de ce deuxième match entre les Bleus et l'Albanie, le centre, ami. Antoine Griezmann. Mais les Bleus sont qualifiés en huitième de finale de cet Euro 2016. C'est parti, le coup d'envoi donné par la République d'Irlande. Et il y en aura un deuxième. Placement, oui. Et partenaire, ouais. Et la tête d'Antoine Griezmann. Le doublé, le... Ce quart de finale en tous les cas, coup de sifflet donné par monsieur Kuipers, premier ballon en jeu. Olivier Giroud qui frappe et qui dit Dimitri Payet, la frappe du gauche, et c'est le troisième ballon. Ouais, c'est le cinquième avec Giroud pour le doublé. L'Allemagne championne du monde, la France qui rêve d'enfin faire tomber ces Allemands dans un grand tournoi pour la première fois depuis 58 ans. C'est parti. Totalement hébété, les coéquipiers de Manuel Neuer. Et lui va se retrouver face à Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, le voici face au meilleur gardien du monde. Juste avant la pause, pour ouvrir le score en faveur de l'équipe. Cette surface, Neuer, Griezmann, Antoine Griezmann. Ah, c'est terminé. Les Bleus sont en finale de l'Euro et viennent terrasser les champions du monde en titre 2-0. Que ce fut dur. Radio Libre spécial finale de l'Euro 2016 en Skyrock. Yeah. On est en finale, on est en finale. On est en finale. On est en finale. On est en finale. Ah Fredo, mais attends, mais maintenant il faut qu'on la gagne la finale. Ah maintenant oui. Il faut la gagner. Alors, ouais. J'ai vu Lloris donc dans les cages, ça sent c'est pas ça, ouais. C'est ça. Sania, Koscielny, Umtiti. Hey, Umtiti qu'on avait eu dans l'émission, on le salue, il est au Barça maintenant. Ouais. Evra, après ça on a... Ça change pas aussi. Pogba, Matuidi, Charo. Sissoso, Griezmann, Payet et Giroud. C'est la même équipe que contre l'Allemagne. Même équipe contre l'Allemagne, ouais. Et le coup d'envoi, chez nous ça c'est le coup d'envoi, parti. J'imagine que chez et... vous aussi. Attends, ouais, on a un petit décalage. Ah, c'est parti déjà, ah ouais, chez vous. Non, ça va encore, partir. Ça va partir. C'est les Portugais qui vont engager, c'est ouais. Ça ouais, exactement. Ah, très bien, très et bien. Attention, nous c'est allons. C'est parti pour 90 minutes ou plus. Attention. Ouais. Avec Nani en rouge et les Portugais contre les Bleus de Didier Deschamps. Allez. Engagement du Portugal et c'est parti. C'est parti, coup d'envoi. Parti. Allez, les gars. Allez, les Bleus. Allez. C'est allez, deux. Comment on dit, allez, les Bleus? Forza Azzurri. Forza Azzurri. Forza Azzurri. Pier Vincenzo di RTL 102.5 avec nous. Ciao Francia. Bello, bello, italiano. Italie, hello, Italia, Italia tout court. Hello Italia tout court d'ailleurs. Et ils font quoi alors sur cette radio? Ils commentent aussi le match? Ils font quoi, Diffoul? Ils commentent le match. Je vous ferai écouter tout à l'heure. Pier Vincenzo, tu feras ascoltare dopo la tua radio. Putain, mais quel italien. Ok, on fera écouter tout à l'heure. Ils commentent le match un peu comme nous. Donc il y a un mec sérieux, puis t'en as d'autres qui sont moins sérieux. Nous, on n'a pas de mec sérieux. Hein. Non, je sais, non. J'ai bien essayé, mais ça marche pas du tout en fait. Patrice Evra de la Juve. Ouais, on va Patrice Evra de la Juve qui se fait piquer la balle. Attention. Les Français, les Portugais, pour qui démarre le match. Ah, c'est chaud. Il y a qui avec toi, Fredo? J'ai entendu Vincent. Il y a Vincent qui est là, il y a Stéphane, il y a Maxime. Il y a Fab qui est là, qui est au standard. Il y a toute l'équipe. Il y a Marjo qui est dans le coin. Salut Fab, aussi. Les deux Fab d'ailleurs, Fabulous et Fab Laltron. Exactement. Il y a le blond. Ça veut dire l'autre Fab. Le blond qui est là. Méché comme jamais. Méché comme jamais, très bien. Les Portugais, les Portugais. Cristiano au milieu de terrain. Ouais, on est au milieu de terrain, c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui est au milieu du terrain. Et touche pour les Bleus. Touche pour les Bleus. On va essayer aussi de récupérer Romano. Est-ce qu'on a des nouvelles de Romano un peu? On sait où il est ou pas? Romano est en Bourgogne. Il est en Alors Bourgogne. J'espère qu'il a son téléphone. On va essayer de le joindre. Ah, il est dans la Birch là. Et Marie, Marie où? Parce qu'on savait pas trop non plus. Alors Marie est sur la Côte d'Azur. Parfait. Elle est dans le Var, Marie, ouais, je l'ai eu. Et on l'aura tout à l'heure, Marie. Et Cédric qui était entre Las Vegas et Saint-Denis. Mais je crois qu'il est dans le 9-3, gros, parce que je l'ai eu. Il m'a dit, bon, je suis un pote à moi. Bon, Cédric, j'ai un pote à lui, peut-être dans une cave, mais j'espère que le téléphone passera. Les Français sont à l'attaque, d'après ce que je vois, là. Ouais. Ils sont totalement à l'attaque, tu as raison, dit Folio. Totalement, avec Payet sur le côté. Ah, Payet sur le côté. Sur le côté gauche, on est dans la surface de réparation. Allez, allez. Portugais qui dégage, je te sens chaud, Fredo. Allez. Eh, c'est une vraie émission européenne qu'on se fait ce soir en direct de Rome. Bah, Pogba qui récupère, magnifique. Au Stade de France, on aura du monde aussi. Et Fred et toute l'équipe de Sky, un peu partout en France. Fred dans les studios, c'est toi le maître de cérémonie, le MC de Planète Rap. Ouais, tu vas voir la gueule MC, de la cérémonie. MC Fredo. La gueule MC de la Fredo. Cérémonie, quoi. Il y a même Montréal qui nous porte aussi. Pardon? Ah, très bien. Envoyez-nous des messages d'ailleurs. Oui, envoyez des messages. On a les messages, ouais. On reçoit les messages, je lirai les messages italiens aussi. Les messages de comme nous, ils ont des SMS. On a le Telex, on a Il y a Simon qui nous dit, moi j'ai gagné dans les deux cas, je suis franco-portugais, c'est vrai. Oui, c'est vrai que les franco-portugais, ils ont gagné. Et nous avons, Marie aussi par téléphone qui est là avec nous. Nous avons retrouvé Marie. Allô Marie. Allez les bleus! Marie, elle est déjà faite. Elle est déjà faite. Marie, t'as déjà sorti la bière, les gars. Ah, Marie a déjà fêté ça. Étonnant. Abbiamo una amica qui beve la birra prima della partita per festeggiare. Je sais pas quoi. J'explique qu'il y a une amie qui est déjà en train. J'explique Marie que tu es une de nos amies qui est en train de boire de la bière et que tu fêtes la victoire avant qu'on ait gagné. Attention, perds pas la poisse. Hein. Non, c'est pour regarder le match. Tu sais bien, moi, tu fais la bière à n'importe quelle heure. Tu es où, Marie? Je suis au Canadel, très précisément, à côté du fort de Brégançon. D'accord, très bien. Ah. Voilà, et pour bien. Vous situer. Ok, très bien. Allez, comment l'ambiance? Ah bah écoute, au top, là, on est neuf devant la télé, en famille, avec des amis, c'est top. Ça vient de commencer en même temps. Hein. Ouais, le match démarre doucement, mais on est quand même plutôt pas trop mal. Là, pour l'instant, j'ai vu la balle dans la surface de réparation des Portugais qui dégage maintenant. C'est parti, ça dégage. Allez, ça dégage. Hop, c'est parti. Marie? Oui, je suis là. D'accord, on a combien de bières, Marie? Non, à la première, figurez-vous. Un premier pack, je viens de finir. Le premier pack, ouais. Non, j'ai fait une petite sieste avant pour être en forme pour le match. Attention, c'est dangereux. Il y a un Portugais qui s'est là tout seul. Il y a un Portugais qui était dans la surface de réparation. Attention, c'était dangereux, c'est largement au-dessus des buts de Loris. Alors, moi, je suis en avance sur vous, hein. Donc, s'il y a un but, vous allez m'entendre hurler. Ah merde. Bah, parfait, Marie, comme ça, tu seras première sur le foot. C'est ça, exactement. Ouais, la première action dangereuse, il y a un Portugais qui a été laissé tout seul. C'est Nani, ouais. Super Nani. Oh, la blague de merde. Elle est Nani, superbe. Ouais, qui avait été laissé tout seul. Devant les cages. Bon, les Français sont à l'attaque. Enfin, sont à l'attaque. On est au milieu du terrain, pour l'instant. Ouais. Hein. Avec Pogba. Paul Pogba. Qui joue sur la gauche avec Evra. C'est qui ton préféré, Fredo, chez les Français? Ah, chez les Français. Mais moi, c'est toute l'équipe que j'aime, en fait. Parce que c'est vrai J'allais te dire la même chose. Mais c'est vrai, on sait. Même d'ailleurs, les remplaçants, j'espère qu'il y a une bonne ambiance, qu'on saura après, hein, de toute façon, ce qui s'est passé durant ce parcours des Bleus. Mais voilà, je pense qu'on peut saluer toute l'équipe parce que tout le monde a donné. Et ça fait vraiment plaisir, quoi. Tu vas me dire, on a tellement merdé. Je vois des messages italiens là, Forza Portugal, qu'est-ce que c'est? Je vois des messages, allez le Portugal sur le. Oh, sur des... oh. Ah. Ah. Bon, vous allez nous entendre gueuler parce que je suis avec des fouteux là, ça gueule. Bah nous aussi on est des fouteux. Des fouteux ou des footix? Non, des fouteux, des fouteux. C'est des footix, Fred. C'est les deux, ouais. Les deux, ouais. C'est ça. Bon, on a eu un tir au-dessus des cages. C'était un tir très bon pour le rugby. C'est Sissoko qui a tiré. C'est Sissoko, ouais, il me semble. Ouais. Sissoko qui a tiré bien au-dessus. Il a mis. Enfin, il faut essayer. Hein. Il faut essayer. Il faut tenter. Ouais, ça va passer. À un moment, ça va passer. Ouais, il a mis un drop là. Ouais, il a mis un drop. Fool, c'est ça. Je crois que je ne t'ai pas demandé le pronostic, dit Fool. Ah oh, bah on va gagner. Oui, non, d'accord. Le mec se pronostic. Pas, ça, c'est un bon pronostic. Ouais. Non, seul le résultat compte. Moi, j'espère qu'on va gagner ce soir. Mais attention au Portugal. Hein. Attention. Ils sont à l'attaque, les Portugais, mais les Français récupèrent le ballon. Ils sont chauds. Ah bah oui, Marie, mais moi aussi. Tout peut arriver sur 90 minutes. Oula, les Français là qui sont à l'attaque. C'est bien, c'est bien ce qu'il a fait, Evra là. Evra, joli aussi. Oh là là, il est pas tout seul. Ah, attention, allez, faut mettre le but. Allez, on se concentre. Oh là, on est dans la surface de réparation. Dégagé par le Portugal ce soir. Aïe. C'est bien, on attaque et on récupère la balle trop tard. Ah non. Oula, Griezmann qui frappe. Ah non, ça revient. Ouais, bon, d'accord, il a tiré bien à côté. Ça, hein. Ça passe pas. Oui, je crois que Marie, en fait, tu es en retard sur nous. Ouais, t'es vraiment en décalage. Ah, merde. Bon, bah, c'est l'inverse, en fait. Je crois que t'es en décalage dans ta tête, mais tranquille. Je sais pas par rapport à toi, Fredo, mais Marie est en retard. Marie, bande d'enfoirés. T'es sûr que tu regardes le même match? Tu regardes. Mais oui, je suis sur les 6, normal, quoi. Mais c'est la finale. T'es sûr que c'est écrit port d'un côté et fra de l'autre, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. 6 minutes 44 de jeu chez moi. Chez vous combien? Pareil à peu près. Hein. Ouais, 6,44. 45. Eh ben parfait. 50, moi. Putain, je suis en avance. Putain, on est en avance sur vous, les matchs. Je suis en avance depuis tout à l'heure. Hein. Ah ouais? Ah ouais, donc faut venir en Italie pour voir le match et le voir en avance, nous, c'est ça. Ah en fait. Bah, c'est pas banal. Bah, 10 foules toujours dans le futur. Hein. Ouais, t'as vu. Merci, Maxime. Ah, voilà. Maxime, toujours dans la sucette aussi. Oh, le lécheur. Mais quel lécheur celui-ci. Bon, on est à l'attaque là, c'est bien. C'est Grizzly qui a la balle, hein, d'après ce que je vois. C'est ça. Grizzly. Ah, mauvaise passe récupérée. Les Portugais qui récupèrent le ballon là. Le Portugal. Il est parti. Ronaldo. Oh, Ronaldo est peut-être baissé. Mais non. Oh putain, oui. Ne te relève pas. Ah, Ronaldo est cassé. J'aime, en plus, et vous savez que j'aime bien Ronaldo comme joueur. Mais s'il est cassé, Ronaldo is broken. It's broken. Ouais. Putain, mais Difool, t'es italien. Mais c'est incroyable, Difool, mais... cette maîtrise de toutes les langues. Ah ouais. Eh, c'est l'euro, hein. Ah, incroyable, quoi. Vous voulez que je vous lise les messages des auditeurs des RTL Gento Due Cinque? Allez, en disant, ouais. Alors, j'ai Fulvio qui me dit Forza Napoli. Allez, Napoli. Je crois qu'il s'est trompé de match. Ouais. Ah ouais, il est sur un autre match, là. Oui, je crois qu'il s'est trompé. Il s'est trompé de match, ouais. Envoyez-nous vos messages aussi au 41759, hein. On mate tout ça, hein. Allez-y, ouais. Ronaldo s'est fait mal au genou. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ronaldo? Il se lève plus, Inch'Allah, il est blessé. T'en sais plus, Marie contente. Il est mort. Ah, il va mourir, ouais. T'en sais un peu plus sur ce qui s'est passé, Fred? Non. Il faut mettre le son de la télé. Sur Ronaldo. On met sur le foot, Fred. Attends. Attends. Est-ce que Ronaldo va sortir? Il sort. C'est magnifique, ça. Ah, il s'est niqué. Je crois que c'est le genou. Ouais. Il va pleurer, je crois. Des buts, le pauvre. 2, un but en 2008. Oui, oui, moi, en plus, c'est vrai que je l'aime bien, le Cristiano, moi. Bah oui. Mais bon, ce soir, je l'aime moins. Ouais. Bah, s'il pouvait sortir là, 8 minutes de jeu, ce serait pas mal. Ah non, il revient. Non, il revient. Ah oui, de retour. Ouais, de retour, ouais. Ah, je vais vous lire un message d'un Italien qui nous dit Forza Francia. Merci, très bien. Ça fait plaisir. Franco qui nous envoie un message. Tu as quoi comme message? J'ai les messages de Sky, moi aussi, les messages que vous envoyez au 41. Moi, je vois beaucoup aller les bleus. Ouais, Danny les bleus. Qui envoie aller les bleus. Nana qui disait il sort. Non, malheureusement. J'ai Enrico qui me dit allez la France. Il est de retour. Merci Enrico. On va essayer. Allez, putain! Grizzly, pas mal. Merde, j'ai allez, il y a corner pour nous. Corner pour les bleus, ouais. C'est Payet qui va tirer le corner. Allez, Dimitri. Allez, mon petit Payet, on y va. Dimitri Payet, attention. Et Grizzly qui a failli marquer, son but encore. Ouais, ouais. Putain, il est fort, hein. Champion Griezmann. Hein. Champion, mon frère. Allez, corner. Bel arrêt. Et tête non. De Giroud, mais dans les bras du gardien. Ouais. Bel arrêt du gardien portugais. Ouais, bel arrêt. Il peut pas se casser les mains, lui. C'est pas mal, hein. Oh, putain, mais la tête qu'il a mis, Griezmann. Regarde la tête qu'il a mis. Ouais. Hey, il est fort, hein, il est fou. Il est fort. Attention, les Portugais sont à l'attaque et Cristiano est revenu. Il est là, Cristiano. Hein. Ouais. Il est de retour. Mais dis donc, c'est les Italiens que j'entends derrière qui sont déchaînés ou pas? Mais non, mais je crois que c'est chez Marie. Non, c'est chez moi. Ah, c'est chez toi, Marie. René Jagalbé. Ouais. Non, mais je suis avec un Lyonnais qui dit on va vous niquer les Portos depuis tout à l'heure. Je sais pas ce qu'ils foutent. Je l'entends de loin. Bon, attention, les Français récupèrent le ballon et les Français Griezmann repartent à l'attaque. À part Grizzly qui envoie à droite sur Sagna. Ouais. Qui la récupère. Allez. On avance, on est au milieu de terrain. Je vois pas les papillons, en fait. Les papillons de lumière, gros. Les papillons de lumière. Ouais, cherche. Je vois pas les papillons. Allez, les Portugais. On est dans la surface de réparation des Portugais qui ont récupéré la balle et qui relancent. Mais qui relancent mal et c'est récupéré par la défense française. Défense française, on est à 10 minutes de jeu, 10 minutes 42. Et vous êtes sur Skyrock avec toute l'équipe, Fredo, ouais. Le MC, la Marie, en direct du Var, Marie la groupie. Et on essaye de voir Cédric porté disparu dans une cave du 9-3. Ouais, si vous l'avez vu, faites-nous signe. Et j'espère qu'il a pas oublié qu'il y avait le match. Et Romano, alors, parking, je sais pas où il est passé, oui. Bah, Romano, il est en Bourgogne, j'espère qu'il a du, j'espère qu'il a, réseau. Ouais, qu'il a du réseau. Il est perdu, quoi. Il est dans la Burge. Il est dans la Burge, ouais. Et Cédric, mais c'est pas lui, vendredi, il disait genre, je suis à Las Vegas, ou je sais pas, il est pas. Mais non, mais non. Vendredi, mais qu'il raconte de la merde, parce que vendredi, nous, il nous disait qu'il était en Allemagne ou en Belgique. Oui. Après, il était à Las Vegas. Oui. Au final, il a fini à la boule. On va comprendre pourquoi. Il est à la boule? Je sais pas, gros. Allez, justement, la balle, elle est où la balle? Elle est chez les Français, on attaque. Ouais. Payet. Dimitri Payet, qui se fait piquer le ballon. Il avait... Mais c'est récupéré par Evra. Bien, Patrick. Qui joue derrière avec Matuidi. Pat, il est chaud là. Patrick, c'est vrai. Il est chaud, Pat. Ça fait tourner là, l'équipe de France, ça joue, ouais. Ouais, c'est bien, ça joue bien pour l'instant, hein. Patrick, c'est vrai qui avec Pogba, le plus italien des Français, puisqu'il joue à la Juve. C'est ça. Paul Pogba. Difool, toi qui es très fort sur le sport et le foot, tu as joué des compétitions de ce haut niveau aussi à l'époque ou pas? Alors j'ai joué avec Zidane, mais j'étais derrière lui, je l'entraînais, je lui donnais des conseils dans l'oreillette. Mais il a gagné la finale avec Platini, Difool. Tu l'as pas vu? Oui, avec Jules Fontaine, ouais, aussi. C'est ça, ouais. Les enculés de Karim, non mais. On en est où là pour l'instant? Et bah pour toujours 0-0, 12 minutes. Ouais, Cristiano est de retour. Hein. Cristiano, j'ai l'impression qu'il souffre. J'ai l'impression qu'il fait une drôle de tête, Cristiano. Ouais, il est pas bien, ouais. Il est pas bien là, il est pas en forme. Même. Ouais. Non, ouais, j'espère et que en tout cas, ça va continuer, gros. Je sais pas si vous avez vu les images des départs de l'équipe de France et l'équipe du Portugal, c'était assez fou. Notamment pour les Portugais, Marcoussi. T'avais plus de 2500 personnes, c'était incroyable, ouais. Les mecs ont fait partir des fumigènes, des trucs, c'était hallucinant. Ouais. Les Portugais étaient très déchaînés. C'est vraiment, si vous êtes franco-portugais, vous pourrez vous la péter ce soir, quoi qu'il arrive. Vous avez gagné, ouais. Les Portugais, ils ont fait le mur. Il y a un message, les Portugais, ils ont fait le mur devant l'hôtel des Portugais. Alors, une petite blague portugaise, merci, le Karim Comedy Club est ouvert. Est ouvert, pardon. Oui. Excusez-moi, je suis un peu italien ce soir, donc. Ah, on a des messages, on nous dit Cédric, il est dans un pote, il est avec un pote dans une cave, ok. C'est des nouvelles. Donc on sait où il est parti. Je suis dans la cave. Non mais restez bien avec nous parce qu'on suit le match. On vous dit ce qui se passe. Pour l'instant, c'est les Portugais qui sont à l'attaque. Attention, mais les Français sont bien repliés derrière. Et récupèrent le ballon. Ils sont chauds. On est au-dessus. Moi, je pense qu'on est au-dessus. Ah, pour l'instant, mais tais-toi, Karim. Tu vas nous porter la passe. Voilà, c'est Lloris qui récupère le ballon et qui dégage. C'est reparti milieu de terrain. Et oui, donc tout à l'heure, donc on aura besoin de vous. Vous nous ferez vivre ce qui se passe un petit peu chez vous. On va aller dans une fan zone aussi. On va aller dans un bar portugais aussi dans un instant. On va aller faire un tour chez nos amis Portugal. Cool, Fredo. Et on aura des rappeurs aussi avec nous. Vous êtes sur Skyrock, c'est normal. On a déjà eu Sopra en tout début d'émission là, quand on essayait de vous joindre et que tu jouais. Tu balançais un morceau tout à l'heure, Difool. C'était Umberto Tozzi ou quelque chose comme ça. Umberto Tozzi sur RTL 102.5. C'était magnifique. C'était magnifique ce que tu nous as envoyé comme musique tout à l'heure. À un moment, on essaie de te passer à l'antenne. C'est vrai. Non, est-ce que tu veux quelques statistiques peut-être, Difool? Allez, vas-y, balance les stats. Le bilan des Bleus face au Portugal, donc 18 victoires, 1 nul et 5 défaites. Et les 10 dernières confrontations entre les deux sélections se sont à chaque fois soldées par une victoire française, donc on a de grands espoirs. Ouais, ils ont jamais gagné, les Portugais. Voilà. Alors, je vais te faire écouter ce qui se passe en Italie, là, actuellement, parce que c'est l'Euro. Vai, Vincenzo. Voilà ce qui se passe en Italie. De la pub. De la pub. Publicita. Je vous ferai écouter dans un instant, là. Mais c'est super, la pub. C'est génial, t'as vu. Nous avons. Le Portugal est tout chiuso adesso. La Paglia est tornata all'indietro, ma da un minuto la Francia non riesce a décollare. Questo è la cosa di Spade Colleghi. Che molti immaginavano, Francia col pallone tra i piedi e Portogallo che con la sua ragnatela impedisce la partenza del gioco dei francesi. Adesso però prova a Sissoko ad andare via sullo centro di destra. Il tocco in profondità per Sagna. Ma c'è la chiusura da parte di Rafael Guerriero con il. Voilà, ça c'est la radio italienne, c'est RTL, comme je vous le disais. Et nous avons donc Prisca qui est à la fan zone près des Champs-Élysées. La fan zone des Champs-Élysées. Allô, Prisca. Allô, ça va? Et toi, tu es où? Écoute, je suis donc dans la fan zone de la Tour Eiffel. Ah, mais t'as réussi à rentrer parce que tout à l'heure il disait genre deux heures avant c'était bouclé, on pouvait même plus rentrer, il n'y avait plus de place, c'était fini. J'ai réussi. Mais pour toi, Prisca a usé de ses charmes, j'imagine. Non, elle a sucé un mec de la sécu. Bon, j'ai juste dû retirer mon moteur. Tu lui as montré les miches ou pas? Tu lui as tout montré? Non, j'ai pas tout montré. Ah, puis est-ce que tu as gardé un peu pour la sortie? Ah, bah il aurait pas été déçu pour toi en plus. Parce que Prisca, il y a du matos, hein, on peut y aller, hein. Ah, ça c'est clair. Ça suffit, Freddy Slash. Touche pour les Portugais. attention, touche pas les Portugais, c'est les Portugais qui ont le ballon. Et ce qu'il disait sur la radio italienne, c'est que les Portugais nous empêchaient un petit peu de jouer depuis 5 minutes et que c'était mieux au début. Très bien, attends, on va demander juste Prisca, c'est quoi l'ambiance, les drapeaux, c'est plutôt français là-bas dans la fan zone? Ouais, complètement. Il y a 80, c'est quoi, 90 000 personnes, je crois, à la fan zone, c'est l'équivalent d'un stade. Hein. Ouais, oh, c'est énorme. J'ai même pas pu me mettre, en fait, vous voyez, sur le champ de Mars, en fait, on est sur le côté, parce que t'as des écrans aussi sur le côté. C'est genre juste impossible de se mettre. Ah, Prisca, nous, Attends, Prisca, ne bouge pas. Ouais, je passe un truc. Cristiano s'est fait attaquer par un papillon. Et bah voilà, il est là, mon papillon. Ouais, je l'ai vu. Il est là, ton papillon. Vas-y, Vincent, participe là. Et il souffre, il pleure. Il pleure. Ah ouais, il pleure. Bon, c'est pas bien de se réjouir. Non, mais bon. Si ça peut nous aider. Eduardo, aqui ao meu lado, no banco de suplentes, deu agora um soco no acrílico. Encouragé par les supporters portugais. Ouais. Attends, détresse de Ronaldo qui surjoue. Voilà, détresse de Ronaldo. Il n'a même pas allé au contact, c'est dire qu'il souffrait parce qu'on connaît évidemment. Ah ouais, quand même. Ah ouais, ce qu'il lui a fait Payet. Hein, c'est super. Il a niqué le genou. Ah ouais, niqué le genou. C'est un vrai champion. On l'avait vu effectivement. Ah Cristiano, il va pas bien là. Ah, il est mal le man. Et on voit cette faute de Payet qui arrive effectivement. Peu en retard sur Cristiano Ronaldo qui joue un peu le ballon, mais. Il n'a pas fait exprès, Payet. Hein. Non, il n'a pas fait exprès. Non, il n'a pas fait exprès. C'est pas intentionnel. Attends. Ah, le Portugal sans Cristiano, ça va pas être facile. Vous voyez les papillons, le papillon juste devant lui, quoi. Et tous ces joueurs. Ah, ouais, il sort. Cristiano Ronaldo sort. Désolé, ami du Portugal. Ah, c'est un petit de Cristiano Ronaldo. Bon, une Ligue des Champions, ça suffit, c'est pas mal déjà. Oui, un euro, c'est bien aussi. Oui, mais pour nous, c'est bien comme ouais, ça. C'est mieux. Mais même, je pense que si la France y gagne et Griezmann y met un but, il pourrait peut-être avoir le ballon d'or. On verra ça. Bon, bah, déjà, on va essayer de gagner le match. Ouais, déjà, faut gagner le match ce soir. Donc, en direct à la 17e minute de jeu, c'est un petit arrêt de la partie pour la sortie Cristiano Ronaldo, qui sort vraiment Cristiano alors. Ouais, il va sortir, ouais. J'ai l'impression que c'est fini, hein. Normalement, ouais, il sort là. Ouais, j'ai l'impression aussi. T'as pas vu, il était allongé sur le terrain, il pleurait, il était pas bien. Il lui met une bandelette. Et Payet a eu un carton, il n'a rien eu du tout. Non, rien du tout. Non. Oui, Fernando Santos ne veut pas prendre de décision précipitée. Pour l'instant, il n'y a aucun Portugais qui est parti s'échauffer. Ah, aucun Portugais n'est parti s'échauffer selon. Mais c'est vrai qu'ils sont à 10, les Portugais là. Là, ils sont à 10. Ils sont à 10, faut en profiter, les gars. Bon, allez, les Français, allez, la balle est au milieu de terrain. La balle est au milieu de terrain. Et c'est Mathudi Charo qui avait la balle. Mathudi Charo. Mathudi Charo. Milieu de terrain, on est un peu au-dessus du milieu de terrain. Et les Français ont le ballon, ils font tourner. On est pile poil au point d'engagement là, juste à l'instant, à la 19e minute de jeu pratiquement. Et pour l'instant 0-0, vous êtes sur Skyrock. Nous on est en direct des studios de la première radio italienne. Exact, Marie est dans le sud, on la retrouvera tout à l'heure. Prisca est en direct de la fan zone. Il y a toute l'équipe de Skyrock, on essaiera de joindre Romano, Cédric. Et attention, on est à l'attaque. La France attaque. Et un Français est par terre. J'ai pas vu qui était Payet. Allez, et c'est reparti. Attention, les Portugais qui attaquent. Il y a 5 Français en défense et 4 Portugais qui attaquent. On arrive à la surface de réparation. Surface de réparation, pas de blague sur les Portugais, s'il vous plaît, quand je dis réparation. C'est parti, on peut se lâcher, c'est le coup d'envoi. On peut lâcher des blagues. Attention. Tiens, salut d'ailleurs les Portugais qui nous laissent des messages depuis tout à l'heure au 41-65. Sur la piste Skyrock. Hein. Les Portugais, les Français, tout le monde. On est tous ensemble, c'est un bel euro qu'on vit ensemble. Trouvez que c'est des belles vagues. Ouais, c'est parce qu'on est en finale, gros aussi. Hein. Tu le disais, Fredo, on a une belle équipe. Magnifique équipe, voilà, c'est pour toute l'équipe qui nous ont donné, en tout cas, du plaisir. Et c'est vrai que ça fait du bien ces derniers jours, hein, quand même. Et vous savez que j'ai entendu des témoignages d'Italiens, parce qu'on en a vu quelques-uns. Ah, mais Ronaldo revient. Il revient, oui. Ronaldo. Ah, il revient. Ouais, enfin, bon ah, Ronaldo temps, est de retour. Ah ouais, Ronaldo revient. Ah, il est de retour, il lui a mis une petite bandelette. Le contact qui existait avec Dimitri Payet, c'est bien le genou de Ronaldo. Eh ouais, donc Ronaldo est de retour. Avec un genou un peu cassé. Un genou en moins, ouais. C'est peut-être mieux, même. Oui. Marie, t'en es où? Ah, moi, je bois. Ah ouais. D'accord, bien, Marie. Non, mais on est collés à l'écran, là, je vous écoute. Collés à l'écran. Oui, je pense qu'elle est collée. Oui, c'est bien. Collé la petite. C'est ça. Marie est collée. Bah, pendant que Vincent essaye de souffler dans la trompette. Non, mais j'ai chaud, là. J'ai mis mon maillot, là, pour pas qu'on gèle ça. Ah, mais j'ai chaud, j'en peux plus. Bah non, ça nous apporte des chances. Je veux pas l'enlever. Un petit coup de trompette, Vincent, marche pas ta trompette. Non, non, marche pas, il souffle désespéré. Il souffle désespéré. Et le mec, il souffle dans un truc qui fait du vent, quoi. Alors, les Portugais, on est dans la partie de terrain des Portugais qui ont une touche, mais on récupère le ballon. Et ça, c'est bien. On récupère la balle. Allez, on écarte un petit peu, on se retrouve, on écarte un petit peu, puis on recule un peu. Ah, écarte bien, vas-y. C'est bien, c'est bien. Ah, Marie. On est du côté gauche, on est du côté droit maintenant. Alors, on est reparti milieu de terrain là pour les Français. Ouais, avec Koscielny qui joue avec Pogba, Sissoko il lui remet. Ouais, ça joue avec Umtiti. Attention, Umtiti qui est Umtiti. Oula, accélération. Accélération jolie, Umtiti, ça lui fait 3 là, c'est pas Umtiti. C'était pas Umtiti les amis. Presque ça va passer les gars. Bien joué. Ça va passer, allez les bleus, allez les bleus. Pierre Vincenzo, allez les bleus, perfetto. Allez les bleus, joli. Mais c'est bien parce que Pierre Vincenzo, il a mis le maillot de l'équipe de France, il supporte. Et les Chris Kairok, Eh, grande. Attention, le moment est crucial peut-être. Allez, corner pour l'équipe de France. Pour l'équipe de France, Payet qui tire le corner. Attention, c'est sur la tête. Non. Et c'est pris par le gardien portugais. Les bras du portugais. Et relance vite avec Cristiano Ronaldo au milieu de terrain. Ah bah voilà, attention, il va mieux quand même là. Non, t'as vu, il a pas couru vite, hein, gros, il était lent. Hein. Ouais. Tu as trouvé? Ouais. En tout cas, il est sur le terrain. T'as raison, Fredo, faut se méfier. Faut se méfier quand même. Les Portugais qui sont sur la droite. Ouais, les Portugais à l'attaque. Pratiquement, ils sont à 30 mètres. 30 mètres, mais on récupère le ballon. Oui. Récupération de Sagna. Ça dégage. Allez, ça dégage. Les Portugais récupèrent encore. Ouais, dans les pieds d'un Portugais au centre du terrain. Les Portugais qui repartent à l'attaque là maintenant. Ils repartent à l'attaque. Les Français sont là en défense. Attention, il y en a un qui est tout seul. C'est dangereux. C'était Cristiano. C'est Cristiano. Reprise des Portugais, mais complètement dévissé. Ouais, c'est bon. Ah, j'ai eu peur, pardon, excusez-moi. Je viens de crier comme une dame. C'est bien, Marie. J'ai eu peur que ça passe dans les cages. Eh, Cristiano, il sort, les gars, je vous le dis, regardez. T'es sûr? Mais oui, il va sortir. Il jette son brassard. Ouais, certain. Il a jeté son brassard. Ah oui, il demande à sortir. Les commentateurs à la télé, ils disent que c'est fini pour lui, là. Bon, Fernando Santos l'a vu. Cambio. Donc, cambio en Italie, ça veut dire, tu changes. Ouais. Ça change. Le coup dur pour le Portugal. Ouais. Il pleure. Euro 2004. Mais pleure pas, mon chéri. Non, mais je trouve ça triste aussi. Allez les bleus quand même. Hein, allez les bleus, ouais. Putain, là, les Portugais, ils sont dépités. Ah, ils demandent du brancard. Ah, ouais, carrément. Ah, ouais, la civière, ouais. Oh, il faut jouer, Payet. Les petites supporters. Gros, on est pour l'équipe de France, hein. Ah, quand c'est l'équipe skin, il est en train de pleurer. Ah, ouais, il a passé son brassard. Ah, ouais. Il a lâché son brassard. Mais c'est vrai que de louper un truc comme ça, ça serait comme nous, Fredo, si on n'était pas là pour ce match. Horrible. Oh, le pauvre Fredo, on adore. Ouais. C'est comme Cristiano. Embarqué sur le brancard. C'est de la peine, de la peine, Cristiano. Allez, Ronaldo, il y a des jolies hôtesses au stade, t'inquiète pas. Merci, Payet. Merci, Payet. Non, en plus, Payet a pas fait ça méchamment, hein, il est rentré dedans. Non, il a pas fait exprès, mais merci à lui, c'est gentil. Cristiano sur la civière. Voilà. Ouais, c'est fini pour Ronaldo. En Portugal qui l'applaudit. Sur les applaudissements. Cristiano Ronaldo en peine. C'est bien, tout le monde applaudit, c'est bien. Cristiano Ronaldo qui est donc sur la civière, qui sort. Oh, même les Français applaudissent. Regardez, il y a des images. Je sais pas si vous avez les mêmes que j'imagine que oui. Ils applaudissent la sortie, ils sont contents. Ouais, il sort, ouais, bravo. Et une heure sans Ronaldo, magnifique. Bon bah moi je reprends une bière. Dur, ouais. Ah bah. Vas-y Marie. Vas-y. Je vais fêter ça. On tourne à combien là, Marie là? C'est quoi, c'est la deuxième? 8 grammes. Marie, pour tout et n'importe quoi, sort une bière. C'est Ricardo Quaresma qui rentre à la place de Cristiano. Ouais, Quaresma, ouais. Quand est-ce qui rentre? Avec une magnifique coupe. T'as vu? Bon, c'est charmant. Bon, le match est parti. C'est les Français qui sont à l'attaque. Giroud. Il y a Giroud qui est tout seul sur la gauche, mais il est vraiment trop seul sur la gauche. Ouais. Hein. Il a. Et comme on sait qu'il est technique. Pas mal, Giroud. Je t'ai dit, il est technique. Mais arrête de chier sur Giroud. Je t'ai dit, il est technique, gros. Il est technique. Il s'est tapé deux Portugais là. Je t'ai dit, il est technique. Les Portugais attaquent avec Quaresma. Quaresma qui vient de rentrer. Place de Cristiano Ronaldo. Renato Sanchez. Il a pas de chaise. Ah, c'est chiant. Mais c'est pratique pour jouer le match, gros. C'est mieux pour jouer le match. Sania, tu connais qui comme joueur, frère? T'en as vu des joueurs? Parce qu'il y en a qui sont passés en planète rap déjà. Des joueurs de l'équipe de France, t'en as vu, non? Sur cette équipe, attends, qui a pu passer? Non. Qui est passé dans cette équipe? Nous, dans l'émission, on a eu Mtiti. Mtiti, vous avez eu? On a eu Matuidi. Matuidi Charo. J'ai pas Matuidi avec toi, Fred. Matuidi Charo. Pardon? Tu me disais quoi? Tu l'as jamais eu dans Planète Rap, Matuidi? Non, il est pas passé. Non, c'est vrai que cette équipe, non, on a eu personne. Donc, mais peut-être, peut-être qu'après cette victoire, on les retrouvera tous. Eh oui. Skyrock porte chance, tu le sais. Ben, je sais, évidemment. Alors, c'est reparti. On en est où, là? Avec les Portugais à droite, Quaresma. Ouais. Quaresma qui fait des passements de jambes. Ouais. Qui s'amuse. Bon, là, ils sont juste à la limite de la surface de réparation française. Attention, ils sont sur la droite. Il y a deux Français qui défendent. Attention. Et ça, c'est pas mal. Centre du Portugal et Loris qui récupère. Loris qui récupère le ballon. Bien joué, Hugo. Allez, très bien. C'est reparti. On y va, les gars. On y va. Allez, les bleus. Attention. Ah ouais, ça va. Mais c'est pas parce que Vissier n'est pas là, on sait jamais. Hein, regardez, on n'avait pas de superstar au début de l'Euro, nous. Hein, on savait pas quel était le leader. Ouais, c'est vrai. On a une belle équipe parce qu'ils jouent ensemble. Et les Portugais peuvent jouer aussi comme ça. Faut faire attention. Possession de balle à 60% pour les Français, à 40% pour le Portugal. Et 157 passes pour la France qui domine. Contre 80, c'est pour les Portugais. Deux fois plus de passes pour les Français que pour les Portugais pour l'instant. Tu sais, il faut se méfier de ça, Fred, parce que regarde, la semaine dernière, le match contre l'Allemagne, les Allemands avaient la possession de balle et ont fait deux fois plus de place que nous, et pourtant on a gagné 2-0 contre l'Allemagne. Hein, eh ouais. Ah, c'était beau, moi j'étais en transe, hein. Oh là là. je sais, je t'ai vu. J'en avais mis un chapeau de cow-boy bleu, blanc, rouge, quoi. On s'en rappelle, man. Oui. Tu ressemblais à Rihanna, hein. Ah bon? Rihanna avec un chapeau. Ah oui, j'ai déjà vu Rihanna avec un chapeau, tu étais à peu près le même. Limite, il voulait être Ken, mais bon. Mais tu sais, Fred, comme on était en émission. J'ai passé mon tour. Ouais. Allez, on en est où là? T'as de la pub à mettre ou Fred? Oui, un petit peu de pub et on revient dans un instant. Juste après. On se met la pub dès qu'il se passe quelque chose, on vous dit. Hein. À tout de suite. Tout de suite, Fred. À tout. Son nouveau tube, Are We Awake, enfin disponible sur les plateformes digitales. Tal. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Envoyez plan au 622 77 et je vous ferai vivre des moments inoubliables. Plan PLAN au 622 77. Les dials les plus sexy, les femmes les plus chaudes. Plan au 622 77. Rejoignez-moi. 50 centimes plus prix du SMS DGP. Appelle le phare. Le Fa de la section d'assaut est de retour avec un nouveau tube. Rappelle-la. À découvrir d'urgence sur l'album Monsieur Fall, déjà disponible. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais? Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. Mais n'importe quoi, vous avez des preuves? C'est quoi vos sources? Lucas? Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Libre spécial finale de l'Euro 2016. Un Skyrock. Yeah. On attaque. Et on est de retour. On est de retour. Dommage. Corner. Sortie de but. Non, corner. Ouais. Corner. Ah, ouais. Corner. Ça a été touché par un Portugais. Ah, putain, corner. Mais Sissoko, il est physique, hein. Putain, il est fort, hein. J'adore les corners. Quand ils sont pour nous, hein. Quand, ouais, c'est mieux. Non, mais c'est vrai, l'équipe de France sur les coups de pied arrêtés sont magnifiques. Ça va, ouais. On est donc de retour sur le terrain. Giroud, il est grand, ouais. Di Full est en direct avec Karim d'une radio italienne. Oui, RTL 102.5. Si. RTL 102.5. Non, pourquoi tu te moques? Non, tu maîtrises toutes les langues. De toute façon, je vais pas me moquer. Tu es magnifique. Alors. C'était Pogba qui avait la balle, Pogba, là. Pogba, non, c'était Sissoko. Ouais. Sissoko, d'accord. Ah non, Pogba aussi. Pogba. Ah, c'est Marie qui boit, c'est Karim qui est sous. Ouais. Cet homme-là, Cédric, Ah. Extrêmement vif. Alors Cédric, c'est vrai qu'il y a un Cédric sur le terrain. Celui-là. On a retrouvé notre Cédric. Il est sur le terrain, Cédric. Eh ben. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Wow. Non, c'est pas bon ça. Patrice Evra, touche. Touche avec touche Patrice pour Evra. Les bleus, ça, il joue la touche. Il la joue qui sur joue avec Giroud. Giroud qui a la balle. Giroud qui a voulu remettre à Evra. Et qui a merdé. Touche pour les ouais. Portugais maintenant. Vous êtes sur Skyrock. 21h32. Exact. C'est ça. 30 minutes de jeu. 30 minutes 25 secondes, pile. Nous sommes toujours 0-0. Nous sommes avec vous, l'équipe, en direct de la radio RTL Chico do Duende Chunque. Et c'est ça. Bien joué, Fred. Bien joué, bravo. Et Marie qui est en direct du sud de la France. Et voilà, c'est ça, exactement. Avec tous ses potes, deuxième bière attaquée au bout de 30 minutes de jeu. Donc, Allez, vas-y. Récupérer. Dommage, récupéré. Ah ouais, on est en avance, nous, en Italie. C'est ouf, ça, quand t'as même. Vu ou pas ouais, ouais, c'est bien. 5-6 ouais. secondes au moins. Ah, quand même. Ah ouais, non, mais largement, à chaque fois, vous nous flinguez le match, en fait. Oh merde, désolé. Merci, les gars. C'est les Portugais qui ont le ballon et qui essaient de remonter. Maintenant, ils sont dans leur partie du terrain. Ouais. On arrive au milieu. Et donc 0-0, 31 minutes. Et le Portugal qui avance avec Renato Sanchez. Il n'a toujours pas de chaise. Eh non, Renato. Toujours pas, Mesquino. Ouais. Et les Bleus qui récupèrent. On récupère le ballon, allez, c'est bien. Umtiti. Et Umtiti, on l'a eu quand il... Quand il joue à Lyon, ouais, dans ouais, le téléphone. Quand il était à Lyon, ouais. Ouais. Dans la radio libre. Super cool, ouais. Il est gentil, Umtiti, ouais. Ouais, c'est... Bah tu dis on l'a eu dans la radio libre. Bah tu dis aussi ouais. Mais on l'a dit Difool tout à l'heure. Je sais pas si tu t'en rappelles. Non parce qu'il y avait un message que vous nous avez laissé sur le 41 759. Ah c'est pour ça ouais. Je réponds à toutes les questions hein. Vous nous envoyez des messages. Faites péter tout ça ouais, envoyez des messages. Donnez-nous vos pronostics aussi avec le hashtag Skyrock sur les réseaux sociaux. Dites-nous. On est en direct pour vivre ce moment. J'espère que la France va soulever cette coupe d'Europe magnifique. Moi aussi. Allez les bleus. Allez les bleus. Sortie de but pour le Portugal. C'est en sortie de but. Sortie de but. Sania. Ouais Sania qui a accompagné. Fait sortir le ballon pour les Portugais. Portugal. On essaye aussi Portugal. De joindre les bars italiens, j'allais dire. Les bars portugais, mais, les mecs ont décroché. Ah non, t'es fou. Ils sont à fond dans le match. On essaie peut-être à la mi-temps. On va essayer, ouais, pendant la mi-temps, dans un instant, on va essayer de récupérer un petit peu tout le monde. Ouais, il y a plus de chance, ouais. Dans quelques minutes. Ah, il est beau quand même, ce stade de France, hein. Et là, ouais. 6 mètres pour le Portugal. C'est notre stade où on a été champion du monde. Oui. C'est ça, man. Ouais. Et ouais. Un petit championnat d'Europe, ça serait pas mal. Un petit euro à cette année. Ah, ce serait cool, hein. Et pour l'instant, 0-0 quand même. Il y a plus Cristiano. Si vous venez de vous brancher sur Skyrock, je sais qu'il y en a qui nous écoutent en voiture, un peu partout. Il y en a même qui ont mis la télé et qui écoutent Skyrock ce soir. C'est gentil. On salue Dim d'ailleurs qui nous a laissé un message. Merci Dim. Ouais, Dim. Et donc pour l'instant, 0-0, 32 minutes, Cristiano est sorti. Et il y a Moukir qui nous demande par message, il n'y a plus Cristiano. Non, Cristiano, il est blessé, gros. Il s'est blessé, il est sorti, il y a Quaresma qui l'a remplacé. Ouais. Tant mieux. Ah, Marie, tant mieux. Et là, l'équipe de France, tant mieux. Ah, vas-y, Payette, allez, vas-y. Allez, vas-y, tire. Ah, putain. Non, loupé. On y était presque. C'était frappe de Sissoko. Allez, maintenant on est en touche. Payet qui joue avec Matuidi, qui centre. Et dégagé par les Portugais. Par la tête. Mais on récupère le ballon. C'est bien. Allez, on est au milieu. Qui joue derrière le terrain. Et on va remonter. Et on est chaud. Allez les bleus. Oh la faute, gros. Faute sur Payet. Grosse faute sur Payet. Ah oui. T'as vu carton jaune. Il a le pied dans la gorge. Cartine gialle, si dice così? Cartellino giallo. Cartellino giallo pour Cédric. Je vous ai dit que Cédric portait la perche. C'est moi. Cédric. Et Marie se moque. Ah ouais, dans l'écoute, direct. Ouais, ça me fait rire. Cartellino giallo. Ah ouais, lui a mis un coup de genou dans l'écoute, hein, Payet. Ouais. On a eu quelques petites occasions quand même. Une grosse occasion tout à l'heure. Hein. Ouais, la France qui a le ballon, qui a bien le pied sur le ballon et qui domine. Ouais. Bon. On est reparti. Coup franc tiré, mais récupéré par le gardien portugais qui relance sur Nani, qui accélère. Il relance vite. Allez, les Portugais qui remontent. De Nani qui change de côté, direction Quaresma. Et ça va en touche. Touche. Qui a dit qu'il va reculer, toi, derrière? C'est chez Marie, non? C'est un copain, il m'insulte. Est-ce que vous voulez aller faire un tour dans un bar portugais, là? On a l'ambiance. Vas-y. Le bar, là, s'appelle le Nord du Portugal. Allô, comment ça se passe l'ambiance là au nord du Portugal? Ça se passe très bien pour le moment, bon 0-0, c'est bien. Ronaldo, il joue plus. Et Ronaldo, petite réaction. Ronaldo, il est parti. Ah oui, il est parti, ouais. Ronaldo, il est parti. C'est bien pour la France. C'est bien pour vous. Oui, c'est vrai, c'est bien. Il y a du monde dans le bar, il y a du monde dans le bar. Ouais, j'en ai à peu près 80 personnes. 80 personnes, wow. Donc forcément tous pour Portugal. Portugal. Bonsoir. Ah ben, bonsoir. C'est avec Marie, c'est la même équipe. Ouais, Est-ce que vous voulez que je vous passe quelqu'un de français? Ah oui, ben, je vais vous passer quelqu'un de français. Bacalé. Allez, bonne soirée. Vas-y. Bonne soirée, bon match. Salut le match. Il y a une grande ambiance dans ce. Bernard, c'est une radio française qui vous parle en français. Vas-y, les parles. Tu nous parles. Allô? Ouais, Bernie. Ouais, Bernard. Allô, comment ça va? Allô? C'est Bernard qui fait la blague. Ils ont mis de l'eau. Allô, est-ce que vous nous entendez? Il faut dire allôche. Eh Bernard, passe ton verre là. Si, on entend. Mais si. On entend avec vous. Allô? Oui. Bien par là parce que. Allez, je vais vous passer quelqu'un. C'est un téléphone fixe, c'est pas de problème de réseau. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Non, parce qu'il y a tellement de bruit. Il y en a un qui va se barrer avec le téléphone au bout d'un moment, vous allez voir. Allô? Allô, le nord du Portugal. C'est le bar, hein, c'est le nom du bar, le nord du Portugal. Allô. Oui, c'est qui? C'est Bernard. C'est qui? Allô, Aloche. Allô, Aloche. Voilà, je vous entends, je suis dehors là. Ah, bah voilà, on entend mieux, comment ça va? Ça va. Quelle est l'ambiance? Voilà, ouais, il y a de l'animation, hein. Supporter plutôt portugais, supporter français? Pardon? Supporter portugais, français? Oui, c'est ce que j'ai compris, oui. D'accord, ok. Et c'est quoi la réponse? Mais la réponse, c'est quoi? La réponse à quoi? Plutôt supporter. Allez, retour sur le terrain. Plutôt pour le Portugal, ouais. Ou pour les Français? On t'embrasse, Bernard. Ok. Je t'avais dit de réviser ton portugais ce soir, Fred. Je crois que. Bernard, il est fatigué là. Ah, la discussion irréelle dans le bar du Portugal, en fait. Ah, c'est bon. Mais c'est bien parce qu'il y a des Portugais, des Français qui suivent ma chanson. Mais attention. Beau tir en avant des Français. Belle récupération des Portugais là juste derrière. On est sur le terrain. On est à 37 minutes de jeu. Toujours 0-0. Sans Cristiano. Et une attaque portugaise. Il faut faire attention. Les Français qui remontent. On est 5 dans la surface de réparation. Attention, c'est dangereux. Il y a un France. Oh là là, c'est pas bon. J'aime pas ça. Au point de pénalty, ça a cafouillé moi non plus. Et tire du Portugal, mais tire à côté. Allez. Ah, bien à côté en plus. Oui, tant mieux. Allez, sortie de but. Dégagement de Lloris. Mais c'était dangereux là. Ils sont toujours là, les Portugais. Hein. Ah, ils sont là, hein. Ouais, on ressent pas trop là, l'absence de Cristiano là pour l'instant. Non. Allez, c'est reparti. C'est reparti, le match est reparti. Ah, Marie, toujours là? Quelle émotion. Je suis toujours là, vous inquiétez pas. Très bien. Ah oui, j'ai une plume en fait sur la tête. De quoi, il y a des plumes sur la tête, ok. C'est bien. Une plume sur la tête. J'ai une plume dans le cul, moi. Marie, tout va bien donc, hein. Tout va bien, Marie. Elle est dans le même état que Bernard. Elle est déjà faite. Oh putain, tout le monde va pas bien ici. Non, mais je crois que ça va pas, ouais. Nous ira mieux si on marque un but, là, d'ici quelques instants. Attention, c'est dangereux. Corner tiré par Joao ou Mario? Le but avant la mi-temps, il serait beau. Enfin, pour les Portugais. Corner tiré par les Portugais. Oula, et tête au-dessus. Ça aurait pu être dangereux s'il avait ajusté sa tête. Mais non. Tout va bien. C'est Cédric, lui. Je croirais que c'est Cédric, c'est ça. C'est Cédric. Oui, c'est Cédric. Ah, il a le même genre de gel sur la tête que Cédric, en fait. T'as vu, il a la même coupe. Non, mais Cédric, c'est les cheveux gras. Non, oui. C'est cheveux gras, ouais. Ah oui, c'est pas du gel, c'est normal. C'est de nature. Allez, avec Payet sur la gauche. Allez, les gars. Qui centre la surface de réparation. Une tête et récupération du goal. Tête de Giroud. C'est ça. Et récupération du goal portugais. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Qui comprend rien? Il y a mon mec qui comprend rien. Ah bon? Il comprend rien. Oh, il est large, je crois. Bah oui, il est avec un mec, avec une meuf sur les genoux. Il croit que c'est moi. Non. Fais attention, Marie, l'alcool, hein, les dangers de l'alcool, hein, avec modération, oui, comment bon, dire. Ça va, je suis à ma deuxième bière, tu sais. C'est pas grave. Tu as mon deuxième pack. Ouais. Pour l'instant, Marie, tu conduis pas, de toute façon, Marie. Non, je suis sur place, je dors au-dessus, donc il n'y a pas de problème. Mais habituellement, tu conduis pas, de toute façon. C'est pas, non, de toute façon, il n'y a pas de problème. La voiture, c'est mieux même. C'est pas un truc qui t'inspire, de toute façon. On peut pas. Tant mieux pour les gens qui roulent, hein. On peut pas tout faire. Salut tous ceux qui sont en voiture, qui nous écoutent, là. On passe des petits messages. Bonjour à Abdel, qui nous écoute sur la route. Là, j'ai Tino qui est italien et qui nous écoute et qui dit allez la France, merci Tino. Allez les bleus. Les messages que vous nous envoyez sur tous les réseaux de Skyrock, hein, ouais, partout. Voilà. Alors, oh, ce serait bien, ouais. ce serait bien un petit but avant la mi-temps, la 40 minutes de jeu. Ouais, ce serait cool, ouais. Allez. Comme avec l'Allemagne à la dernière minute, c'était bien la dernière minute de la première mi-temps, tu te rappelles? Ah, c'était beau ça. Ah, c'était beau, hein. Allez, Griezmann sur le côté gauche. Griezmann attaque, mais il a 5 Portugais autour de lui. Payet qui frappe, mais contré. Les gars, et c'est récupéré par Sagna. Allez, l'action est pas finie. Sagna qui centre. Dégagé. Dégagé par la tête d'un Portugais. Les Portugais qui reprennent le ballon. Attention, ça rebond du côté du Portugal. Renato Sanchez. Et il a pas de chaise, mais il a des grandes jambes. Et il combine. Il est au milieu du terrain. Attention. Il gagne son duel face à Matuidi Charo. Mais Pogba derrière qui tente de récupérer, qui réussit pas. Et qui loupe son duel aussi. Attention. Ce sera un corner pour les Portugais. Corner pour le Portugal. Pour le Portugal. Je suis en sueur, Fredo. Et mais moi aussi, j'en peux plus. Il y a un Turc qui nous dit, allez la Turquie. Merci. Turquie. allez, qu'on y aille. C'est en première mi-temps. C'est stressant, là. Hein. Ouais, c'est stressant. 5 minutes dans la première mi-temps. Vous balancez les messages de hashtag Skyrock, ça arrive direct dans le studio. Vous nous dites les pronostics, allez-y. Ouais. On est à 41 minutes de jeu maintenant. Ouais. Toujours 0-0. Et quand on est un Portugais, attention, ça peut être dangereux. Ça arrive sur la tête d'un Portugais qui fait n'importe quoi. Voilà, c'est très bien. Tant mieux. Allez hop, attention, il récupère le ballon. Il récupère le ballon et non, il le fout en sortie de but. Sortie de but. Ouais. Hugo Lloris va dégager. Et je fais des postillons de partout depuis tout à l'heure parce que j'ai une lumière en face de moi. Et comment c'est dit, Chip? Quand tu postillons. Ouais, pas possible, non. Ah, je fais des spoutaki. Des spoutaki. Des spartatouilles. C'est ça, c'est l'excitation. Je transpire, je fais des spoutaki, mec. Que je suis sexy ce soir, Fredo. Ah mort. Mais, j'en doute pas un seul. Limite, j'ai envie de lécher tes sportatis là, ou je sais pas quoi. T'as mis le maillot, Fred, ou pas ce soir? Non, j'ai pas mis le maillot. Parce qu'on m'a tiré mon maillot. Moi, j'avais mon maillot fétiche de 98, je l'ai pas retrouvé. Oh merde. Quand on était champion du monde, je sais pas qui me l'a piqué. Ou je l'ai abandonné peut-être après une soirée, je sais plus. Oui, c'est peut-être ouais, chasse, sans oui. doute, ouais. Tu l'as abandonné quelque part. Non, faisant, on est tous en bleu dans le studio. Hein, en ouais. faisant tournoyer mon maillot oui. quelque part. Oh non, mauvais. Voilà, mauvais, voilà, mauvais. Bon, les Portugais qui ont la balle. Et pour l'instant, à 3 minutes de la fin de la première mi-temps, on est tenu en échec. On tient les Portugais en échec, il y a 0-0. 0-0. Et donc là, oh, et c'est vrai qu'il y a des papillons de lumière un peu partout. T'as vu, ouais. Tu vois, je l'ai dit. Allez. C'était mon info exclusive. Mais, ah ouais, mais une info de on vous avait dit qu'il faut écouter Skyrock ce soir. Pour savoir. Brancher la télé, écouter Skyrock en direct sur RTL. Alors. Les Portugais qui repartent. Oh, qu'est-ce que je vois comme message? Excusez-moi, mais s'ils ne gagnent pas une partie comme ça, c'est une honte pour la France. Voici un message d'un Italien qui nous dit ça sur nos réseaux et sur le réseau de RTL 125. Voilà. On est en direct de Rome. Hein. C'est vraiment une émission européenne, Fred. Ah, c'est ça, ouais. Et 55% de possession de balle, c'est pour les Français, 45% pour les Portugais. Ouais. Ça, on était à 60-40 tout à l'heure, donc ah ouais. Les Portugais, même sans Cristiano, se tiennent. Ouais. Pour l'instant, ça se tient. Alors. Ils se tiennent. Allez, les Portugais à l'attaque. Attention. Et non. Et ce sera une touche pour les Portugais. Touche pas loin du poteau de corner. Ouais. Pour les Portugais. Attention. Attention. Nani qui joue avec Guerrero sur le côté gauche, mais ce sera une sortie de but pour l'équipe de France. Allez. On souffle un peu là. Ouais, on va se dégager. Allez, Lloris. Ah, ça devient il reste 1 minute 30 avant la mi-temps. Avant les 45 minutes, en tout cas. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. 1 minute 30 avant la mi-temps. Et il faudrait faire, c'est vrai, comme l'Allemagne. Moi, ça m'a plu, moi. Ouais, c'était cool. Hein. Juste avant le retour à la mi-temps. Pas mal. Allez, les Français qui attaquent. Allez, les Bleus. Umtiti qui repart. Allez, Umtiti. Allez, on y va, Umtiti, là. Umtiti qui joue avec Griezmann. Ouais. Griezmann qui joue derrière avec Matuidi, qui la met à Koscielny. Les Portugais pressent quand même, hein. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils jouent, ils viennent quand même sur les joueurs français, même quand on est loin de leur but. Là, on est au centre du terrain. Griezmann. Grizy qui passe la balle. Oh, on avance bien, c'est bien. Oh, belle 1-2 entre. Allez, Grizy. Ah, dommage. Ouais. Il s'est heurté à un Portugais. Ouais. Mais on récupère la balle. Je peux faire une petite blague, il s'est heurté au mur portugais. Vous l'adorez, celle-ci. C'est pas vrai. Il m'a volé mes blagues. Je te jure à l'instant. Oh. Non. Sa blague à MC, ça mort. Putain. Hein. Ouais. Bon. Et là, c'est quoi, c'est sorti de but? Ouais. Non, touche, il me semble. Non, touche. Touche pour le Portugal. Portugaise, ouais. Pour le Portugal. Et c'est Cédric qui fait la touche. C'est Cédric qui la touche. Oh, c'est moi. Allez, touche pour les Portugais. On est dans leur partie, dans leur partie du terrain, là, pour l'instant. C'est-à-dire que, voilà, une deuxième touche pour les Portugais. 2 minutes de temps additionnel. Ouais, et là, il y a deux joueurs à terre. Il y a Cédric qui est à terre et Griezmann. Et qui? Et Evra. Ouais, Patrice Evra. Ah non, Evra et Quaresma, pardon. Ah, ils ont fait tête-tête. Ah, ah ouais, ils ont fait un coup de boule, quoi. Ah oui, joli en plus. Ouh là là. Ah ouais, en plein, sur la, en plein sur la plume. Marie, t'as vu? Ouais, sur la plume. Ouais, j'ai vu la plume. Allez, Pat. Ça va faire mal. Allez, allez. Il y a l'équipe médicale qui arrive. Le staff allez, médical Pat, qui arrive. Allez, Pat, lève-toi, bonhomme. Ouais. Quaresma bon. Et Evra se sont donné un coup de tiens, c'est des petits glaçons, Marie. Regarde, hop, bim. Ouais. Je connais. Ah oui. Je sais. Allez, donc oui, pour se désaltérer, on voit Payet et Deschamps. Et nous retournons sur la fan zone avec Prisca. Prisca sur la fan zone en direct du Champ de Mars à Paris. Alors les gens réagissent comment là-bas, Prisca? Bah écoute, là c'est un peu le silence en fait. Depuis, c'est vrai, c'est. La sortie de Ronaldo, tout le monde s'est endormi, le match, voilà, on a perdu. Et il n'y a pas. Et il n'y a pas les clappings? Il n'y a pas les clappings? Il n'y a pas les clappings? Non, non, là il n'y a pas de clappings. Il y a eu des clappings avant le match. Ouais. Mais là, non, les gens carrément se sont assis. C'est-à-dire, les situations les plus. Il n'y a que la faute, elle était. C'était une faute française, mais je crois que c'est les Portugais qui vont jouer là, ouais. Ouais, c'est ça. Couffrant donc, allez, pour, c'est reparti pour après ce petit point dans la fan zone où il y a 90 000 personnes rassemblées là-bas sous le Champ de Mars près de la, dans, la Tour Eiffel. Dans toutes les fan zones de France, j'ai vu des messages des fan zones de Lyon, de Saint-Etienne. Ouais, c'est rempli, ouais. Ouais, rempli les fan zones à Marseille aussi. Folie totale, on retrouvera d'ailleurs Samy de Marseille tout à l'heure. Romano et la fan zone d'Autun en Bourgogne, j'espère qu'on arrivera à le joindre on tout à l'heure. Ils n'ont pas installé les émetteurs là-bas, il y a un problème en fait. Non, mais on est dans toute la France. Et puis vous aussi, hein, vous qui nous écoutez, vous pourrez nous laisser vos messages tout à l'heure, nous faire vivre un petit peu ce qui se passe à la mi-temps, ce qui se passera à la fin du match. Attention, une attaque des Portugais, ça peut être dangereux. Ah non, ça non, peut être non, très, non, très, là, très, très dangereux. Pas le bon scénario là. Attendez, Portugais, heureusement, bon scénario ça. Heureusement, il n'y a personne. Il n'y a personne pour récupérer le centre. Mais les Portugais sont dangereux. Amis Portugais, vous nous donnez du fil à retordre. Et vice versa d'ailleurs. Ouais. Ils sont flippants hein, surtout, ouais. Ouais. Oh là là. Ça veut dire quoi, vous lui donnez du fil à retordre? Tu sais que tu ne connais pas? Tu connais pas cette expression? Ah non, je sais pas, il lui donne un fil, gros, il fait quoi? Ah, alors, on va apprendre quelque chose à Karim. Allez. Fred, hein. Donnez du fil à retordre. C'est le moment culture. Il nous donne un peu de difficulté, nous. Voilà. On a du mal, quoi. Ah, moi, j'ai cru, il lui sortait un fil, il lui donnait, gros. Je sais pas, du fil. C'est pas de fil. Ah, ok, d'accord. Merci. Merci, Fred. Merci, Diffoul. De rien. Allez, Koscielny Umtiti, comme il dit. Et c'est reparti. Et c'est reparti. C'est reparti. On est. Ils vont pas tarder à siffler. Ouais, il va pas tarder normalement. Et allez, c'est la mi-temps, les gars. C'est la mi-temps. 0-0. Mi-temps. Pause. 0. 0-0 à la mi-temps, ouais. Eh ben, c'est pas fini, hein. Dites donc. Non. Hein. Eh ben. Eh ben, comme tu dis, mon Fredo. Eh ben. Tu fais comme Cédric, gros, fais gaffe, hein. Alors, en fait, je te dirai, on ira. Oui. Tu veux qu'on aille où, Fred? Parce que tu m'as dit qu'on aurait Black M. Oui, on va retrouver. Il y a Caris qu'on doit avoir dans quelques minutes. Black M qu'on va retrouver. Cool. En direct du stade. Et nous avons Thibaut qui est en direct de chez lui. Non, au stade, il est Thibaut? Ah, Thibaut. Allô, Thibaut. C'est la mi-temps, tu es où? T'es au Stade de France? Ouais, c'est ça. Alors, l'ambiance au Stade de France, Thibaut? Eh, c'est la folie. Tu es avec qui, toi? Plutôt avec des Portugais, plutôt avec des Français? Ah, je suis côté français. Côté français. Allez les bleus. Allez les bleus. Il a gagné ses places à la radio. Allô Thibaut. Ouais. T'as eu comment toi? T'avais acheté des places? T'avais gagné? Tu avais gagné tes places? Tu as acheté tes places? Ouais, j'ai gagné les places. Ah bah voilà, Thibaut, donc en direct du Stade de France. Mais il faut écouter Skyrock. Et puis en plus, on vous offrira, parce que l'Euro se termine, mais Rihanna vient récupérer les stades. Et on vous offrira encore vos places tout à l'heure, hein, Fred, hein, je crois. Et ben on va enfiler, ouais, au 7-20-20, dès que vous entendrez deux morceaux de Rihanna. Donc restez bien à l'écoute, ce sera avant la fin de l'émission. Et on est avec Black M aussi, qui est en direct du Stade de France. Black M. Ah. Allô Black M. Ouais, Black M. C'est dur, là. Ça va? Ouais, ça va. C'est dur. C'est dur. Alors, comment ça se passe, l'ambiance? Toi, t'es au stade, hein, Black M, c'est ça? Ouais, je suis au stade. D'accord. Donc, tu es tout tranquille, on entend pratiquement pas de bruit. T'as réussi à... C'est la mi-temps, je suis placé dans une loge au calme. Très bien. Bah, alors, cette première mi-temps, tu l'as vécu comment, toi, Black M? C'est dur, un peu. J'ai donné mon pronostic, c'est 3-0 pour l'instant. Là, c'est un peu dur. 3-0, ouais, 3-0 pour l'équipe de France, évidemment. Ouais, ils peuvent en mettre 3 en deuxième mi-temps. Mais j'y crois à fond. Je te présente. Ouais, moi aussi. Je te présente Difool et Karim, non, qui eux sont en Italie. Qui sont en Italie, eux, Difool et Karim. Non, mais Difool, là, il y a Rihanna, je crois, qui vient de l'appeler sur le téléphone. Mais elle est au téléphone, gros. Ah, Difool, t'es avec Rihanna au téléphone, c'est ça? Oui, Rihanna nous annonce qu'elle sera donc dans les stades de France. Hein. Ah, très okay, bien, donc voilà. ça approche. Black M, toi, tu connais un peu les joueurs de l'équipe de France? Il y en a certains que tu connais? Ouais, un peu, ouais. Bah, ouais, ça me. Ils venaient des photos maintenant. Tu les sens quand même confiants pour cette finale ou Non, ce téléphone en ah, ouais. Ah bah là c'est très mal. Tu nous entends très mal. Ce qu'on va faire, Black M, ce qu'on fait, c'est qu'on te laisse profiter de la mi-temps histoire d'être tranquille un petit peu. On essaiera de te passer un petit coup de fil tout à l'heure avant ou à la fin du match. On essaiera de te récupérer aussi. Ça marche. Merci parfait. Black M d'avoir été avec nous en tout cas par téléphone. À toutes. Ouais Black M. Black M à l'instant. Ouais, non, Black M. Hey, on peut peut-être faire un truc là. On va vous demander la note que vous mettez à l'équipe de France. On peut faire ça, Fred. Ah bah oui. T'as tous les écrans, t'as tous les messages, t'as tout. Et tu calcules tout, Fred. Hein. Oh non, merde. Attends, je vais mettre des statistiques hein, sur Vincent, il est très bon en statistiques. Ouais, on va. On fait ça. Allez, on fait ça. On fait donc. Moi, je vais regarder. Je vais vous mettre la note dans un instant aussi. Hein. Ouais. Et donc, on est de retour. On se met la pub en speed on et on démarre après. Et on revient dans un instant. Ne bougez pas. À tout de suite sur Skyrock. Concert. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non, mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais? Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. Mais n'importe quoi, vous avez des preuves? C'est quoi vos sources? Lucas? Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Radio Libre spécial finale de l'Euro 2016 en Skyrock. Yeah. Et c'est reparti, on est en direct pour cette finale. On est en finale. Bah, j'ai l'air d'un con, personne. Vas-y, tape sur le bureau, c'est bien, Fred. Il frappe tout seul, le gars. Voilà, Difool, tu es là. Ah, Difool est parti manger un hot dog. En Italie? Ouais, bah, je sais pas. Ah non, il mange des pizzas là-bas plutôt. On va retrouver donc Difool qui est en direct d'une radio italienne avec Karim aussi. Marie, tu es là aussi? Moi je suis là avec ta bière. On en est où dans le décompte des bibines là actuellement? Toujours le deuxième. Toujours 2-0, parfait. Ouais, mais j'ai un petit verre de vin à côté donc. Eh bah écoute, au top. Et nous avons aussi, je crois, par téléphone, c'est Alonso, des psychiatres de la Rime. Allô Alonso. Allô tout le monde, bonsoir. Comment ça va Alonso? Très très bien et vous? Eh bah écoute, nous aussi, tu as suivi cette première mi-temps? Ouais, j'ai suivi cette première mi-temps. Tiens, je t'avoue que je suis pas trop content. Hein. Ouais, t'as l'air dépité. Pour le spectacle, j'aurais aimé que Cristiano Ronaldo soit sur le terrain. Bah, évidemment, maintenant, ouais. On attend la victoire des Bleus. On est impatients qu'ils soulèvent cette coupe. Hein. T'es où? T'es à Marseille, toi aussi, à Londres? Je suis à Marseille, à la maison, en famille, avec mes enfants, ma femme, tranquille. Tranquille, nous on a eu, il y a Sopra il y a quelques minutes aussi, pareil, qui était à la maison. Tranquille, ouais. en famille. On a Black M qui est lui au stade, par contre. Au stade. Ouais, il est carrément dans le vivier. Il est carrément, et je sais pas si on a retrouvé aussi Difool. Est-ce qu'on a Difool en direct de sa radio italienne? Ouais, on est là, nous. Alonso qui est là, Difool. Alonso! Je suis direct à Rome, Alonso! Tu t'ennuies pas, mon ami, c'est bien. On fait l'Europe ou on fait pas l'Europe? Alors c'est l'euro ou pas l'euro? Nous on est en direct de Rome et on suit ça, c'est marrant. T'as bien raison. Donc toi, c'est l'euro. Ils sont pour là-bas? Ils sont pour qui là-bas? Pour la France. C'est 50-50, hein. Il y a 50% de Portugais et 50% de Français. Okay. Ouais, mais on va gagner, ça tombe bien. Écoute, j'espère pour l'instant. Hein. Alonso qui nous disait que pour le spectacle, il aurait aimé que Ronaldo reste sur le terrain. J'avoue. C'est vrai, il a raison. Non, c'est vrai ou faux? J'ai raison? Ouais, je suis d'accord avec toi, puis il m'a fait de la peine quand il est sorti, parce qu'il avait envie et puis c'est vrai que c'est toujours plus valorisant de gagner contre Cristiano. Après, on n'a pas gagné, hein. C'est pas fini. Mais voilà. Tu as un petit pronostic à Londres? Tu as un petit pronostic à Londres? Un petit pronostic, je pense que la France, ils vont gagner 1-0. 1-0 pour la France. Ouais, voilà. Au vu de cette première mi-temps. Ben, merci d'avoir été avec nous. Peut-être qu'on te repassera un petit coup de fil tout à l'heure si on gagne, si on est les champions d'Europe. Pas de souci, je suis là. Ok. Super, Alonso. Du côté de Marseille, à l'instant, Alonso. Exactement. Marseillais. Merci. Oui, tu le sais. Merci d'avoir été avec nous, Alonso. Merci à vous, les gars. Portez-vous bien. Embrasse, Alonso. Et allez, les Bleus. Et allez les bleus. Allez les bleus. Allez les bleus. Ah mais quelle soirée. Quelle soirée en direct allez sur Skyrock. Il y a toute l'équipe qui est là. Il y a Alonso, on a eu Soprano, il y a... on a eu Black M justement. Et nous avons Marie aussi qui est là. Eh oui, je suis toujours là. Alors qu'on n'arrive toujours pas à joindre Cédric, porté disparu. Hein. Ah bah, ouais. Mais, mec, je crois qu'il a oublié le match. Cédric, vous savez, il y en a peut-être qui nous écoutent actuellement et qui, bon, sont pas très très de foot. Pas très foot, mais moins foot que Cédric, c'est pas facile. Hein. J'espère qu'il a pas oublié la partie. Hein. Ah, il a dit qu'il regarderait pas le match. Pourquoi? Non mais si, c'est... Mais je sais quoi, non mais c'est Cédric. Non, ils sont fous, Cédric, quoi. Ok, bah écoute, le mec regarde pas le match, quoi. Dommage pour lui. Hein. Ça en fera un. Mais t'as pas remarqué, le mec, pendant les matchs de l'équipe de France, il venait avec son maillot de la Belgique. Déjà, il comprenait pas, gros. Ouais, déjà, ouais, c'est clair. Envoyez aussi tiens, vos messages, vous continuez où vous soyez. Il y a des gens qui sont dans des bars portugais. Il y en a d'autres aussi qui sont sur différentes fan zones. J'ai vu, genre, je suis en direct de la fan zone d'Algérie. Ouais. Ah, ouais. Bah, voilà, tu vois. Partout. Partout. Il y a même des fan zones en Algérie. Eh, c'est magnifique. Il y avait un message du Maroc tout à l'heure aussi. Ah. Très bien, moi, je suis avec, nous, on est en Italie, hein. Si vous venez de vous brancher, on est en direct d'Italie parce qu'on fait vraiment l'euro sur Skyrock. On est dans toute la France avec les Marseillais puisque Alonso, il y a un instant, le Parisien Fredo dans les studios bien avec sûr, l'équipe de Sky autour de lui. Je salue tout le monde. Un peu d'ambiance. Ouais. Il y a un mec qui prévoit 7-0 pour la France. Fred, il s'est transformé, gros. Mais bon. C'est un cri qui vient de... Et puis avec vous toutes de partout, hein. Donc on parlait de l'Algérie, du Maroc, mais également la Belgique qui nous écoute. On salue Chips qui nous a laissé un message d'ailleurs. À la frontière franco-belge, on est avec vous les Français, ça fait plaisir. C'est gentil ça. Merci de ton message. Et que se passe-t-il? Et les notes, Fredo? De quoi, pardon? T'as fait les comptes, les notes? Ah merde, non, j'ai oublié. Si, moi j'ai noté. Vincent a noté. Non, Vincent. La note qui revient le plus souvent, c'est 10 sur 20. 10 sur 20, ouais. Ouais, j'ai vu. En gros, on est autour de 10. Hein. Autour de 10, ouais. C'est ça, ouais. J'aurais mis pareil, moi. D'accord. Marie-Denis. C'est Marie-Denis, gros. Ah, Marie. C'est ridicule. Avec les pronostics de Marie, mais trop fort, quoi. Donc la note, quelle note tu mets, Fred? Quelle note tu mets, toi, Fred? Ouais, bah moi aussi, je tournerais, allez, 10, 11, tiens, allez, un petit 11 sur 20, allez, hop. Ah, ok, Bon, on fait un direct, moi je fais un direct avec la radio italienne, RTL, et je reviens avec, et avec pas, vous dans un instant. Et on peut pas l'écouter, ce direct, là? Ah, si, tu veux l'écouter, si, ouais, si tu veux, ouais. Vas-y. Qu'on écoute sur la radio italienne, qui s'appelle, donc, RTL 102.5. C'est ça. C'est à peu près ça. Putain, mais quel italien, ce Fred? Mais je sais, c'est là où tu te trouves actuellement, donc, du côté, il faut quoi, que tu changes de studio, Difool? Non, je reste là, moi. On me connecte. Et dès qu'ils sont prêts, on débarque. On va essayer. Il y a quoi sur leur radio, là, actuellement? Ils font quoi? Ils vont vous mettre le son, là. On va pouvoir écouter ça dans un instant. Ah, attends, il va connecter, là. Là, tu vas entendre le top horaire. Ils vont vous dire qu'il est 10h bientôt, dans un instant. Tu vas voir. Bah, c'est chez nous aussi. Ça, c'est de l'info. Elle est mortelle, celle-là. Ils sont en Italie, à part en Australie, Fred, tu te crois. Et continue, Fredo, hein, continue comme si, voilà, tu te reconnectes quand tu veux, et pendant ce temps, on mate les notes que vous laissez au 41-759. Ouais, balancez vos notes, là, c'est l'ordre du temps. Si vous nous rejoignez à l'instant. Moi, je mettrais un petit 11, moi, quand même. Voilà, comme soir. Moi, dit Foul, tu ouais, as raison. Ouais, pareil, ouais. Mais on est comme ça. Eh oui. Donc, n'hésitez pas aussi, vous aussi, à balancer vos notes avec le hashtag Skyrock. Ça arrive direct dans le studio. On vit cette finale. On l'attendait, cette finale, quand même, hein. Ce moment. Ah, c'est génial. Ça fait du bien. Je trouve que c'est bonne ambiance. C'est bonne ambiance un peu partout hier. Moi, je me suis baladé à Saint-Etienne. J'ai vu parce que je voyage, je suis un globe-trotteur. Ouais. Ah. Difool, je crois qu'on t'appelle sur la radio italienne. Non, ouais. Oui, on nous appelle, Ok, dans quelques secondes, on se retrouve en direct. Vous imaginez, on fait... T'as la musique, Fred? Ah, voilà, j'entends tout, là. Parfait. Musica. Donc, écoutez, vous nous gérez comme vous voulez. Nous, on va se retrouver donc en direct en Italie. On représente Skyrock, l'équipe de France, sur la première radio italienne. Qu'on remercie de nous accueillir en direct. Ouais, c'est gentil. Ils sont sympas comme tout, vraiment. Hein. Grazie mille. Il y a des gonzesses un peu. Je suis un italien, moi. Il y a des gonzesses. Non, alors, c'est ce qu'on disait, parce qu'il y a un studio à Milan et un studio à Rome. Nous, on est dans le studio de Rome. On est trois lascars dans le studio de Rome. Et à Milan, mais ils ont des bombes. Ah ouais, mais. Mais j'ai jamais vu ça. Merde. Vous avez bien choisi la destination. Bah, t'as vu? Ah ouais, je crois qu'on s'est trompé de ville. Attends, ah non, tiens. Mais il y a des... Ouais, vas-y, attends, j'ai Raphaël qui est dans la fan zone de Toulouse. Allô, Raphaël? Raphaël, tu es là, tu m'entends? Ouais, je suis là, ouais. En direct de la fan zone de Toulouse. Quelle est l'ambiance du côté de Toulouse, Raphaël? Elle est énorme, là, l'ambiance. Elle est au taquet bien. Elle est au taquet bien. Au taquet bien. Elle est au taquet bien. Au taquet bien, l'ambiance, là. Donc, plutôt pour l'équipe de France, tu vois quelques drapeaux portugais aussi? L'équipe de France, elle va gagner. L'équipe de France. Est-ce que tu veux donner ta note aussi pour le match pour l'instant, sur cette première mi-temps? Comment? La note sur 20, une note sur 20. J'entends rien du tout, là. D'accord. Non, Raphaël se disait, est-ce que tu veux filer ta note sur 20 sur la première partie de ce match, de cette finale? Allez, 6,5-7. Ah oui, 6,5-7, ah ouais, toi, carrément, et tu fais. Un gros 10, c'est pour Moussa. Sur 20? Ouais, sur 20? Sur 20? Ouais, c'est ça, Raphaël. Du côté de la fan zone de Toulouse, il a un peu de mal. On va se retrouver en direct, nous. Ah, ça y est, vous êtes en direct sur la radio italienne? On va y aller, ouais. Dans quelques secondes, on va se retrouver. Magnifique. Mais fais comme tu fais avec la télé, Fred, occupe-toi. Qu'est-ce que tu vas dire, Difool, sur la radio italienne? Je ne sais pas trop. Tunesimo qui. Rigorosamente in diretta su RTL 102.5 degli Europei di Francia 0-0. Fra i padroni di casa e il Portogallo. Portogallo che ha dovuto rinunciare dopo 25 minuti a Cristiano Ronaldo, toccato duro, se non erro, all'ottavo minuto da Payet. Ci è apparso abbastanza. Ma certo, un'entrata scomposta del numero 8 francese. Ronaldo ha provato due volte e poi ha dovuto alzare. A proposito degli amici francesi Pio e Amedeo, una sorpresa, ci colleghiamo in diretta con i nostri studi di Roma, dove ci sono due tifosissimi nonché cronisti della Francia, David e Karim, che sono in collegamento con Skyrock, una radio francese. David, Karim, ci siete al volo? Sì, siamo qui, come stai? Ciao! Bene. Posso parlare anche in francese, visto che sono francese? Ma che cosa? Allora, ben ami francese, li vedete lì? Je te vais de la télévision. Comme la veille de la partie de d'aujourd'hui. Oh, j'espère qu'on va gagner. Cristiano Ronaldo n'est plus là. Spero che andremo a vincere. Senza Cristiano Ronaldo sembra più facile, mi sembra, no? Mais oui. Mon ami. Aspetta, è tutto pronto, fatemi mandare lo sponsor, si torna da Pacchioni, Davide e Karim, voi non vi muovete da lì. Non vi muovete là. Ok, arriviamo. Eh ben, quelle ambiance dans cette radio italienne. T'as vu ou pas? On a quand même dit ragnagna. Oui, et vagin quand même. Et ça va être reparti pour la deuxième mi-temps, les gars. C'est reparti pour le tempo, comme on dit. C'est reparti pour. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec, pourquoi vous êtes d'un seul coup dévié sur les ragnagna? Parce qu'en fait, il y a deux animateurs qui s'appellent Pio et Amadeo, qui sont un peu comme nous, qui disent un peu n'importe quoi à la radio et qui s'amusent en faisant de la radio. Et donc, ils voulaient apprendre à parler français, forcément. Ah, ben. Et donc, ils ont retenu ragnagna et figa, qui veut dire vagin. Enfin, bon, voilà. D'accord. Et c'est reparti pour la deuxième mi-temps. Coup d'envoi de cette deuxième mi-temps sur Skyrock, c'est à vivre. Ouais. J'espère que dans 45 minutes, on pourra hurler. J'espère aussi. Hurler de bonheur. Et sinon, prolongation, faut faire attention, hein. Ah, ça, c'est les trucs, J'ai l'impression qu'on est parti pour un bout de la nuit, là. Ah, tu crois? Non, optimisme. Mais non, mais y a pas beaucoup d'occases, donc, c'est fermé, quand même. On a eu deux, trois, quand même, hein. Ouais. C'est parti. Il a jeté un froid, Vincent, je sais pas. Non, mais l'important, c'est qu'on gagne à la fin. Ah, il y a un Portugais qui boite. Qui c'est qui boite? C'est Nani. Qu'est-ce qu'il a, Nani? Nani qui est important. Ouais, dis donc, c'est la malédiction du brassard, en fait. Ah, puis c'est les deux plus forts, là, qui se sont fait casser en deux, là. C'est bien. Merci, Maxime. C'est bien, ouais. Pour cette consultation footballistique. Bah, on s'y connaît, t'inquiète. Attention, les Portugais ont le ballon. Et alors, je suis très inquiet, je n'entends plus Marie. J'entends plus Marie. Bah, elle est tombée. Je crois qu'elle est partie récupérer une bière. Attends. Je suis là. Vous êtes sur le match. Et la Marie a mangé pour éponger, il faut toujours éponger. Exactement. Toujours. Vaut mieux prévenir que guérir, hein, comme on dit. Deuxième mi-temps, allez attention, on est à la 46e minute de jeu et 30 secondes. Le Portugal contre la France, 0-0. 0 en direct. Nous on est à Rome. Ouais. Marie est sur la Côte d'Azur. Fredo ouais. est dans le studio de la Radio Libre ou de Planète Rap. T'es dans la Radio Libre. Ouais, Radio Libre avec toute l'équipe. Radio Libre, très bien le Fredo. Et on a à l'attaque. On a pris Skype sur la fan zone aussi du côté du ouais. champ de Mars. Et on retrouvera tout le reste de l'équipe aussi, hein. On aura du monde dans toute la France. Et surtout, vous tous et vous toutes au 41759 et sur l'appli, vous nous laissez vos messages. Et la note moyenne, c'est 10, ça, hein, vous nous disiez, hein. Ouais. 10 ouais, sur 20, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ça tourne autour, ouais. Ah, putain, mais 10. Il s'est niqué le genou. Ah. Ah, Sissoko, il a niqué. Ah, Sissoko, c'est pas mal? Non, il a niqué un Portugais, ah, justement. D'accord, ok. Il a niqué oui. Pépé. Ouais, enfin, vous. Ok. Moi aussi, un peu. Ouais, ouais. Un peu quand même, vite fait. Vite fait. Ça va, il s'est relevé, rien bon, de méchant. Et les Portugais sont à l'attaque. Allez, les bon, Portugais. Allez, on y va, on finalise tout ça là, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez les gars, allez les bleus. Je me suis planté dans mon pronostic, j'avais dit 3-1 avec un but de Ronaldo, mais là ça va être compliqué. Et voilà. Allez. Ah, elle a. Ah. T'es mal barré là. Eh, connard. Non, je ne te permettrai pas, mon Fredo. Oh, bon. Bravo, elle est super cette Marie. Hein. Bah quelle oui, classe, quand même. Et les Portugais qui attaquent, c'est reparti. Sur le côté droit, Cédric qui tente de faire une passe, mais il a loupé. Ouais, comme d'hab. Et c'est une touche pour les Portugais. Ouais, touche portugaise. Touche pour le Portugal, touche man. Pour le Portugal. Qui sont dans la moitié française et qui font tourner le ballon. Non, mais en tout cas, c'est vrai que tout à l'heure, Difool, tu parlais, je sais pas quelle était l'ambiance si vous êtes baladé dans les rues de Rome, mais nous, à Paris, ouais. c'était dément de voir tout le monde, t'avais des drapeaux portugais, des drapeaux français. T'avais quand même, c'est quand même une belle ambiance entre tout le monde, justement, ça fait plaisir. Non, mais ce qui fait super plaisir, c'est que c'est vrai que toute la journée, on a écouté les radios, on a regardé un peu la télé, on a fait un peu tout ça, et ça parle que de ça. Tout au long de la journée, c'était le Portugal, la France, un bel euro et une attaque à tons. Ah, ça, on n'aime pas ça, on n'aime pas ça. Ah là là là là, attention, les Portugais sont à l'attaque, ouais. Ils sont sur le côté droit, là, ils sont... Et ils centrent. Et ils centrent, des ils Portugais centrent sur personne, heureusement. Les personnes, ouais. Heureusement. Mais ils récupèrent le ballon à gauche, de l'autre côté. Ouais. Avec Guerrero... Ouais. Et à Paris, l'ambiance, elle était comment? Enfin, à Paris, en France. Non, c'était assez fou parce que c'était justement. Allez, Loris récupère la balle. Excuse-moi, Fred. Non, c'est Loris qui a la balle. J'ai eu peur, j'ai eu chaud là. J'ai le cœur qui bat. J'en peux plus. Priorité à l'actu. Ah oui. Non, non, ouais, je disais, donc ouais, l'ambiance, non, assez dingue, justement, dans les rues de Paris, et puis ça fait plaisir de voir tout le monde aussi, voilà, ce mélange avec tous les gens qui prenaient les drapeaux français, portugais, voilà, en tout cas, une très belle ambiance. Emeric aussi, on l'a retrouvé, je crois, il est par téléphone. Emeric, tu es là? Ouais, toujours là, Fredo. Toujours en direct du 9-4. Ouais, Emeric. Ouais, on a besoin de motivation, un petit peu, vous me suivez, les gars, un peu. Allez, les bleus! Allez, c'est parti, la deuxième mi-temps. Putain, il a motivé personne, gros. T'as aimé qu'une sacrée ambiance. Il y a moyen que tu fermes ta gueule en regardant le match. Ah ouais. Emeric, c'est un ambianceur de soirée, gros. Attention, on est à l'attaque. C'est bien. Mais on se fait piquer la balle par les Portugais. Non, on la récupère. Bien joué. On est sur le côté gauche. On est à Evra. À 30 mètres. Evra qui passe ça. À Pogba. Pogba qui remet à Payet. Ouais, Payet sur la droite avec Sagna. Qui écarte sur Sagna, ouais. Allez, vas-y, écarte. Payet qui passe deux joueurs. Payet, dommage. Il a pas passé le troisième. Il a passé deux joueurs. Ouais. C'est les Portugais qui récupèrent le ballon, qui contre-attaquent. Attention, mais les Français sont rapides. Oh, qu'il est rapide. Sagna qui couvre le ballon et ça sort en touche pour la France. Allez, bravo Sagna, bien joué. Bien joué, allez. Oh là, il s'énerve. Oh là, le sélectionneur portugais est énervé. C'est normal, c'est le sélectionneur portugais. T'as vu ou pas, il était zaf. Il est là. Oh, bah, va te foder, bacayao, va fanculo. Non, va fanculo, ouais, c'est italien, ouais. C'est en Italie, ça. Attention, c'est reparti milieu du terrain. Et Mathieu Dicharo qui a la balle. Et allez, les gars. Allez, les bleus. Non mais allez, il reste 40 minutes. Payet devant la surface. Il y a 4. Ouais, mais il a 4 Portugais autour de lui quand même. Donc c'est pas simple. Passer, ça. Il s'est fait piquer la balle. Allez, c'est reparti. Et les Portugais, Portugal qui attaque et qui remonte très vite. Ils ont envie, les Portugais. Hein. Devant les pancartes SNCF sur le côté, un Portugais qui file la balle à un autre Portugais. 4 Français autour, mais il la garde. Et non, on la récupère. Allez, Umtiti qui joue avec Koscielny. Ouais. Allez, on remonte. On y va, les gars. On y va. Allez, les bleus. Allez. Centre du terrain et faute sur un Français. Faute. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça, une faute? Mais depuis quand on fait des fautes comme ça sur On ne touche pas les bleus. On ne touche pas les bleus. On les regarde jouer, mais on ne les touche pas, les gars. Attention, c'est reparti. Non, mais ce serait bien, là, il faut commencer à planter, parce que c'est vrai qu'il y a prolongation, tir au but, tout ça. Mais moi, je vais. Ah ouais, je vais tout lâcher. Pas chiant, Marie. Mais trop d'émotions. Attention, un beau centre, récupéré par un portugais qui l'envoie en touche. On touche au corner. Corner, il me semble. Corner. Allez, corner, on y va. Cette fois-ci, c'est le bon. C'est le bon corner. Allez. Allez, les gars. Vous verrez Vincent. Allez, Grizy. C'est Grizy qui tire le corner. Allez, boum, il tire le corner, il centre et le gardien portugais qui récupère. Qui relâche mais qui récupère. Il s'est fait mal à l'épaule comme moi. Pourquoi je t'entends, tu te moques, Fredo, quand je te parle de mon épaule. Non, mais ça me rappelle la fois où tu étais enrubané pendant plusieurs mois, d'ailleurs. Oui, j'ai souffert de martyr. Ouais, plusieurs mois. Est-ce que ça va mieux, d'ailleurs, du foul? Est-ce que ça va mieux maintenant? Oui, là, tout va bien, Fredo. Là, c'est bon. Tu sais, je suis solide. Il a repris la muscu. Tu as pris la muscu, le taille, tout le reste. Ah. Tiens, nous avons. Allez, les bleus. Nous avons aussi Lily qui est supportrice portugaise. Allô, Lily? Oui, Lily? Oui. Lily? Comment ça va? Oui, oui. Oui, ça oui. Va, ça va. Tu es où? Tu es à bon Paris? Dia. Bon dia. Bon dia. tu regardes le match en famille? Eh oui, tout à fait. Oui, mon mari il est portugais. Et puis, forcément, je supporte le Portugal. Hein. Ah, toi, tu supportes le Portugal alors? Ah, bah, à fond, oui. Ah, ouais, bah, il y a le mari à la maison. Sinon, ça va mal se passer. Ah, bah. Attends, ça, c'est dispute. Hein. Bon, est-ce que tu veux donner une note pour l'instant? Est-ce que tu crois toujours aux chances des Portugais? Bah, avec la sortie de Ronaldo, bon, ça risque d'être un peu dur, mais bon, on y croit toujours. Ah, ça va être compliqué, ouais. Eh, moi, je trouve que vous défendez bien malgré la sortie de Ronaldo, Portugal, hein. Pour l'instant, ça va, ouais, ils tiennent le choc. C'est à croire que des fois, les Portugais jouent avec Casper, quoi. Ils font des. Attention, on a fait. Là, ça a été dangereux pour nous. Ah, il frappe au-dessus. Ah, au-dessus. Frappe de Pogba au-dessus du but. Polo. Enfin, c'était dangereux pour nous, c'était dangereux. C'est très bien, faut qu'ils continuent comme ça, les Français. C'est très très bien. De quoi, tu veux qu'ils gagnent? T'es bizarre. Non, justement, qu'il tire au-dessus des buts. Parce que oui, d'accord. Toi, t'es contente qu'il. Moi, j'étais content qu'il ait tiré. Toi, t'es contente qu'il ait tiré à côté, c'est ça. Voilà, tout à fait. Ah, vous êtes super les Portugais. Ben non, mais c'est super ambiance. Ah, et je crois qu'il y a un mec qui est rentré sur le terrain, il s'est fait balayer par la sécu. C'est pas vrai. Ah, j'ai pas vu. Ouais. Si, nous on le voit nous. Oh maman. C'est une jeune supportrice. Oui, c'est ma fille, oui, 4 ans et demi, oui. 4 ans et demi. C'est mignon. Eh ouais, et bah, tout le monde vit l'euro. Merci Lily, on te fait un bisou et bon match. Merci vous aussi. Comment dire au revoir en portugais? Bacalhau. Au revoir en portugais. Ah ouais, bah ok Lily, c'est bien. T'es sûr que ton mari il est portugais? Oui, il est portugais. Oui, mais ça... ouais, mais, heureusement il t'a pas dit au revoir encore, donc tout va bien. Non, ça va. Bisous Lily, bon match à l'instant. Salut la famille. Ciao Lily. Ciao. Bon, enfin, les Portugais qui récupèrent le ballon. Et t'as vu un papillon de lumière qui vient de passer, Fredo? Mais oui, j'ai dit, c'est les papillons parce qu'ils ont laissé les lumières branchées dans le Stade de France toute la nuit. Et les papillons se sont posés sur la pelouse. Ça, c'était la petite info exclusive. Et donc, on a pu voir des papillons un peu partout. Et ouais. Et pour ça, il fallait écouter Skyrock. Il faudrait que les papillons premiers sur le foot, bien sûr. Il faudrait que les papillons soient dressés pour aller dans les yeux des Portugais en pleine attaque. Papillons de lumière dans les yeux des Portugais. Quel joli remix. Bientôt dans Planète Rap. Ouais. Allez, c'est reparti. Ah, on récupère. C'est reparti. Pogba qui récupère. Au milieu de terrain. Milieu de terrain, mais entouré par les Portugais. Hein, les Portugais qui sont là. Ils pressent, les Portugais. Ouais, ils font le pressing. Beaucoup, ouais. Et récupère la balle avec leur pressing. Comme quoi, tu as bien raison de dire qu'ils font le pressing. Ça, c'est clair. Regardez. Ils ont le ballon. Et ils avancent. Ils sont sur le côté gauche pour ceux qui n'ont pas la télé, qui nous écoutent en voiture, par exemple. Ou dehors. Centre des Portugais. Et centre des Portugais. Dégagé par Umtiti, corner. Aïe, aïe. Corner pour les Portugais. Aïe, on n'aime pas ça, on n'aime pas ça. J'aime pas les corners pour les autres, moi. Ouais, moi non plus. J'aime pas de ce côté. J'aime pas. Ah, ça fait stresser, ça. Ouais. Putain, Umtiti, il a dégagé la balle du visage, les gars. Ah ouais. Oui, oui. Ah ouais. C'est Quaresma qui va tirer le corner. C'est avec la plume, Marie. Ouais, je le vois. Corner, il le tire, attention. Il est dégagé. Dégagé par un Français. J'ai pas vu qui c'était, mais il l'a dégagé en touche. Il touche pour les Portugais maintenant. Touche pour le Portugal. Ah putain, j'ai chaud, j'ai les couilles qui collent tellement que je suis inspireux, Fred. Mais on est pareil, mais j'ai pas de couilles, mais j'ai chaud pareil. Moi j'ai la chatte qui colle. Elle est toute collée. Je vais me faire bouffer par un moustique. Elle s'est fait bouffer, ben voilà. Il me l'a bien bouffé. C'était bon, Marie. Fais chier. Ah ouais, putain. Tout va bien. 56 minutes de jeu et 27 secondes. Aïe, aïe. Difouli s'est cassé un ongle, je crois. Ouais. C'était quoi ce aïe, aïe? Je me suis fait mal à un doigt, Fredo. Ah, allez, les Portugais sur la gauche avec Guerreiro dans la moitié française. Et n'empêche que les Portugais sont, pour l'instant, ce début de mi-temps. Ah, ils sont chauds, ils sont chauds. Attaque, sont dans notre partie du terrain et ils ont fait une mauvaise relance et une bonne touche pour l'équipe de France dans la moitié portugaise là. Bon, ça c'est pas mal. Allez, on remonte, on va peut-être pouvoir attaquer, mais pour l'instant, attention hein. Le Portugal est là. Vous êtes là les Portugais. Alors et de mon côté, aussi. On touche. Mise sur les prolongations hein. Et il y a Kingsley Coman qui va rentrer. Ah, Coman. À la place de Payet. 19 ans Coman hein. 19 ou 20 ans, ouais. 19 20 piges, ouais. Ouais. Joueur du Bayern Munich. Applaudi, Payet par l'équipe. Merci Payet. Par les supporters. Et Payet qui sort. Ouais. Merci Dimitri. Ouais. Bravo. Ouais. Merci Dim. Ouais, bravo. Merci Pelouro Dimitri. Ouais. Allez, finale. Allez, on y va. C'est parti. En direct sur Skyrock. C'est reparti. On est au milieu du terrain et on attaque. On attaque, j'espère que ça va bien se passer pour la suite. Pour l'instant, toujours au milieu du terrain, on se fait des passes. C'est Sania qui avait le ballon, je crois. Sania qui le récupère et qui donne en arrière. On écarte. Ah Marie, on écarte. Ah je suis bien écarté moi. Ah on attaque. Mais ils sont là, ils sont même bien joué. Ah oui, allez, allez, allez. Beau tir de Griezmann, un peu faible le tir. On s'approche, Mais il fait son boulot, Marie, tu sais. Bah ouais, mais il nous fait chier. Oh, le cri du cœur de Marie. Marie devient agressive. Ah, bah, agressive, Marie Denis. Reprends une bière, Marie, reprends une bière. Ça non, je suis au vin, là. Ah bah, du mieux en mieux. Hey, tu la connais, Fred, quand elle devient agressive, c'est qu'on a passé les 3 grammes. Là, on est parti sur le vin, on attend le 10 jours après, c'est parti. Ouais, Pardon. C'est ça. Bon, une trentaine de minutes quand même avant la fin de cette mi-temps, là. Faut qu'on plante, là, faut y aller, là. Allez, les gars, c'est parti. On va aller aux prolongations. Mais arrête de dire ça, Marie, toi aussi. Mais Marie, mais arrête, écoute, après, va nous dire on va perdre. On est après. Tous d'accord ici, hein. Moi, si on va aux prolongations, ça me gêne pas si on gagne. Ouais, pareil. Parce ouais. que ça fait un peu plus de matchs de foot. On est heureux, on est avec vous, on est sur Sky, il y a toute l'équipe, ça. Il y a Fred, le MC, on a nos amis rappeurs. MC Fredo. Qu'on a eu tout à l'heure et qu'on récupérera. Vous tous, dans tous les stades. On a Priska en direct de la fan zone à Paris. Ouais, c'est ça. Emric dans le 9-4. On est allé dans la fan zone de Toulouse tout à l'heure. Avec on a eu des Marseillais au téléphone. Ouais. Black M aussi. On a eu Sopra, on a eu Alonso. On devait avoir Caris aussi, je pense. On essaie de jouer Caris. D'ici quelques minutes alors, aussi. On dégage du côté portugais. On dégage, non, on fait une passe. Non, ils sont dans leur moitié de terrain, ouais. Ils passent aux arrières, ils attaquent les portugais. Toujours dans leur moitié de terrain. Et c'est récupéré par l'équipe de France, par Giroud. Allez, Giroud, touche pour les Français, c'est ça? Ouais, c'est ça. Touche pour les Français, c'est Sania qui va faire la touche. Ouais. Allez, Bakary. On y va, les gars, là. Vas-y, Bakary. On y va, faut planter, les gars, on y va. Ah ouais, faut planter maintenant, allez, faut planter, oui. Ouais, parce que là, c'est bon, là. Ah ouais, c'est. Faut en mettre un, les man, là. Hop là, c'est reparti. Allez, les bleus, on attaque. Mais non, on attaque et on balance la balle en touche. Ouais. Pour les Portugais. Pour les Portugais, maintenant. C'est Coman qui a fait une passe trop en profondeur pour Evra. Trop en profondeur, Marie. Ouais. Ah, c'est bien, j'aime ça. Pourtant, c'est bon en profondeur, normalement. Mais, voilà. Mais pourquoi on peut pas s'empêcher de faire des blagues à caractère? Oui, grimpleuse, comme d'hab. Ah, là, c'est un truc c'est de ça qui est bon, c'est ça qui est bon. C'est bon, c'est vrai, Fred. Oui, j'ai pris un dictionnaire ce soir. J'ai devant moi. Bah, écoute. J'ai ouvert un G et je suis tombé sur graveleuse. C'est bien, Fredo. C'est le premier truc qui est tombé dessus. Non, mais c'était le bon terme, graveleuse. Allez. Ah. Que se passe-t-il? À quoi? Nous avons. Non, je n'ai pas. Qui est-ce qu'on a au téléphone? Nous avons retrouvé le Belge qui est là avec nous. Mais oui, Cédric, il paraît que t'es dans une cave, vieux salaud. Mais non, je suis chez comment moi. Comment tu sais? Non, je voulais aller voir le match dans un truc, mais c'était complet, ça m'a saoulé, je suis rentré chez moi. Mais tu regardes quand même. Mais tu n'es pas à Las Vegas. La télé, ça fait une heure que ça a commencé. Tu n'es pas à Las Vegas? Non. Je suis pas à Las Vegas, non. Tu n'es pas dans les vitrines en Belgique ou en Allemagne non plus? Non plus. Mais t'es bourré, Cédric, ou quoi? Ouais, t'as une voix bizarre, non? On dirait, ouais. Non, je suis chez moi, tranquille, posé. Et quoi, il y a ambiance chez toi ou t'es tout seul? Bah non, je suis tout seul. Mais c'est la loose, Cédric. Ah ouais, bro. Va la radio avec tout le monde. Ah, le mec, il nous a vendu des vacances vendredi. Genre, ouais, ouais. Ah, mais c'est quel délire, c'est gentil. Mais attends, vendredi, on t'écoutait, mec. Tu faisais le tour du monde en l'espace d'une journée. Et là, t'inquiète pas, ouais, je vais le faire, le tour du monde. T'es chez toi, dans un tour en solo. Il y a 0-0. Bah oui, c'est le match. Bah pour l'instant, il n'y a pas eu de but et c'est France-Portugal, Cédric, pour ton info. Et c'est la finale de l'Euro. Et tu as vu Cristiano Ronaldo sur le terrain ou pas, Cédric? Tu le vois? J'ai entendu à la radio, j'étais en voiture quand vous l'avez annoncé. Ah, d'accord. Il est blessé, genre il est sorti. T'as voilà, bien. Carton jaune pour un Portugais là. Ouais. Pour ouais, jouer au Mario. Bien. Et carton jaune. Qui c'est qui hurle derrière avec cette voix d'alcoolique? C'est chez Marie, ça, non? C'est chez Marie, ouais. Oui, mais c'est non. Ça. Ouais. Mais non, mais c'est un Lyonnais. Il a l'accent lyonnais de ouf. C'est bon, ça. C'est Bernard. Ouais. Ça, c'est l'accent lyonnais. Ok. Ouais, Bernard. Ouais, Nana. Bah. C'est Bébert. Bébert. Ouais, Giroud. Alors, Giroud, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai cru qu'il s'était fait. Sani à la balle. Mais non, c'est reparti. Sania la balle, on est au milieu du terrain et on fait tourner le ballon. C'est les Français qui ont la balle. Allez les Bleus, ouais. Allez les Bleus. Cédric, allez, on a toujours le ballon. On essaie de percer la défense portugaise. Cédric, on t'a pas demandé le pronostic. C'est quoi le pronostic, Cédric? Moi, j'ai 1-0 pour les Bleus. Je soutiens les Bleus. Merci. Ah, c'est bien, Cédric. J'espère que tu ne mettras pas la poisse. Et corner pour l'équipe de France. Et il y a Nana qui nous envoie un message. Allez, corner pour les Français. Allez. Il y a Patrice Evra qui motive les troupes. Pat, il est chaud, Pat Evra, là. Allez. Allez, les bleus. C'est bien. Tu vois, Cédric, tu t'y mets au foot. Ouais, mais de l'ambiance tout seul chez lui. Allez, c'est Griezmann qui tire le corner. On y va, les gars. On a toujours le ballon, on tire, mais repoussé par le mur portugais. Le mur portugais, on les centre, et c'est les Portugais qui dégagent encore. Aïe. Et on récupère le ballon au milieu du terrain. Mais c'est toujours nous qui l'avons, le ballon. Attention. Qu'est-ce qui se passe? On se trompe de côté, là. C'est pas de ce côté qu'il faut aller. Il faut aller de l'autre côté, les gars. Faut remonter, là. Ah, on doit marquer à droite, nous, ou à gauche? Voilà, c'est ça. À droite, bien, okay. Cédric. À droite. Oh putain, le bébé. C'est ça. Et Fred, tu entends ce que j'ai supporté pendant tout cet euro, pendant un mois? Attends, il y a Nana 29 qui nous dit, mais non, il va nous porter la poisse, faut raccrocher absolument. Mais non. Absolument. Okay. Des gens qui demandent si t'es toujours en galère, Cédric. Bah ouais. Le mec est en totale galère. Non, toujours. Non, tranquille. Ouais, tranquille, ouais. Tu sais même pas. Tranquille, la galère. Et Cristiano Ronaldo, alors, il a quoi exactement? C'est au genou, apparemment. Ah. Comme dit Foul, ouais. Comme moi, ouais. Attention. C'est vrai qu'il croit que c'est les Belges qui jouent encore avec le maillot rouge, en fait. Le mec a pas capté. Non, c'est les Portugais. Et les supporters chantent la Marseillaise, là. C'est bien, Marie. Très bien. Faut encourager les Français. Ouais. Attends. Allez, pour l'instant, on a la balle, on est au milieu du terrain. Moi, j'entends pas la Marseillaise, Marie. Je sais pas si tu l'as entendu, mais. Ah, bah ça y est, ils ont arrêté. Ils ont fait tous les couplets, je pense. Allez, on a la balle. Ah, pour l'instant, on a repris la possession du ballon, là, quand même. Hein. Les Portugais sont bien groupés en défense. On a du mal à pénétrer la défense. Oui. D'ailleurs, ce qui arrive. Oui. Ah ouais. Là, on joue. Pas de petite blague cette fois-ci. On a trouvé un petit trou là, c'est bien ça. Allez, on a trouvé un petit trou. Allez. Centre d'Evra. Centre, mais personne peut récupérer le centre. Mais si, il y a Sania qui récupère. Mais Sania récupère. On était devant les cages. Là, il récupère. Allez. Allez Sania, vas-y, centre-moi ça bien. Sania sur le côté, qui centre, dégagé par un Portugais. Ah non. Mais c'est récupéré encore. Avec Paul Pogba. On a la balle. Putain, vous êtes chiants parce que vous êtes en avance sur nous, donc on sait quand ça récupère. Vous êtes bien en avance. C'est bien Skyrock est toujours premier sur le tout, hein, premier sur le fou. Ouais, on est dans le turfu, man. On vous dit ce qui se passe. Là, c'est Coman qui attaque. Juste au-dessus des buts. Allez, le prochain, là, on y va cette fois-ci. On va y arriver, quand même. Oh là, putain. Mais de peu, vraiment de peu au-dessus. Ah ouais. Fais chier. Putain, Bernard. Représente quoi, Bernard? Ah ouais, Bébert, il les arrive derrière. Nana, il est éclaté. Bébert, il est galbé, Marie? Il est. Non, mais même pas. Il était galbé cet après-midi, putain. Mais il a dormi entre temps. Ah bah, il y a des restes. Hein. Là, il était bon reste. Ouais. Changement pour les Portugais. Ouais. Il y a Moutinho qui rentre. Le Monégasque, ouais. Ouais. Pendant que Sylvain qui sort. Et pendant ce temps-là, Cédric, tout seul chez lui en loose, qui essaye de comprendre le match de foot. Il est tout seul. Qu'est-ce qu'il y a, Cédric? Je comprends pas, mais Cédric, c'est pas compliqué. Il y a deux cages, il faut qu'on marque à droite, et les Portugais, il faut qu'ils marquent à gauche. C'est simple. Mais pourquoi ils mettent pas de but? Je comprends pas. Voilà, très bien, bonne question. Okay. Voilà, c'est bien, Cédric. Encore une réflexion très intelligente. Oh, comprends pas. Comprends pas. Eh ben, va sur le terrain, Cédric. C'est très beau là-dessus, hein. Mais il y a un Cédric qui joue, j'ai entendu tout à l'heure. Ouais, il y a un Cédric. C'est un Portugais. Ouais. Ah merde. Dégagement. Alors, du goal portugais. Parce que le mec croyait que dans l'équipe de France il y avait un Cédric. Ok, très bien. Non. Dans l'équipe de Skyrock on en a. Allez, les Portugais qui on presse les Portugais jusqu'à la défense, hein, quand même. Là, on a quatre Français qui pressent le goal portugais. Et on récupère le ballon. C'est bien ça. Mais il y a personne pour le récupérer après. Récupérer le ballon au milieu de terrain. Une belle tête de Sagna. Oh oui, Grizy qui récupère. Grizy, allez, Grizy, c'est parti. Pas loin de la surface de réparation. Et un gros boum. Un gros tir de Coman, à côté. Mais à côté, ouais. Ouais. À côté. T'as bien tiré. Allez, Coman. Regardez ce tir, Coman. Bam. Il est beau, mais il est bien à côté. Il est pas cadré, bien à côté, ouais. Putain, ils me font suer, c'est con. Non, c'est la bibine qui fait suer, Marie. Oh, je crois que c'est la bière qui sort. C'est ça, ouais. C'est raison. C'est pas les joueurs de foot, hein. C'est ce que tu t'envoies depuis 21h, là. C'est le truc que tu t'envoies depuis 21h qui fait suer. Tu vois, faut bien que ça ressorte, Marie. Un petit plongeon dans la mer dans pas longtemps. Voilà. Très bien. Voilà. Ça me rafraîchit, hein. Et Cédric, il va aller dans la Seine, ça va lui faire du bien aussi. Alors le Portugal qui est à l'attaque, qui essaye d'attaquer, pour l'instant mais pressé par les Français. Ouais, gros, ils sont bien en place la France. Ouais, gros pressing des Français, gros pressing de Matuidi là. Et on presse tellement qu'ils sont obligés de rendre la balle au goal. Le goal portugais qui refile à droite. On est dans la moitié de terrain où on doit marquer, Cédric, donc on est à droite. Donc pour l'instant ça se passe bien. Ils redonnent au goal portugais. Là ils sont en train de huer. Ils ont du mal à avancer. Qu'est-ce qui a marré? C'est pas qui, hein. Dans sa tête, je suis pas. Voilà. Non, mais c'est dans sa tête. Je crois que c'est dans ta tête, Marie. Ah, j'aime bien. C'est sûr. Marie, on l'a vu à 21h, ça allait bien. La France a 55% de possession de balle. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, les statistiques de Cédric. Merci, Cédric. C'est une statistique qu'on a donnée il y a 10 minutes, à peu près. Je vous donne la nouvelle stat. Mais elle a pas bougé. Bien, c'est bien. Attention, attaque du Portugal. Et on va dégager, j'espère, en tout cas. Oh là! Faute. Ah oui! Oh là là, faute. Eh, hey Mario, il y a Super Mario, là, il a fait une faute, là, oh. En plus, il a déjà un carton jaune, faut qu'il se calme. Moi, j'en aurais mis un deuxième. Comme ça fait rouge, ouais. Vous voulez une petite stat, comme ça, gratuite? Vas-y, Cédric, vas-y. Il y a eu 5 corners pour les Bleus et 3 pour les Portugais. Eh ben, c'est super. Merci, Cédric. Et nous en sommes à 5 fautes pour les Portugais et 4 mais pour nous, les Bleus. Mais nous, on regarde le match depuis le début, Cédric, tu sais, donc on était un peu au courant. Oui, mais Marie, genre, tu connais toutes les stats, t'es gentil. Alors, combien il y a eu d'arrêt du gardien? Dégagement de Lloris, c'est faute. On s'en fout de tes stats, Cédric, on s'en branle de tes stats, voilà. Merci. Et nous retrouvons Prisca aussi dans la fan zone, sous la tour Eiffel. Prisca. Allô? Ouais, Prisca. Ouais. Alors ça bouge un peu plus ou tout? Bah écoute, là depuis 5 minutes un peu plus, parce qu'on a eu quand même deux occasions, donc la fan zone a vibré, tu vois. Donc là ça commence à bouger un petit peu, mais on attend le premier but français. Hein. Eh bah ouais, tout le monde attend. Il y a coup franc pour les Français, c'est Griezmann qui tient le coup franc, qui centre. Attention. Les Portugais sont bien groupés. Et ils dégagent. Attention. On récupère le ballon. Milieu de terrain, à peu près. On récupère le ballon. Et, oh là, le ballon vole. Mais c'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Je tourne. Il est terminé en touche. Touche pour le Portugal. Ouais, touche sur le Portugal. Excuse-moi, Prisca. Je me suis laissé emporter par l'action, le direct. Vous avez quelques secondes en avance par rapport à moi, en fait. Non, mais oui, mais nous, c'est pareil, Prisca. Ah, ils sont en avance en Italie, ouais, c'est dingue. Alors que nous, on est à 100 mètres du truc, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. C'est trop lourd. Vous demandez pourquoi on était allé en Italie pour suivre le match. C'est pour ça, en fait. Vous avez compris. Pour être en avance. Exactement. Alors, on vit l'euro dans toute l'Europe sur Skyrock. Vous le suivez avec nous en direct. Prisca, on va te retrouver tout à l'heure. Merci Prisca, en direct de la fan zone. Moi, je veux juste entendre la fan zone s'enflammer là, hein, ce soir quand même. Ah ouais. Oh, ça va être bon. La folie, ouais. Ah oui, ça va être bon. Allez, attaque, les Portugais au centre du terrain, qui essayent d'attaquer, qui vont récupérer le ballon. Et Cédric, pourquoi t'es pas parti sur la fan zone là, si t'étais tout seul chez toi, non? Ouais, pour caler. J'ai un pote qui a regardé le match, mais moi, ça m'a saoulé, je suis rentré. Ah bon, au début, t'étais avec un pote? Ouais, c'est des potes. Enfin, c'est un pote, il y a plein de gens. T'as foutu dehors, dis-le qui t'a foutu dehors. Le mec l'a foutu dehors. Non, mais le foot, moi, ça, je comprends rien, moi. Ah bon. Bah on voit, ouais. Non, mais peut-être quelques stats, non, Cédric? Encore d'autres stats? Ah, si tu veux, deux, trois stats, Fredo. Ah bah, si t'en as d'autres. Il y a Platini qui a marqué. Oui, non, mais ça, c'était il y a 20 ans, hein, Cédric. Hein, ça, c'était. C'était il y a 20 ans. Ça, Maxime. Non, mais moi, j'ai trouvé ça pas mal, moi. On est venu la blague, bien joué, Maxime. Alors, c'est quoi tes stats, Cédric? Parce que depuis tout à l'heure. Alors, je peux vous dire que. Le gardien portugais a déjà fait 3 arrêts, le français un seul. Ah putain, mais le relou. Alors, tu m'étonnes qu'il soit tout dévié avec des potes. Et 4. Et il continue, les portugais. Le mec, il parle tout seul. Oui, oui, Cédric. Ah non, mais ça, tu l'as lancé, gros, là. Un carton jaune pour les portugais. Voilà. Ah, tu vois, tu t'es trompé, Cédric. On a, il y a soit 59% allez, vas-y, position. Allez, vas-y, allez, attends. Jean corner, on va faire un corner là maintenant. Corner pour les bleus. Ouais. Corner Cédric, pour les bleus. Combien de corners pour les bleus depuis le début de la rencontre? Corner. Elle est partie. Ah, depuis le début de la deuxième mi-temps, c'est les Portugais qui ont la balle. Hein. 59% de possession pour les Portugais. 41 pour les bleus. Français. Allez, on met celui-ci, on met celui-ci, on le met corner pour les bleus. Griezmann, les gars. Attention les Portugais qui contre-attaquent. Contre-attaque. Contre des Portugais. Attention, ils passent. Et ils passent nulle part. Ils passent pas. Sissoko. Ça remonte. Contre-attaque des Français. Mais les Portugais qui récupèrent le ballon et. Faute sur Sissoko. Faute des Portugais sur Sissoko. Sur Sissoko. Coup franc. Sissoko. Oh non. Qu'est-ce que c'est Bernard ça? C'est Nana. Oui. C'est Bernard. Bernard, il s'est réveillé, il est éclaté. Qu'est-ce qu'il raconte, Nana, Marie? Bah, il veut mettre des cartons à tout le monde. Ah bon? Allez, les Français qui remontent avec Griezmann qui met la balle. On y va. Petite passe sur le côté, puis là, une petite passe en retrait. Pour écarter un petit peu le jeu, on était sur le côté droit, là, on se retrouve au milieu, près du. Allez, exactement. Allez. Toujours au milieu du terrain. Et les Français qui essaient de contre-attaquer, mais les Portugais défendent bien. Vous regardez, il y a un Français et un Portugais à côté à chaque fois. Donc il presse le porteur du ballon direct. Ouais. Il marque les Français. Les Portugais marquent les Français. Récupération des Portugais. Et attention, contre-attaque des Portugais. Va, mais c'est bon, c'est pour la tête de Français. J'ai pas vu qui c'était. C'était Umtiti. Umtiti. Et là, on est sur la gauche. Oh, on est sur la gauche. Et on... Avec Coman sur la gauche. Et on a Coman sur avec la gauche. Avec deux Portugais autour de lui. Ouais. Il essaie de s'en défaire. On est... La passe derrière sur Evra qui centre. Il centre Evra, est-ce qu'il y aura une bonne tête? Pas bonne. Mais on a toujours le ballon. Ouais. Bravo Karim pour la qualité de tes commentaires à chaque fois. T'as vu ou pas? Est-ce que t'étais passionné, gros? Waouh. Je fermais les yeux à l'instant. C'était magnifique. Ah ouais, c'est. T'es impressionné, frère. Ah ouais, totalement impressionné par les commentaires et la qualité de Karim sur les commentaires, vraiment. T'as vu ça, gros? Oui. C'est un peu notre Franck Lebeu à nous. Voilà. C'est ça. Appelez-moi Karim Le Port. Il y a Franck Lebeu, il y a Karim Le Port. Et t'as Cédric Leveau aussi qui est là avec ses statistiques. Bien joué. Bravo, Fredo. Ouais, Fredo. Pas mal. Ok, d'ailleurs, bon, on n'entend plus d'ailleurs Cédric avec ses statistiques. Non, tais-toi, Fred. Allez, comment? Il va encore nous faire chier. Non, allez, non, on y va. Attendez, c'est pas fini, on a le ballon. Eh merde, on se fait piquer la balle. Ah, dommage. Mal contrôlé le ballon. Une bonne frappe de Giroud, un bel arrêt du gardien portugais. Ouais. Attention, contre-attaque des Portugais, ils sont deux là. Deux contre trois, ouais. Quaresma qui a la balle. Non, c'est qui? Quaresma. C'est lui, c'est Quaresma. C'est ça, man. Il a la balle et ils sont revenus. Ou c'est Joao Mario. Ils sont revenus dans notre partie du terrain. Ils sont pas loin de notre surface de réparation. Ils essaient de trouver une petite place. Une petite place pour mettre le ballon. Et contré. Dernier quart d'heure. Dernier quart d'heure. Allez, 15 minutes, déjà, les gars. Ça passe vite, hein. Toujours 0-0. Tout est possible, un match comme ça. Faut faire attention, hein. Ouais. Oh, ce serait quand même bien d'en mettre un, là, hein. Ah ouais, ça serait pas mal. Ah, ce serait pas mal, quand même, hein. Oui. Cédric, des statistiques pour le dernier quart d'heure d'une rencontre France-Portugal ou pas? Là, la machine est en panne pour l'instant. Ah, la machine est en panne, c'est bien dommage. Ça, c'est des sacrées statistiques, en effet, la machine est en panne. Tout à l'heure, il retourne la machine, en fait, c'est ça? En tout cas, merci pour tous vos messages. Un message de Carmelo, message de PSG77. Il y a Momo qui nous dit nul à chier les stats. Ah, Cédric, Momo n'aime pas tes stats, hein, je vois le message là. Merci, tu Momo, me mets mal à l'aise, Cédric, nous dit Jules du 02. Et là, on est où là? Ah, là, on est du côté des Portugais, c'est eux qui ont la balle. Ouais. Difficile d'avoir les yeux partout. Hein. T'es dans le frigo, Marie. Eh ben, c'est bien. Attention, attention, les Portugais attaquent. Attention, sors du frigo, sors du frigo. Oh, attention, attention, attention, c'est très dangereux ce qui se passe là. Oh, ça a été centré. Ça a été centré, mais on récupère le ballon. C'est très, très compliqué, centré dans la surface de réparation pour les Portugais. Et on récupère la balle. On récupère la balle dans le côté gauche. Ah, Nanard derrière. C'est Bernard, là. Bernard, il est à fond, là. Bernard, il a déchaîné Nanard dans le fond. Quelle ambiance. C'est assez dingue à vivre, cette ambiance. Oui. Ah ouais, c'est une ambiance de dingue. Faudra une interview de Bernard à la fin. Ah ouais, de ouf, ouais. Ah ouais, faut nous, Marie, faut nous filer Nanard tout à l'heure, hein. Mais, Marie. Il va nous en filer. Allez, comment qui débarque sur les gars? Oui, allez, on y va, les gars. Non, non. Mais on n'a pas perdu le ballon, on a toujours la balle. C'est toujours pour nous la balle. Allez, on est à 30 mètres. À 30 mètres des buts portugais. Pogba qui joue en arrière avec Koscielny, mais on est dans la moitié portugaise. Oui, toujours. Umtiti sur la gauche avec Evra. Evra, quel ballon? Evra qui fait une petite passe à Coman et qui va essayer de centrer. Il centre, c'est loupé. Qui centre, mais touche pas en portugais, touche. Ouais. Allez, touche pour les Français. Marie, tu es sortie du frigo? Oui, je suis devant le match, là, je sautille en fait. D'accord, c'est bien, je tout va mieux. Je sautille. Okay. Et puis j'ai et changement pour l'équipe de France, ah, Giroud qui sort. Ah, Giroud qui sort. Ouais, il va mettre Gignac. Peut-être Gignac. Doublé contre. Ah ouais, Gignac, quoi, peut-être. On voit la frappe croisée de Giroud. Oh, ouais. Ou Martial, voilà. Peut-être. Frappe croisée. Qui va rentrer? Martial ou Gignac, je pense. Rui Patricio, c'est presque le geste qu'il avait accompli. Gignac. Ah ouais, c'est Gignac. C'est Gignac. Un Big Mac pour Gignac. Et moi, je répète ce que je l'ai dit l'autre jour, je lui offre des Big Mac. Tais-toi, dis à Bernard de Ster, Marie. Et je vais couper deux secondes Bernard. Parce que là, l'ambiance est de plus en plus dingue chez Marie. Bon, on est d'accord, on offre une année de Big Mac à Gignac s'il en met un. Ah bah oui, même s'il en met un. On se cotise tous, ouais. Ouais, une année. Et changement pour le Portugal, Renato Sanchez, qui va prendre une chaise parce qu'il sort. Et Aider qui rentre. Mais quand même, tu es très très drôle. Ah, mais je suis blagueur aujourd'hui. Franchement. Ah, c'est vraiment un pot, une poubelle pour pisser dedans parce que je n'en peux plus là. Mais moi aussi j'ai envie de pisser depuis tout à l'heure là. Alors on a une autre touche qui va être jouée par Patrice Evra. Ouais. Ah. Et on est pas très loin de leur surface de réparation, on n'est pas très loin de leur but. On est dedans maintenant là. Et on est dans la surface. Pas loin de la surface là Pogba maintenant. Qui rejoue avec Coman dans la surface. Attention, faut faire un. Ah ouais. Il écarte un peu. Retrait. Ça écarte sur le côté avec Evra. Evra qui récupère le ballon. On est sur le côté gauche. Evra qui centre, mais trop loin. Il y a personne. S'il y a un Portugais. Non, mais c'est une sortie de but parce que Sissoko il la touche. Ah dommage. Sortie de but. Dommage. Sortie de but. Allez les Bleus. Allez. Est-ce qu'on va être champion d'Europe? Putain, Inch'Allah, ça serait bien, ça serait bien. Moi, si on gagne, je cours à poil dans Rome, je crois. Ah, ouais. Merde. On dit parce que. Ils sont contents, les Italiens, tiens. Très bien. Et moi, je vais vite retourner en France, comme ça. Hein. Cédric, il court à poil dans le 9-3, si jamais on gagne. Non, bon, jamais de la vie, mon pote. Ah, dans ce cas-là, je ne retourne pas en France, Fred. Et Fred, avec une plume dans le cul, tiens. Bon, c'est les Portugais qui attaquent, là, maintenant. Attention, ils progressent. 30 mètres des buts français. Ils sont sur le côté droit. Attention, ils centrent. Action très dangereuse du Portugal. Ah ouais. Ah, c'était but ça. S'il n'était pas là, c'était but. C'était cadré, ça pouvait rentrer dedans. Heureusement qu'Hugo Lloris était là. Bravo. Attention, Lloris. Hein, tout peut jouer. On est à 10 minutes de la fin du match. Ils en plantent un maintenant. Adieu l'euro. Hein. Ah bah là, c'est tendu. Ouais. Il faudrait surtout pas qu'ils en plantent un maintenant. En axe. Et ils nous ont fait un beau retourné aussi. Il a fait deux arrêts. Il a fait deux beaux arrêts, Lloris. Ouais. Deux de suite, ouais. Bravo, Lloris. Ouais, ce qui veut dire que merci les Portugais Hugo. Sont là. Merci Hugo, ouais. Carton jaune pour Umtiti. Ouais. C'est le premier carton de la compétition. C'est rien. Non, c'est rien, allez. Le Portugal a la balle. Il reste 10 minutes. 10 minutes, ouais, 10 minutes. Il nous domine depuis le début de la mi-temps, là. Ouais, c'est un peu tendu, ouais. Et sans Cristiano en plus, hein. Sans Cristiano, c'est un. Heureusement d'ailleurs. Ouais. Oui. Allez, le goal portugais qui passe. Et vous avez vu Ben Arfa, vous avez vu les pronostics de Ben Arfa ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Ben Arfa, il a dit 1-0 pour la France avec un but de Lloris. Non mais lui aussi c'est un blagueur apparemment. Ouais, c'est tout Karim Comedy Club. Je crois qu'il était dans le Karim Comedy Club en fait. Ouais, c'est ça. Ah, t'aimes, on t'aime. Bon. Quand tu fais des blagues. Oui. Ah. Bon putain, faut marquer là, les gars. Voilà, Marie. Très bonne idée. 10 minutes avant la mi-temps. Attention, mais faut marquer. Là, c'est les Portugais qui ont la balle. Marie ne porte pas la poisse. Il tire. Oulala, au-dessus, ouais. Frappe de Nani au-dessus, ouais. C'est flippant, là. Hein. Ouais, puis ça tire beaucoup hein, du côté du Portugal. Ouais, là. Ouais. Ouais, des buts, ouais, tirez-moi dessus. Lloris va pouvoir dégager. Allez, on se dégage. Allez, Lloris, peut-être qu'il va tenter maintenant, d'ailleurs. Peut-être que Ben Arfa. Ah non, bon, c'est pas bon. Non, il fait une petite passe, là. Petite passe aux arrières. On nous dit là de plus en plus, je vois les messages arriver, on nous dit de plus en plus, on va aller au tir au but. Je vois les messages. Ah ouais, je vois le message de Lusitana là, qui nous dit Lusitana qui dit on va aller au tir au but. Putain, il y a Bernard, attention. Qu'est-ce qu'il a fait, une blague, Nanar? Il y avait une petite blague de Nanar, non, Marie? Non, il bouffe des gâteaux en gueulant. Ah bon. Merci pour cette nouvelle importante, Marie. Merci beaucoup. Je sais pas si tu poses la question, Fredo. Parce que j'entendais gueuler dans le fond, c'est pour ça. Oui, c'est ça, mais c'était lui. Mais Cédric, tu es toujours là ou pas, en temps d'emploi? Ouais, je suis là, mais je vous laisse parler, tranquille. T'es où? Allez, on est au milieu du terrain, mais ça dégage sur Patrice Evra, corner. Non, pas corner. Sortie de but pour le Portugal, qui va pouvoir se dégager. Oui, Cédric, fais-nous rêver. Tu es chez toi, mais tu es habillé, tu es nu, tu es comment? En pyjama. Ah non, je suis habillé, Fredo, ne t'excite pas. Non. Non, mais mets-toi un poil, Cédric. Attends que tu viennes à la maison pour me foutre tout nu. Pardon? Attends que tu viennes à la maison pour me mettre nu. Ok, bah tu peux toujours attendre. Bah, je sais pas. Putain, mais t'as fait une proposition bizarre là. Ah ouais, au moment on va vous laisser, nous, hein, si vous voulez se terminer tous les deux. Non mais je sais pas, comme il fait chaud ici aussi. Allez, excité, là. Il fait chaud d'ailleurs en Italie, c'est le petit point météo. Ah ouais, il fait 35 degrés à Rome. 35 degrés. Ah ouais, deux ouf, ouais. C'est l'euro qu'on suit. La position de balle pour les Français 53, pour les Portugais 47. Ouais. 93 km parcourus en moyenne et 97 pour les Portugais. Ouais, et quand les Portugais courent plus. Ouais, on a plus la balle. Allez, ça, ouais. Peut-être qu'ils nous courent après. On est au milieu du terrain, c'est les Français qui ont le ballon. Allez, les gars. Allez, les Bleus. Il reste 7 minutes. On va peut-être aller aux prolongations. Oh là là. Mais je vous le dis. Qu'est-ce que tu nous dis, Marie? Je vous dis depuis tout à l'heure qu'on va aller aux prolongations. Mais attention, on attaque. Frappe, on tire. Oh putain! Allez! C'est pas fini. C'est pas fini, notre tête. Ça va marquer. Mettez-le! Non. Deuxième arrêt. Tête de Sissoko, non? Ouais, c'est ça, Sissoko. Sissoko qui a fait tête. Allez, Sissoko, vas-y. Elle est couchée, je sais pas ce qui lui arrive. Il a mal à la tête. Il a un truc. Donnez-lui un Doliprane. Voilà. Oh là là. Oh, la merde, Et non, c'était même lui qui avait frappé, ouais. Ouais, c'est Sissoko qui avait frappé. Oh, la frappe de ouf. Ouais, grosse frappe. Et bel arrêt du gardien. Ah, ils font du bon boulot, les gardiens, ils sont chauds, ouais. Ah, il tient la baraque, le gardien. Omer du 14 nous fait match ultra tendu, on est d'accord avec toi, hein. J'en peux plus pour Kimou, merci Kimou sur le 41759 et les Apis Skyrock, vous me laissez vos messages, allez-y. Ah, comme c'est la folie. Comme tu dis, ouais. La tension est palpable. C'est pas fini, ouais. Allez, on est à 6 minutes. Bon, Sissoko s'est relevé ou ça va mieux pour Sissoko? Ouais, il est debout, ouais. Ouais, c'est bon, ouais. Ça y est, il a une. Il file un peu de bibine. Marie, regarde, hop, c'est reparti. Allez, viens la boire. Allez, on est reparti. Bois. Que d'émotion. C'est pas le même truc que toi, hein, Marie, je pense, hein, qui picole, hein. Non, j'imagine aussi. C'est pas les mêmes gourdes. J'espère. Non. J'espère. Ah, alors, c'est stressant, hein. C'est stressant. Ah ouais, il s'était fait un pied dans la gueule, en fait. Oui. Voilà, belle analyse. Merci, Marie. Merci. Et un pied dans la gueule avec des crampons, ça fait mal. Bien mal. Ça fait mal. Les Portugais qui sont à l'attaque maintenant. Petite attaque des Portugais, on est au milieu du terrain. Mais les Français récupèrent le ballon. Non, on se le refait piquer par les Portugais. Attention, attaque du Portugal. Ils arrivent dans la surface de réparation française. Ils sont pas prêts. On récupère le ballon, c'est bon. On récupère le ballon, allez. Griezmann, ouais, c'était Griezmann, hein. Non, c'est Gignac, gros. Gignac, un Big Mac, excuse-moi. Là, on arrive sur la surface de réparation, c'est bien. On dribble un Portugais, on tire. Au mur portugais. Et on a toujours le ballon. Et Bernard. Ah, non, là, c'est Julien. C'est Juju, maintenant. Ouais. C'est Sagna qui a la balle. Allez, et on essaie d'écarter un petit peu parce que les Portugais sont regroupés devant leur surface. C'est ça, ils essaient d'étirer un peu le bloc portugais. Ouais. Parce que là, ils sont bien regroupés devant la surface, ça va être compliqué de passer le mur portugais. Vincent, qu'est-ce que tu fais? Vincent est dans le studio. Ah, c'est dur, ce match. Hein, ah c'est ouais, dur, il est dur, il est dur, il est dur. 85 minutes de jeu en direct sur Skyrock. Le match France-Portugal, Portugal-France. On vit cet événement en direct. Il est en Italie. En direct de. Oui. RTL. Merde. RTL. Voilà. Cinque à la fin. Cinque. Marie est dans le sud. Cédric est dans le 9-3. Ouais, ouais, ouais. Tout seul, abandonné par tout le monde. Sans famille, sans rien. Exactement. Il n'a pas d'amis. Il s'est fait jeter de chez son pote. Attends, c'est les Portugais. Mais c'est bon, récupère le ballon. Allez. Ça m'a fait peur, cette histoire. Allez, on a la balle. On a la balle et on contre-attaque. Allez, Sissoko qui accélère. Allez, faut y aller, les gars, faut y aller. Accélère. Allez, allez, allez. Dommage. Dommage. Trop long. Il y avait Griezmann qui était devant, qui n'était pas hors jeu en plus. Il lui a fait une passe un petit peu trop longue. Dommage, ouais. Dommage, dommage. Allez. Allez, peut-être dans les dernières minutes, rappelons-nous l'Euro 2000 avec Sylvain, avec Willou qui avait marqué. Dans oui, notre ouais. Willou. Voilà, qui avait marqué dans les. C'était vers la fin, dans les contre l'Italie. Dernière seconde. Dernière seconde, hein. Ouais. Ah oui, oui, tout à fait. Non, les gars, c'était très. C'était très aigué. Très aigué. Il avait fait la passe, il avait fait la passe. But en or, très aigué, but en or. Ok. Il y aura pas ce soir. Ça a et ce soir, ouais, il y a plus le but en or. Ça a changé, ouais. Puisque avant, ouais, dès qu'il y avait un but, c'était fini. Bah ça. Mais là, ce sera différent ce soir. Touche pour les Portugais. Allez jusqu'au c'est bout. Cédric, croire, les gars. Oh Cédric. Ah bah voilà, regarde le beau gosse. Il va jouer la touche. Allez Cédric, joue la touche pour le Portugal. Une touche qui nous fait en arrière. J'entends des sirènes. Il y a les sirènes de police. Ah, pas chez nous. Cédric, je suis à garder. Non, pas chez moi non plus. T'es sûr? Pas chez moi non plus. Et pas ici non plus. Non mais pareil, depuis tout à l'heure on les entend les sirènes, je sais pas d'où ça sort. Ouais. D'où ça sort ces sirènes hein. C'est les jingles de la radio libre. C'est pas ça. J'ai pas appuyé sur un truc, non. Qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant Marie, il y a une touche portugaise qui va être jouée, qui est jouée maintenant, allez. Touche portugaise, ils jouent en retrait les Portugais, parce que les Français pressent aussi. Il y a deux équipes qui sont assez équivalentes. Hein, c'est ça, ouais. Attention, bonjour à Blue qui nous laisse des messages. Il y a Théo aussi qui nous embrasse et qui dit j'en peux plus, allez les bleus. Les Portugais sont à l'attaque, attention. Un Portugais tout seul dans la surface de réparation. Ah, mais heureusement, on n'aime pas ça. Koscielny qui couvre. Heureusement que Koscielny couvre. Oh là. Et une sortie de but pour l'équipe de France. Ouais. Ouais, Koscielny qui s'est fait attraper par le coup par un Portugais. Ça l'a énervé un petit peu. Il y a un papillon sur la caméra. Oui, mais oui, Marie. Un papillon de lumière, Marie. Et oui, Marie. Un papillon sur la caméra. Allez, les Français. Et 2 minutes de jeu dans la première mi-temps. On est à la 88e, là. Presque à la 89e. Allez, prolongation. Voilà, j'en peux plus, là. On est au milieu du terrain. Attends, Marie, c'est pas fini, on sait jamais. Milieu du terrain. On essaie de faire tourner le ballon, d'écarter un peu le jeu. Les Portugais sont bien coupés en défense. Fred, il écarte là. Toujours au milieu du terrain. Dernière minute. Dur. Ah ouais, dernière minute du. Dernière minute. Après, il y a les arrêts de jeu. Je sais pas s'il y en aura beaucoup. C'est Grizzly qui a la balle. Allez, non, ils écartent sur le côté. C'est pas fini. On est autour de leur surface de réparation. Il y a. On fait Stania sur la droite. Ouais. Stania qui centre. Centre, mais personne. Putain. Et récupération du goal portugais. Oh, putain de merde. Récupération du Portugal. Qui va pouvoir se dégager. Après cette petite action face aux cages portugaises. Et les Portugais qui dégagent. Le goal portugais qui dégage, on récupère le ballon. Et on va filer la balle à. Non, on file pas la balle à Lloris, mais on est juste devant. On est juste devant Lloris. Ouais. Et on est au centre du. On est au centre du terrain. C'est Griezmann à la balle sur le côté. Et puis là, Evra. Et là, c'est Coman. Il est où Evra? Coman qui accélère, Evra il est derrière, il est défenseur. Coman, il y a 3 mecs autour de lui, donc c'est pas facile. Il s'est fait chipper le ballon. Ouais, il s'est fait voler la balle. Attention, 3 minutes de temps additionnel. Contre-attaque dangereuse des Portugais, attention. Magnifique Koscielny. Bravo Koscielny, bravo. 3 minutes les gars. Il reste 3 minutes. Allez, on attaque. Oh merde. On se fait avec. Ah merde. On a perdu la balle. Putain, Gignac, il essaie de faire des gestes techniques. Ouais, pas mal. Étonnant. Allez, dégagement du goal portugais. On y va. On a une tête française qui récupère le ballon. Allez. Sissoko qui a la balle. Sissoko, vas-y, dégage-toi. Sissoko qui est aux prises avec un défenseur portugais. Qui joue avec Pogba. Et on a gardé le ballon. C'est Pogba qui a la balle. Ouais. Ça joue derrière avec Umtiti. Oui. Qui écarte sur Evra sur le côté gauche. Allez Evra, allez. Evra qui joue avec Coman. On a toujours la balle, on est au milieu du terrain. Et t'as dit qu'il y avait 3 minutes de temps additionnel. Oui, on a dit 3 minutes de temps additionnel. Il reste plus que 2. Ouais. D'ailleurs. Plus que 2 minutes de temps additionnel. Que c'est dur. Oh là. L'Euro 2000, je crois qu'on a eu 3 minutes aussi. Hein. Il me semble. Cédric, les stats de l'Euro 2000. C'est toi qui es en panne, mon gros. Allez, Patrice Evra qui sort. Allez, Gignac. Oui, Gignac. Allez. Oui. Dernière seconde. Diffoul, t'allais payer un an de Big Mac là, gros. Oh là. Allez. Attention, on n'a pas perdu la balle, il y a touche. Il y a touche, c'est pas on perdu. Part, on part de derrière avec Koscielny qui joue avec Umtiti. Il reste une minute vingt. Une minute vingt, Matuidi qui a la balle. Une minute vingt dans la deuxième mi-temps. Une minute vingt. Allez, les bleus. Allez, on y va, les gars. On y va. Une minute. Au milieu du terrain. Allez. Toujours Pogba. Pogba qui a la balle. Écarte. Ils pressent les Portugais, ils ont raison. Ça serait... C'est con de se prendre un but maintenant, c'est vrai. Mais nous, on aimerait bien le marquer quand même. Hein. Hey, on a toujours le ballon, c'est bien. Allez, on pousse les Français, on pousse. On y va. Allez, Gignac sur le côté gauche. Gignac à gauche. Hors jeu, Gignac. Putain, il a mis un poteau Gignac, gros. Ah ouais, t'es bon. Ah ouais, magnifique ce qu'il a fait. Ah là. Prends ce qu'il lui a fait aussi. Ah ouais, il reste 30 secondes. On va aller aux prolongations. Hein. Ah, je pense bah oui. Regarde-moi ce poteau. Non, mais on l'avait le but là. Ah ouais, il dit presque. Ah, c'est dommage celui-ci. Ah, dur. Ah, c'est dommage celui-ci. C'est pas grave. C'est que partie remise, les mecs. Ah ouais, putain. Mais ça va rentrer. Ah ouais, puis vraiment limite. Oh, la connerie, quoi. Allez. Attention là, faut faire gaffe parce qu'il faut pas s'en prendre à maintenant. Ah non, surtout pas maintenant. C'est les Portugais qui sont en attaque, ils ont une touche pour le Portugal. Il reste 10 secondes dans les 3 minutes. 10 secondes, allez. Faut pas lâcher là. Faut pas lâcher. Ah, allez, Hugo Lloris récupère le ballon. C'est fini, fin du match. Non, pas de la deuxième mi-temps, pardon. Merci pour les prolongations. Ok, c'est donc parti pour les prolongations. Tout de suite, Adesso. Voilà, on va faire une petite pause. On va se connecter avec RTL. Nous, tu mets la pub, Fred. On met la pub et on revient juste après. Ne bougez pas sur Skyrock. Okay, c'est la finale de l'Euro 2016. Cet été, Skyrock et Géant Casino passent à l'heure brésilienne et t'invite à un événement exceptionnel. Un barbecue géant sur la Côte d'Azur, ambiancé par Ritza. Un après-midi de fête aux couleurs du Brésil, offert par Géant Casino et réservé aux auditeurs de Skyrock. Pour participer, rends-toi sur skyrock.fm/géantbrésil et tente de gagner tes places. Le plus gros barbecue brésilien de l'été avec Ritza, c'est maintenant sur skyrock.fm avec les magasins Géant Casino. C'est l'histoire d'un flic de la police des frontières qui ramène un gars dans son pays. J'ai une mauvaise nouvelle. Vous repartez ce soir, vous allez à Kaboul. C'est moche. Sauf que ce n'est pas le bon gars. Ah, ça turbine, ça turbine. Et ce n'est pas le bon pays. Si c'est un problème mécanique, nous allons devoir nous poser sur l'île de Malte. Après, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? La nouvelle comédie de Philippe de Chauvron. Débarquement immédiat, le 13 juillet au cinéma. En partenariat avec Skyrock. Le 3692 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes. Échangez vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 3692, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 3692. C'est très simple et surtout rapide. Télon, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Bienvenue sur Inshallah Airlines. Notre température sera de 35 degrés à notre arrivée à Pattaya. Ils pensaient partir pour des vacances de ouf. Ils vont découvrir l'enfer. Pattaya, un film de Franck Gastambide. Bienvenue à Pattaya, mon frère. C'est le paradis des Kairas. Pattaya, disponible en DVD, Blu-ray et VOD avec Skyrock. Caro est sur le point de sortir pour aller chez McDo. Il ne lui reste qu'à mettre ses chaussures. Ah, les bleus, c'est bien. Quoique les rouges, ça fait longtemps qu'elle les a pas mises. Hein. Non, mais les bleus. Les bleus, c'est parfait. Ça va avec son jean. Ou alors les noirs. Ou bien carrément, on change de jean. Bref. Caro se prépare à sortir pour aller chez McDo, mais elle n'est pas encore rendue vu que pour l'instant, elle s'habille. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais ? Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. Pff, mais n'importe quoi, vous avez des preuves ? C'est quoi vos sources ? Lucas ? Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Radio Libre spécial, finale de l'Euro 2016. Un Skyrock, yeah! Tal. Son nouveau tube, Are We Awake, enfin disponible sur les plateformes digitales. Tal. Samuel se prépare à aller chez McDo, mais pour l'instant, il est à la fenêtre. Il regarde une coccinelle. Elle est marrante. On dirait qu'elle se nettoie les antennes avec ses petites pattes. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. 6 points noirs, ça veut dire quoi, 6 en numérologie? Bref, Samuel se prépare à sortir pour aller chez McDo. Mais il n'est pas encore rendu, vu que là, il s'occupe de sa coccinelle. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit, ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Le 36 92 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 36 92, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 36 92. C'est très simple et surtout rapide. Télon, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais ? Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. Pff, mais n'importe quoi, vous avez des preuves ? C'est quoi vos sources ? Lucas ? Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Radio Libre spécial, finale de l'Euro 2016. Un Skyrock. D'accord. Et voilà, nous sommes de nouveau en direct sur Skyrock avec Di Fulio qui est en Italie. Griezmann, pallone d'oro, mi piace. Ah, c'est Di Fulio, il va parler ou pas? Mi ha paccato. Cioè, si era messo d'accordo. Mi piace anche. Il est sur la radio italienne. Peut-être qu'ils font un direct avec lui sur la radio italienne. Venez aussi, vous envoyez des messages avec le hashtag Skyrock. Le 41759, il y a Marie qui est là avec nous. Cédric aussi. Cédric oui, aussi. Cédric toujours là. Di Fulio. Skyrock. Écoutez Di Fulio en direct. Comincia il primo tempo supplémentaire dallo 0-0. Allô Di Fulio. Ouais, je suis là. Tu es là, on était en train de t'écouter parler. Très bien, on est de retour et c'est parti. De retour et c'est parti. C'est parti en effet. C'est parti avec 15 minutes. Première, deuxième mi-temps. Deux fois 15 minutes. Oui. C'est reparti, c'est les Français qui ont le ballon. Et ça va être dur. Hein. Allez, faut y aller. 0-0. Faut y aller. Deux équipes qui se valent hein, pour l'instant, hein, malgré l'absence de Cristiano Ronaldo. Hein. Peut-être quelques stats, Cédric. Non, t'avais profité justement de la pub pour nous filer quelques stats. Non, moi je suis de l'emploi. Je suis connecté sur mon téléphone. Pardon ? Je n'avais pas à me connecter sur mon téléphone en même temps. D'accord. Ah, sauvé. Putain, on est sauvé. On n'aura pas de stats pendant les temps supplémentaires. Allez, le Portugal qui vient de récupérer le ballon. Et donc 15 minutes de chaque côté. Ouais. Ah, ok, adesso. Ok. Ah, tu vas retourner sur la radio italienne. Voilà. Ok. Je vous laisse commenter le match. Car okay. Toi, tu pars sur la radio italienne. Roma, David. Ah, bah oui. Voilà. Prima, se non ricordo sì. Male, per Skyrock, radio francese. Non so se ci sentono al volo. Proprio in silenzio con David e Karim. Ci siete, amici? Sì, siamo qui. Voilà. Mi sa che non possono parlare in questo sì, momento. Sì, va bene, sì. Allora, siamo torniamo qui. Da Paolo Paes. Eccoli. Sono oh. E volevo dire un buongiorno a Pepe Francesca. Anch'io non sono fidanzato. Ah. Quel maîtrise de l'italien. Amico nostro, Francesco, ti collega. Cioè, non so se si chiama collega, ti offende. Non... Mica ti offendi se ti chiamiamo collega. Ciao ragazza, si collega, mi fa bene. Ah, va bene, alla grande. Sei, va bene, tu va bene, tutti va bene. Chi tra quelle in studio, diciamo, sono più. Chi è che rispecchia un po' più la bellezza francese tra queste in studio? Tra le nostre ragazze? Sei tu. Io? Tu? La cosa si fa preoccupante. Sei tu con la barba è bella. Ma non so i gusti vostri, ma io. Cedric, tu parli italiano tu o pas? Non prends rien du tout, mon pote. Tu me... Ah, Karim aussi qui va parler italien, ça va être beau ça. Era meraviglioso. A 10 cm, anche meno, 5 cm. Entra nella cage. Ah bah c'est, je pense qu'il commente le tir de Gignac. Voilà, ça y est, ils étaient connectés. Allô, Diffoul, tu es là. On est là, man. C'est rigolo, tu passes d'une radio italienne à Skyrock en direct. C'est fou, hein. J'ai essayé de demander une traduction, mais Cédric ne comprend rien du tout en italien. C'était quoi, tu commentais quoi, tu parlais? Non, il y avait une meuf qui s'appelle Francesca, ouais, et qui disait qu'elle était célibataire, et je lui ai expliqué que moi aussi j'étais célibataire. Ah. Donc c'était très très footballistique, c'était pour marquer des buts en fait. Et tu as vu Francesca? Ça se tient, hey, Francesca est magnifique, ouais. Oui, je t'enverrai une photo, Frédéric. Elle est fraîche, hein. On vous mettra peut-être une photo sur les réseaux tout à l'heure. Très bien, ouais, on ira faire un tour là sur le Skyrock. C'est pas la meuf qui est habillée en blanc là? Ah, c'est... mais là, ça remarche. Ouais, c'est elle. Et là, il remarche ton portable, là. Là, il remarche, hein, ton portable. Ah ouais, il remarche ton portable. Ah, là, il remarche très bien, là. Ah là, il va s'en taper une, il va s'en taper une pendant le match, Cédric. Tiens, on va l'entendre. Alors, à ce moment-là, Fredo, si tu pouvais le couper quand il s'en tape une pour éviter le dégoût total dans la France entière. T'entends ça, tu vas entendre. Ouais, ça va, je peux me retenir. Marie, toujours en direct du frigo ou pas? Ouais, non, là, je viens de foutre les ongles dans du bleu. J'espère que ça va nous porter chance. Tu viens de foutre les ongles? Allez, il faut porter là, t'as raison, Marie, il faut tout donner là. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ça, c'est l'idée de Bernard. C'est quoi? C'est Nana. Marie mange du bleu, du fromage. C'est l'idée de Bernard. Ah, putain, ouf. Mais oui. Allez, on revient au match. Parce que là, c'est parti pour. Un coup franc pour les Portugais, attention. Coup franc pour les Portugais, attention là. Faut faire attention au coup de pied arrêté. Ouais. Faire attention au coup franc et à tout le reste. Attention. Bon, on va vivre le coup franc. Un coup franc bien placé pour les Portugais. Ouais, coup franc bien placé de Doumtiti sur Eder, hein, je crois. Ouais, une faute Doumtiti, ouais, sur Eder. Attention, ils vont tirer le coup franc, les Portugais. Ça va être un centre, ouais. On est dans les temps supplémentaires, oui, dans les prolongations. Dans les Portugais qui centrent. Ils centrent. Oh putain, j'ai cru que juste à côté. Je vous ai dit que c'était dangereux, ça. Mais ça va, il y avait hors-jeu, les gars. Ah ouais, dur. Je vous ai dit que c'était dangereux, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Non. Ah putain, on a eu peur, ouais. Le banc portugais s'est levé, ils y ont cru. Ils ont cru, mais non. Eh non, essayez-vous, les gars. Allez, on s'assoit un peu. On récupère la balle. On récupère le ballon, mais on est pressé par les Sissoko Portugais. Qui est sur le côté. Il est pressé, mais il va s'en sortir. Ouais, il se débarrasse d'un Portugais. Faute du Portugais, là. Ah oui. Franc et carton. Eh oui, carton. Carton. Bien sûr. Allez, hop. Il est beau, le carton. Allez, hop. Pour le Lorientais, Raphaël Guerreiro. Ah ouais. Il joue à Lorient, ouais. Raphaël Guerreiro. Guerreiro. Très jolie coupe aussi. Et la tête portugaise est passée à, allez, 10-15 cm du. Moi je suis le roi de la des mesures actuellement. Ah ouais, à vue de nez, hein, tout ça. Diffoul, il est pifomètre. Bah, il faut dire que. La touche est jouée par les Français. Il faut dire qu'il a un sacré matos, hein, en termes de mesures. Ah ouais, gros. Ah, Fredo, t'es bien au courant. Qui c'est qui crie derrière là? C'est Marie qui hurle avec Nana. C'est Nana. Non, c'est Nana, déjà. C'est Nana et Juju. Attention, centre des Français. Repoussé par le Portugal. Ah, j'ai l'impression qu'il y a de la fatigue, là. Il y a de la fatigue, hein. Ouais, bah, c'est les 25 dernières minutes. Faut tout donner, là. Tout donner. C'est le match de leur vie, là. Ouais. Allez, c'est les vacances après, les gars. C'est les vacances et vous soulevez la coupe. On y va. Allez, on joue la balle. On est au milieu du terrain. On est pratiquement au point d'engagement. Et on fait tourner le ballon, les Français. Ça tourne. Sissoko, qui joue avec Umtiti. Oui. Umtiti qui essaie de centrer, en tout cas de donner devant. Il donne devant, mais il récupère la balle. Côté gauche avec Matuidi. On écarte sur Matuidi. Et il repasse par Koscielny, ça repasse par la défense. Ouais. Bernard, c'est les analyses de Nana. Le Bernard Show, quoi. Les amis de la Marie sont pires qu'elle, c'est pour dire. Ah ouais. Non mais c'est une attends, c'est passé un truc. Il y a Portugais blessé qui c'est carton jaune pour Matuidi. Et Matuidi Charot, carton jaune. Matuidi Charot qui met la tête entre les épaules. Je comprends pas. Ouais, mais carton. Ouais, merde. Carton pour Matuidi. Carton jaune, ouais. Ouais, faut tenir les gars. Là. Rien, quand même, non. Il n'y a rien. Oh bah, il n'y a rien. Non, non, rien. Le mec est passé au-dessus de... Mais le mec fait du saut en hauteur sur Batudini, donc il ouais, mais c'est rien. J'ai dit, il n'y a rien là-dessus. Mais non. Bon, allez, carton pour Batudini, allez. Donc, coup franc pour les Italiens, pour les Portugais. Pour les Portugais, ouais. Oh, la fatigue. Difool, tu restais bloqué à l'euro 2000, mais c'est fini maintenant. Le stress, ouais. Ouais, on avait gagné, hein, donc j'espère que gagné, j'espère, ouais. C'est plutôt un bon présage. Touche dangereuse. Pour les Portugais. On est, au niveau presque au point de corner de l'équipe de France. Ouais, presque au point de corner de l'équipe de France. Attention, les Portugais qui peuvent être dangereux, là. Ça, on aime pas ils vont essayer de centrer, dans la surface. Mais pour l'instant, ils écartent parce que les Français sont bien présents, ils défendent. Les Français défendent le Portugal toujours du côté droit avec la balle. Oh, joli petit pont. C'est un petit pont, ça. Hein. Et les Français qui récupèrent le ballon, c'est Coman. Monsieur l'arbitre. C'est du carton, ça. Bien joué, l'arbitre. Et voilà. Pour qui le carton? Pour William Carvalho. Carvalho. Carton pour un Portugais. Nanar, ça va plier. Non, ça c'était Juju, mais Nanar a dit enculé. Ah bah, tout dans la classe, Nanar. Eh oui. Allez. C'est bien, donc petit croche-patte sur Coman. On récupère le ballon et on va pouvoir attaquer. Allez les gars, allez-y s'il vous plaît. Allez les bleus, les gars, faites-nous rêver. Allez, sur la gauche avec Coman. Allez, faut planter. Allez, on attaque. On est. Tente de centrer, mais contré. Contré, mais. Récupéré par Evra. Ah, il fait un petit 1-2 avec Grizzly. Non, si, c'est Grizzly. Ouais, c'est ça. On perd le ballon, mais on récupère. Ah, voilà, putain. Matuidi qui récupère. Allez. Qui l'en. Allez, Coman. Allez, on y va, les gars, on y va. C'est la dernière ligne droite, c'est parti. Ouais. Mais les Portugais ont récupéré le ballon. Merci. Je vais couper un peu Marie, je suis désolé. Merci, mais... Fred. Merci. Je crois que c'est Fred. Merci. C'est mieux. Je pense que c'est mieux comme ça maintenant. Ouais. Ah ouais. Ils n'avaient pas prévu les prolongations chez Marie. Ah ouais. Il y a plus assez de stock, mais ils ont quand même bien défoncé le truc qu'il y avait avant. Allez, hein. On attaque. Allez. Corner pour les Français. Beau corner obtenu par Gignac. C'est bien. Ouais. C'est bien. Beau corner. Allez. Allez. Un corner. Ça y va. Sur un corner. On y va. On retourne chez Marie. Je me suis reconnecté. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Ben, je saute. Tu sautes? Mais tu sautes qui? Je saute pas par la fenêtre, Marie. Hein. Ouais, saute pas par la fenêtre, hein, fais gaffe. Ouais. Allez. Alors, attention. Corner de Griezmann. Griezmann qui va tirer le corner. Allez, les gars, on y va, on le met, celui-ci, on le met. Allez. On y va, Grizzly, allez. Allez, les bleus. Ah, et non, ça ne rentre pas, mais on garde la balle, allez. Allez, on garde la balle. Matuidi. Ouais. Attends, il y a quelqu'un qui s'est fait mal, c'est Koscielny, non? Ouais. Allez, Grizzly, allez, Grizzly qui est dans la surface. On y va. Oui, Grizzly, vas-y, allez. Il a toujours le ballon, attendez, c'est pas fini. Un centre peut louper. Mais c'est récupéré quand même. Mais on a le ballon, on l'a toujours. On va, faut presser, bordel, on y va. Allez, Pogba. C'est Pogba qui est face à un Portugais. Pratiquement au point de corner. On est à la surface. Il progresse, il le dribble. Et nouveau corner sur le côté droit. Nouveau corner, c'est bon. Celui-ci, on y va. On est obtenu par Pogba. Celui-ci, c'est bon. Bien. Ah, il est vénère, Pogba. Eh oui, il a envie, c'est bien. C'est normal. Allez, on y va sur ce corner. On le met. Je le sens, ça va rentrer direct. Allez les gars. J'espère que t'as raison, Fred. Ah ouais. Allez les gars, faites-nous vibrer. On tire le corner, il est tiré. Trop long le corner. Et il sort en touche de l'autre côté. Sorti en touche. Touche pour les Portugais. Un peu trop long. Je peux vous dire, en tout cas, t'es parti pisser. Vincent est parti pisser. Ok. Avec son maillot trop grand. Il nous a mis un maillot très très grand. Le maillot Vincent. Qui fait 4 fois sa taille à Vincent. Quoi. Comme dit Foul, c'est pareil. Cédric qui va jouer la touche. La touche. Les Portugais jouent la touche et Coman essaye de pousser. Il a failli récupérer la balle. Bien joué, Coman. C'est récupéré, oui, non. Ah, dommage. Alors, dégagé par le Portugal. On était dans la surface, hein. C'est dégagé par les Portugais. On est au milieu du terrain et on a toujours le ballon. Et c'est récupéré, ouais. Oui. C'est récupéré et on repart à l'attaque. Il reste 4 minutes. Sur le côté droit. C'est bien, alors on veut les Français. Il reste 4 minutes. Un long centre vers Gignac. Sorti, il arrive pas à le récupérer. Et Bernard. Ah non, mais Nanar, on n'en peut plus là. Merci. Non, mais Nanar, il fait mal à la tête un peu. Il a sifflé coupé là, il parle plus là. Ouais, vous avez du main dans le bleu, tout ça là. C'était moi ça. Non, là c'est Juju qui a pris le relais. Dégagement du goal portugais. Comment il s'appelle le goal portugais? Rui Patricio. Ah, Patricio. J'aurais appris un truc au moins ce soir. Il me semble que c'est Rui Patricio, c'est ça, ouais. C'est ça, Vincent. Vous pouvez nous laisser vos messages 41759. C'est ça, ouais. Skyrock.fm et Rui Patricio récupère le ballon. Et dégage. Et dégage. On a bien pressé là pour les. Mais attention, les Portugais ont la balle. Maintenant, c'est eux qui sont à l'action. Ils sont à l'action et ils centrent. Ils centrent sur personne. Sur personne, gros. Sur personne. Evra qui dégage le ballon. Non, mais il dégage mal parce que là, il dégage dans la surface. Donc, c'est pas très bon. Donc, juste à côté de la surface. Attention. Attention, corner pour le Portugal, les gars. Corner pour le Portugal. C'est pas bon. Ah putain. C'est pas bon. Ah oui, putain. Ça, on aime pas trop ça. C'est Pépé qui va. Oui. Et oui, Marie. Vas-y. Donne c'est tout. Pépé qui va. Ah, il y a Sylvine qui nous fait un petit qui nous demande un petit truc. Il faut faire rentrer Kanté maintenant. N'Golo Kanté, ouais. Ah ben écoutez, pour l'instant, on a un corner des Portugais à suivre. Les Français qui marquent bien. C'est quoi Asma qui va tirer le corner? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Marie, de ton côté? Non, c'est Bernard, il a vu le mec pousser l'autre. En fait, il y a Pépé qui a poussé Umtiti. Ah oui, c'est pour ça, Ah oui, mais là c'est du carton rouge direct. Non, mais l'autre, ça. Je rêve. Bah oui, penalty même. Alors on en est où? Allez, absorbe-le, celui là. Koresma qui va tirer le corner. Ah non, c'est moche ça, on n'aime pas ça. Attention, corner toujours en jeu. Je regarde pas. Attention. Très bien. Et bon. Oh là là là là, belle. On se fait piquer le ballon. T'as les amis de la marée. Mal à la tête un peu quand même. Oh, la on soirée, est en Italie, mal des tests. Oh la soirée chez Marie, putain le truc. Ah, dur. Allez, les Portugais qui reprennent le ballon. On est dans les deux dernières minutes de la première prolongation. Les premières 15 minutes. Et c'est les Portugais qui attaquent maintenant. Et qui essayent d'écarter du côté droit. Ils approchent de la surface. Ils tirent, ils essayent de centrer, mais ça sort. Ça sort pour, Loris. Loris récupère le ballon. Allez. Ouais. Bon, en tout cas, Loris qui a fait un beau match, hein. Franchement. Ouais. Bah, beaux arrêts de Loris. Pour l'instant, c'est lui le. Oh, chute. Putain, mais tu laisses deux secondes, Marie, c'est le bordel, quoi. Oui, bah non. Sur la terrasse, là. De quoi, la terrasse? Je me suis foutu sur la terrasse, je regarde l'écran de loin, donc c'est que vous entendez vraiment beaucoup. Hein. Ah bah. Tu laisses Bernard sur le coin. Tu parles fort aussi, Marie. Je crois que c'est ton pote qui est un peu trop bourré qui parle trop fort, Marie. Non, là, il a pris une clope, on va plus entendre. Bon. Il y a de l'ambiance, c'est bon. Allez. Allez, 20 secondes. Ouais. Il reste 20 secondes dans la première prolongation. Et attention, les Portugais qui récupèrent la balle au centre du terrain. Ils se font un petit 1-2. Et ils avancent, et ils jouent, ils se passent le ballon. Ils font la passe à 10. On est bien retourné en défense, mais faites attention quand même. Oui, on la récupère, non, on la récupère pas. Presque. Touche pour les Portugais. Touche portugaise, et stop. Et ça y est, enfin. Stop. Il change de côté et c'est reparti. Allez, c'est reparti. Allez, suite. On a le temps de mettre la pub en speed et on revient dans une minute. Allez, Publicita, à tout de suite. Le 3692 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 3692, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 3692. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Pattaya, sa plage, sa mer, ses moines Shaolin. Et quand j'étais en présent dans une époque sombre de ma vie, j'ai eu l'honneur de rencontrer mon maître, Maître Gims. Pattaya, un film de Franck Gastambide. C'est qui tous ces gens, les petits cas ici, là? C'est des gens qui me vénèrent. Vous voulez qu'on les dégage si vous vénèrent ou... Pattaya, disponible en DVD, Blu-ray et VOD avec Skyrock. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. Planète Rap 2016 avec en exclu Joule, MHD, SCH, Escrou. Je déconne, j'aurais pas dû, je l'ai déçu, je l'ai perdu. Soprano. Designer, Planète Rap 2016, toutes les bombes Skyrock sur 3 CD. Radio Libre spécial, finale de l'Euro 2016 en Skyrock. Yeah. Et on est reparti, on est en direct sur Skyrock pendant que Didier est en train de donner ses consignes aux joueurs en ce moment. Ouais, j'ai vu. Tu as vu ça, Diffoul, celui-là? J'ai vu ça, ouais. Didier Deschamps. Il y a Cristiano aussi qui s'est levé, qui donnait, qui est venu, non? Il me semblait, hein. Ouais, il est venu prodiguer ses conseils. Ouais, je vois. Il a, non, Cristiano Ronaldo n'est plus là, hein. Il est sorti tout à l'heure. Si vous venez d'arriver sur Skyrock, on est en direct. Merci à vous. Et je suis il y a Rascal qui nous écoute en direct du Bled. Il n'y a pas M6 pour le match. Merci pour l'appli Skyrock et les commentaires. Les deux équipes se valent pour Satine. Je suis un peu d'accord, hein. C'est ce que je disais. On était en train de discuter pendant que vous passiez la pub. Eh, ça risque de se terminer au tir au but. Ah, j'espère qu'on va le faire. Il y a 15 minutes encore. On est à 15 minutes du bonheur, peut-être même avant. Ouais. Il y a eu deux très belles occasions pour les Français avec Griezmann et avec Gignac. Gignac. Je suis très inquiet, oui Marie, j'avais peur je t'entendais plus tout le monde là, donc j'avais très peur. Pourtant, si. Ah bah si, ouais, vous êtes pas. L'engagement là, attention, engagement pour les Portugais, c'est parti. C'est reparti. Les deuxième prolongation. 15 minutes de nouveau. 15 minutes, ouais Fred. 15 minutes, Portugal, France. Allez les Bleus, allez. Cédric, toujours là aussi, des statistiques, Cédric ou pas? Est-ce que t'as des statistiques sur les tirs au but France-Portugal? Non, mais apparemment, je suis vu sur les SMS à cause d'envoyer que les Portugais sur les tirs au but sont très forts. D'accord, merci pour l'analyse. Il n'y aura pas Ronaldo pour les tirs au but. Ah ouais, ça c'est sûr. Il est sûr aussi. Il est pas là, ouais. Bon, il y a un Portugais qui s'est fait mal. Qu'est-ce qui se passe? Joao Moutinho, il s'est pris le pied de Matuidi, il me semble. Non, il a pas pris. Non, il l'a pas pris, mais Fezama, il l'a pris dans le visage. Il n'y a rien. Ça c'est pas bien. Non, il y a rien. Tricheur. Non, on n'est pas content du tout. Ah bah ça. Moi non plus. Bon, en tout cas, coup franc pour les Portugais. Malgré tout, malgré qu'il y a rien, il centre. Attention, c'est une tête qui se balade, un pied qui se balade. On peut en prendre. On n'aime pas ça. Hein, ces genres de trucs. Hein. Allez, touche ou sortie de but, touche. Hein. Touche. Il me semble. Touche pour l'équipe de France. C'est une touche. Touche pour l'équipe de France, touche qui va être zonée par Sania. Bakary, on y va. Et c'est 3-0. Il est stressant ce match. Hein. Ah ben il est stressant, il y a 0-0 et on est dans la deuxième prolongation. Hein. Deuxième mi-temps des prolongations. Et les Portugais sont à l'attaque, ils essayent de tirer, heureusement, c'est repoussé par la France. Et coup franc. Oh la main qu'elle. Main de qui? Oh Koscielny, carton jaune, main de Koscielny. Hein? Quoi? Ouais, Marie. Oui, Marie. C'est une blague? Et non. Malheureusement, et là, attention. Non, mais là, on rigole pas. Coup franc hyper dangereux. Ouais, ça c'est très dangereux. Ça, ouais. C'est très très dangereux. Ça. Oui. Il y a la main. Il y a la main ou pas? Pas de main. Je vois pas la main. Il y a pas... Et la main, non, c'est le portugais. Fais la main. Bah oui, c'est le portugais. Ouh, l'arbitre. Il est bien cet arbitre. C'est un arbitre anglais. On revoit l'arbitre italien contre l'Allemagne. Ah, il était bien lui. Non, mais c'est une blague. Eh oui. Et attention à coup franc qui passe mon point de pénalty. Hein. Ça, c'est juste pas bien du tout, quoi. Non, juste en dehors de la surface de réparation. Tiré par Quaresma. Oui. Montrer que le mur français est aussi bon que le mur portugais. Allez-y. Attention à la pub. Oh, poteau. La part transversale. Que c'était chaud. Mais l'action n'est pas terminée, attention, les Portugais ont failli marquer sur un faux coup franc en plus. Coup franc de Guerrero, le Lorientais. Ouais, un faux coup franc. Mais comme quoi? Ah là là là là là là. Oh là là, non, c'est pas la barre, c'est... Non, si, c'est la barre, c'est la barre. C'est la barre ou c'est Loris? Non, c'est la barre. La transversale. C'est Loris. Ouais. Marie, c'est Loris. Bah oui, mais franchement. Ah, mais là, vous avez pas dit foule devant vous. Ah, il est blanc, les gars. Il est transparent, il est stressé, il arrête pas de bouger, il en peut plus, là. Ah, bah là, faut qu'on gagne, ouais. Sania qui va jouer la touche. Touche pour nous. Allez. Bakary. C'est vrai que c'est épuisant, là. Hein. Ah ouais, c'est épuisant. Nerveusement, c'est très épuisant. Ah, puis, ça serait con qu'on perde. J'ai tellement envie qu'on gagne. Allez, les bleus. Putain. Attention, mais c'est pour l'instant, c'est les Portugais qui attaquent. Ouais, hein. Ils attaquent. Le Portugal attaque, il tire. Oh merde, but. Oh non, et il y a but pour le Portugal. Mais si. But pour le Portugal. Oh là là. Putain de merde. 1-0 pour les Portugais. Putain, fais chier, putain. Eh ouais, merde. Oh, merde. 1-0 pour le Portugal. Et en plus, tout ça à cause d'une action de merde d'une faute pas commise par un Français, par Koscielny. Il avait pas eu de main. Ouais, il y a pas eu de main. Ouais. C'était même le Portugais qui avait touché. Allez, Didier. L'équipe de France, on y va. Bon, les gars. Oh, 7 minutes, oh là là, quel beau but en tout cas. Mais comment il a fait pour marquer d'ici? Ouais, gros tir, je sais pas comment il a fait pour marquer, mais enfin bon, il y a des moments comme ça. But portugais. Oh là là, but portugais. Là là là là là là. On est qui? Il y a qui avec nous? C'est qui? C'est Emeric? T'es là aussi? Non, il est parti, Emeric, je crois. Oh là là. Bon, il reste plus qu'à souhaiter qu'on aille au pénalty, qu'on aille au tir au but. Ça voudra dire qu'on en aura marqué un. Mais là, il reste. Faut vite jouer, là, parce que là, il reste 5 minutes. Hein. Et Sissoko qui sort et Martial qui rentre, un attaquant pour un milieu. Allez, Martial. Là, il va jouer l'attaque. Eh ben, il faut marquer. Allez, on y va, les gars. Allez, les bleus, allez, touche pour les bleus, touche pour les bleus. Faut jouer vite, vite. Allez, on y va, les gars, on y croit. 10 minutes, on y va. Allez, faut marquer. Hey, touche pour les Français. On avance petit à petit, on est à 35 mètres de leur but. Faut y aller, les gars. Touche sur la droite. Allez, Sagna, allez. Ça va pas s'arrêter maintenant. Non, faut que ça passe. Merde. Sortie de but. Gignac. Non, y a pas faute. Sortie de but. Ah là là là là. Il nous reste 10 minutes. 10 minutes. Ah, 10 minutes. Ouais, 10 minutes. Ah ouais. 10 minutes. C'est à la 120e, ouais. Ah, ça va, 10 minutes. 10 minutes. Bon, en 10 minutes, il peut se passer plein de choses. 10 minutes, on peut marquer quand même, merde. Ouais. Allez, on a quoi là? Là, il y a dégagement du Portugal. Allez, dégagement du Portugal. Il dégage loin. Il dégage loin, puis on va essayer de gagner du temps. C'est bon, on va récupérer le ballon. Allez, Loris récupère la balle. Loris qui récupère le ballon. Allez, faut marquer maintenant. Ah ouais, faut y aller, s'il vous plaît. Faut nous faire un partout. Et puis après, on file au tir au but et puis que le meilleur gagne. Allez. Ça doit être l'hystérie là au Portugal. Hein. Ah oui, ils doivent être contents les Portugais. Ah, on les comprend. Hein. Mais c'est toujours les Français qui ont la balle. Les Français mais ont c'est la balle. Fini, il faut y croire. Koscielny au milieu de terrain. Koscielny au milieu de terrain. Ah. C'est bon. Vous m'entendez? Oui, très bien. Koscielny, attention là. On allez. Non, loupé. Mais on regarde le ballon. Allez, regarde le ballon par Evra. Allez, Pat, vas-y. Patrice Evra qui va centrer. Allez, vas-y. Allez, non. Portugais qui dégage. Putain, dommage. On est à la surface devant les buts de la France, du Portugal. Et hop. Qu'est-ce qui se passe là? Ou coup franc ou touche. Touche pour l'équipe de France. Touche pour les Bleus. Allez, on joue la touche très vite. Joue vite, c'est bien. Koscielny a joué. Il a joué sur Martial. Martial qui vient de rentrer. Allez, Koscielny. Patrice Evra, on sort. Putain. En centre et arrêt du gauche. Aïe. Eh oui. Ouais, comme tu dis, Mario. J'ai fait 14 km autour de l'écran depuis tout à l'heure, je pense. Ah ouais, Marie nous aura tout fait, les bruits. On aura le droit à toi. On est à 111 minutes de jeu. On file au 120. Hop. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Faute du Portugal. Bah oui, là. Faute. Ouais. Allez, coup franc pour les Français, c'est bien. Faute du Portugal. Bon, allez, les gars, on y croit. Allez, on y retourne. Les Français qui remontent. Mais hey, le Portugal, ils sont tous regroupés en défense. Ah, ils ont raison. Je peux dire qu'ils vont faire un mur. Ah, ils vont le faire. Allez, Grisi. C'est Grisi qui a la balle. Aïe. Pogba qui sort, mais il n'y a personne. Non, c'est bon. Corner pour l'équipe de France. Bien joué. On y va. Sur le corner. Allez, on marque. Allez. Griezmann qui tient les corners. Il les tire toujours sur le côté gauche. Côté droit. Allez, Griezmann. Allez, il va tirer les gars. Concentrez. Centre de Griezmann. Mais non, personne. Contre-attaque portugaise. Ils sont au milieu du terrain. Attention, il faut pas en prendre un deuxième. Pas un deuxième, là, les gars. Attention. Oh là là, il est tout seul. C'est Nani. Et il est tout seul, mais heureusement, il est tout seul, comme on disait. Attention, c'est pas fini. Les Portugais sont à la limite de la surface de réparation française. Ils essayent de passer, mais on est de retour, heureusement. Mais là, les Portugais, ils vont faire la passe à 10, ils vont faire que des passes. Bah, on ferait pareil à leur place. Hein. C'est bon. Et ils passent à leur goal. Et ouais, ils gagnent du temps. 113 minutes de jeu, il reste 7 minutes. 7 minutes pour égaliser, 1-0 pour le Portugal face à la France. Ouais. Et on a récupéré le ballon, Hugo Lloris. Allez, plus vite, allez, allez. Allez, faut jouer, faut jouer. Allez, les gars, on y va, les bleus, là. Allez, les bleus, ils dégagent très loin devant et c'est récupéré par une tête française. Oui, un bel amorti. Allez, du Martial, torse. Martial. Vas-y, sente, oui, non. Non. Allez. Et il faut la récupérer, celle-ci, autrement c'est dangereux. Contre-attaque du Portugal. Ah non. Sur le contre-attaque du Portugal. Attention, faites gaffe. Non, rien. Ah si, faute de Pogba. Faute de Pogba et carton jaune. Carton jaune. C'est dur le carton jaune là-dessus. Carton jaune pour Pogba. Ouais. Ah ça y est, le Est-ce qu'à Fredon, t'entends plus, mon Fredon? 6 minutes de jeu. Oh putain. Et coup franc pour le Portugal. Qu'est-ce que t'as dit, Marie? Bah, cet après-midi, j'ai dit, je le sens très très mal. Ah bah fallait fermer ta gueule. Il nous fait chier. Allez, les Portugais qui sont à l'attaque, attention, parce que là c'est à nous de marquer, parce qu'il y a 1-0 pour le Portugal. Et c'est le Portugal qui a la balle, et ça c'est pas bon. Il va rester 5 minutes là. Il reste 5 minutes 20. Et les Portugais qui font tourner le ballon. Mais qui c'est? Et on récupère la balle. Allez, on avance. Allez, Umtiti qui avance. On est au milieu de terrain. Allez, on avance, milieu de terrain. On fait une petite passe. Allez, les bleus, allez. Allez, petite passe, on avance. Ça court en avant. C'est bien. Les Blaises. Sur la gauche. On est sur la gauche. On est presque dans la surface de réparation. Mais les Portugais sont là, ils vont défendre et merde. Sortie de but trop long pour Martial. Trop long. Poussé trop loin son ballon. Ouais, il a poussé un peu trop loin. Putain, fait chier. Quelle soirée. 5 minutes, là il reste 5 minutes là. Ah, c'est dur quand même là. Ah ouais, c'est dur. Tiens, il y a Nana qui dit c'est le veau qui nous a porté la poisse. Moi je vois Kimou, 22 ans, qui dit j'ai envie de vomir. Ah ouais. Et ouais, il joue tranquille pour passer le temps, nous dit Nana. Bah évidemment. Nana, c'est. Et ouais, il joue tranquille, ils ont la balle les Portugais. Eh ouais. Ils ont la balle, ils avancent, ils non, restent. Non, mais ça va pas s'arrêter, là, faut y croire, ça va pas s'arrêter maintenant. Là, putain, j'ai compris. Ouais, moi aussi, c'est bien positif. Non, y'a rien, Fred. Mais il faut rester positif. Allez, Griezmann, au milieu de terrain. Griezmann, milieu de terrain. On y va, les gars. Allez, on pousse. Oui. Non, trop long. Passe pour, c'est qui? C'était pour Gignac. Ouais, passe pour Gignac, mais elle était trop longue, la passe. 4 minutes de jeu, il reste 4 minutes. Aïe. Mon petit frère est en larmes, on nous dit. Oh, Dean. Et bientôt moi, n'en pleure pas. Ah, un Portugais est par terre et essaie de gagner du temps, ou alors il a mal pour de vrai. Ah, mais il perd du temps là. Ouais, il a une crampe, genre. Oh putain, j'ai une crampe. Ah, il y a une crampe. Tu lui caresses la jambe, quoi, normal. Tiens, on lui voit les bouliches, Marie, t'as remarqué ou pas? Ah, c'est Cédric qui est excité. Ah, non, du tout, non. Cédric, je t'ai entendu, tu étais excité. Ouais, bon. Oh là là. Ça m'excite. Allez, prolongation. Merci. Il y a Nana Vatou. Vous êtes dans les. Et Cristiano qui motive les troupes là. Mais tu m'étonnes. Ouais. Oh. Il reste 3 minutes 30. Oh là là. Et Cristiano qui leur dit qu'il faut pas aller trop vite. Vous avez vu là avec le petit doigt? Ouais, sur la montre. Gagner du temps. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon. Fais boire du vin. Vas-y Marie. Oh, les mélanges. Les trois dernières minutes. Les mélanges bière, vin et tout. Tu restes à la maison, hein, Marie, tu bouges plus après. Oui, t'inquiète pas, je suis au-dessus. Non, mais je vais aller nager un peu après. Tu vas nager, ouais. ça va me détendre. Oui, alors Marie, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais bon. Il y a un Portugais qui sort. Tu vas nager au cinéma parce qu'il en est. C'est guéri. Il fait du cinéma. Bon, après, il peut avoir une crampe aussi. Enfin bon, c'est vrai qu'elle tombe bien, la crampe, quand même, hein. Ouais, c'est long, c'est long. Putain. Là, ils font ça pour casser le match. C'est très très long. Mais évidemment, ça. Casse le match. Ça fait exprès. Ça fait une minute trente que le match est arrêté, hein, quand même. Hein. Ouais. 1 minute 30. Touche pour les Portugais. Touche pour le Portugal. Allez, joue la touche. C'est l'anti-jeu, ça, les gars. Allez, on récupère le ballon, c'est parti. On récupère le ballon et les Français. Allez, qu'est-ce ah, faute sur un Portugais, faute de Matuidi. Non, c'est rien, ça. C'est rien, les gars. Non. Oh, Didier, il en peut plus. Non, il en peut moi non plus, j'en peux plus. Ah, moi non plus, j'en peux plus. Mais 23h29. Et donc maintenant, c'est Ronaldo, l'entraîneur du Portugal ou quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Ouais, c'est Ronaldo qui pousse tout le monde. Il boite, Ronaldo, regardez. Ouais. Sans Ronaldo, il risque de gagner. Bravo le Portugal. Bah, c'est le capitaine, c'est pas fini. Il reste 2 minutes. Allez, 2 minutes, tout est possible, les gars, tout est possible. Allez, les bleus. J'espère que t'as raison, Fredo, mais... Bah oui, j'ai raison, Marie. Pourquoi? Allez, les bleus. Attention, les Portugais qui dégagent devant, devant, mais il n'y a personne. Ça va sortir. Non, il va éviter, non? Sortie de but. Ouais, sortir et Lloris récupère le ballon. Ça joue vite. Allez, Hugo. Allez, Koscielny. Hugo qui file à Koscielny. Qui joue avec Umtiti. C'est bien, on construit vite si possible. Très bien, on écarte sur la gauche. Evra. On est au milieu du terrain. Evra, on avance. Oh putain, c'est loupé. Ah, putain, dommage. Pas maintenant. Ah, ça commence. Allez, il faut récupérer la balle. Il reste une minute de jeu. 1-0 pour le Portugal. Une minute de jeu et les Portugais qui attaquent. Oh là là là là. Il y a pas hors jeu. Ouais, c'est pas bon. Attention, malheureux. Ça c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Sagna qui sort la balle en corner pour le Portugal. Corner pour le Portugal. Il reste 45 secondes. Sans compter les arrêts de jeu. Heureusement qu'il y a des arrêts de jeu, ouais. Sans compter les arrêts de jeu, 45 secondes. Et sinon on dira bravo le Portugal. Bon, ça sera la fête ici aussi avec nos amis portugais quand même, hein. Bien sûr, enfin bon. J'aurais préféré que ce soit les bleus, quoi. Allez, touche pour les Français. Allez, donne-nous la balle. Et regarde le temps qu'ils veulent perdre. Regarde-moi ça, le mauvais esprit, c'est pas bien ça. Allez, et donc, vite. Si je veux, c'est ce que je dis, bordel. Allez, Sagna qui joue la touche. Une des dernières actions du match. Dernière action pour marquer, pour égaliser. Allez, les gars, allez. Pour égaliser et finir au tir au but. On y va. On avance. 2 minutes additionnelles. Il reste 2 minutes. Deux minutes. Allez, on pousse, on y va. Et on perd le ballon. Ah putain. Qu'est-ce qu'il raconte Danard derrière? Non, c'est Julien. Et alors? Écoute, pour le Portugal. Attention. Très bien. Et Nanar, il est morceau, on l'entend plus depuis tout à l'heure. Oui. Nanar, je pense qu'il s'endort là, il est dégoûté, mais Juju, il est en forme. Écoutez, il a pris le relais. Bon, nous, on est moins en forme quand même, hein. Il reste 1 minute 30 là. 1 minute 30, parce qu'il y a 2 minutes d'arrêt de jeu, c'est les Portugais qui ont le ballon et qui prennent le temps. Ouais. Ils ont raison. Allez, oui. Prends ton temps, Pépé. Pépé qui va tirer le coup franc. Pépé. Putain, mais il a pris 1 km d'élan, le frère. Oui, bah c'est plus long. Plus tu viens de loin, plus c'est long. Et ouais. Oh là là là là. Mais oui, il gagne du temps peut-être, ils disent. Sortie de but, évidemment. Allez. Ça joue vite. Allez, vas-y, Loris. Allez, joue. Koscielny qui balance devant. Allez, on a balancé devant, mais on a une tête de Portugais qui vient nous emmerder. Et on récupère quand même la balle. Evra. Allez, les gars, 1 minute. 1 minute. Ah ouais, putain, 1 minute. Umtiti qui balance. Croyez au miracle. Allez. Marie, ta gueule. Sur le côté. Tais-toi, Marie. Tais-toi. Allez. Coman qui centre. Il centre et pour la tête de... Vas-y. Non. Oui, non. Putain. Hors-jeu, il y avait hors-jeu. C'est fini hein, bientôt. Hein. 30 secondes. Ça y est, je crois qu'on est baisés, les gars. Il reste 30 secondes, je crois que c'est bon pour les Portugais. Il y a Cristiano Ronaldo qui a un sourire jusqu'aux oreilles. Ah bah, il a voulu, hein, Cristiano. Hein. Ah, c'est clair. Oh, putain. Bah, il va l'avoir sans devoir jouer, pratiquement. Ouais. 15 secondes. Oh non, les gars. 15 secondes. Il est content, Cristiano. Il donne des coups d'épaule au coach. Et là, ils prennent le temps pour dégager. Oh, tristesse. C'est fini. Enfin, c'est presque fini. Non, il a mis un carton jaune, je crois. Ouais, carton, gardien, là. Pour mauvais gardien, on perd pas du temps comme ça. Dernière action. Et c'est fini. Portugal, champion d'Europe. Aïe, tristesse. Tant pis. Aïe. Eh ben, on a perdu. Ils avaient connu chez eux contre la Grèce il y a 12 ans. Belle équipe de France. Eh oui, les Portugais ont gagné. C'est l'euro des surprises. Hein. L'Allemagne n'avait jamais perdu contre la France en match officiel. Ils ont perdu. L'Italie n'avait jamais perdu contre l'Allemagne. C'est la malédiction du pays qui reçoit. C'est la malédiction. Et la France n'avait jamais perdu contre le Portugal. Et là, ils ont perdu. Voilà. Et ben bravo les Portugais. Félicitations. Bravo les Portugais. Bravo les Bleus quand même aussi pour le parcours. Merci. Bravo les Bleus. Franchement, bien joué. Une très belle équipe de France quand même. Les Bleus. Très belle équipe de France. Bien joué. Et c'est bien pour le futur ça de l'équipe de France. Ah oui, parce qu'ils sont jeunes. Ouais, ils sont voilà, jeunes, ils ont continué comme ça, donc c'est bien. Il y a eu un état d'esprit qui a été construit. Exactement, ouais. Bravo les Portugais, félicitations. Ouais, bravo, bravo. Bravo, message au 41-759 sur l'appli Skyrock, dommage. Il y a Bad Boy qui dit pourquoi pas Martial dès le début. Gros teubé, Deschamps, il a fait ce qu'il a pu, il a construit une équipe, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux que l'époque Domenech, hein, quand même. Ah, bah putain. Ah, c'est-à-dire qu'on a quand même une équipe sympa. Et malheureusement, bon bah perdu. Bonjour à Nouillette qui c'est fini Nouillette. Hein. On est les champions, nous dit Lily Lusitana. Salut à toi, ça y est, c'est Portugal. Et ouais, vous êtes les champions. C'est dégueulasse, nous dit CZ 15 ans. Et moi, je trouve aussi que c'est quand même très dommage cette histoire de main. La main. Oui, oui, mais elle a raison, Marie. La main là qui a été faite par un Portugais et qui a été sifflée contre nous. Tout est arrivé après ça, quand même. C'est vrai. C'est vrai. Bon, enfin. C'est vrai. Mais enfin bon, écoutez, belle victoire du Portugal, c'est comme ça le foot. Ouais. Bah ouais. Il y aura d'autres victoires les gars, il y aura d'autres victoires les gars. Ouais. Vous avez fait le job en tout cas. Vous avez fait le job, bravo, bravo aux Bleus. C'est vrai. Ah, Didier. Bravo, c'est l'équipe de France. Bravo les Bleus, bravo l'équipe du Portugal. Et bon bah tant pis. Perdu. Et voilà. Terminé. Bon. Merci Fredo. Hein. Bah, ça fait chier, oui. Non, c'est mais clair. L'autre Ronaldo qui nous sort son corps, là, alors qu'il est pas du tout en sueur. Le mec se fout à poil, quoi. C'est quoi? Marie, c'est pour t'exciter. Marie, va faire, tu vas aller nager un peu, Marie, non? Mais il m'excite pas. Oui, j'y vais, là. Voilà. Mais je raconte avec vous, j'y fonce. Mettez-lui des bouées et Cristiano qui pleure tellement qu'il est content. Ouais. Bon, il a raison. Loris qui est dégoûté. Enfin bon, c'est la vie, c'est comme ça. C'est normal, hein. Et on est allé en finale quand même. Ouais, bien sûr. On était en finale. On était en finale. Et tes amis italiens, ils disent quoi, Diffoul? Alors, Pier Vincenzo est triste, non? Ah, il dit plus. Bah, il a connu ça quand, en l'Euro 2000, ils ont connu ça, les Italiens. C'est vrai. Pareil, c'est vrai. Ouais. Mais ça va, il nous supportait, il avait son maillot de l'équipe de France. Ouais, il était en bleu. Pas grave, bravo le Portugal. Bravo, Portugais, en tout cas, bravo. Bravo. Bravo, Portugais. Eh, voilà, bah, en tout cas, le Portugal que personne attendait, c'était un bel euro qu'on a vécu en France, qu'on a vécu avec vous sur Sky. On vous a offert plein de places, il y a Didier Deschamps qui est un petit peu triste. Si vous avez les interviews, sur TF1 ou sur Bein de Didier Deschamps et des joueurs de l'équipe de France, on les balance, mais bon. Et on aurait préféré balancer des interviews de la victoire, mais bon, c'est fini. On aurait aimé prolonger, d'ailleurs, rester très tard dans la nuit. Moi aussi. Limite, là, on aurait bien aimé voir les tirs au but, hein, quand même. Hein. Ah ouais. Ah là, on aurait kiffé, ouais. Portugal, ils sont en train d'écrire Portugal sur la coupe. Ils sont en train d'écrire, en ce moment, sur la coupe. Portugal. Cédric, peut-être une analyse des chiffres pour finir, non? Un truc en particulier? Achève-nous. Non. Dommage pour les Bleus, c'est dégoûté, c'est un péché. Ouh là, elle est grande, donc la Coupe d'Europe. Même toi, tu t'es mis au foot, Cédric, tu vois. Bah ouais, putain. Non mais Lilo, tu vas rester à poil jusqu'à demain ou quoi? Non. Fous-lui la paix, non? Mais non, mais il a droit de se mettre à poil. Fous-lui la paix, Ronaldo. Il a donné à quelqu'un, Marie, c'est pour ça. Mais bon, ouais. Agressif, hein. Non, mais bravo au Portugal, c'est clair, mais bon. Je suis chaud, quoi. Bon, ils ont eu... Merci pour les messages. Vous nous avez vos messages au 41-759 sur la piste Skyrock aussi. Il y a Sangouan qui nous fait mon cousin parier 300 euros sur la France, PTDR. Ah, faut toujours trouver des moyens de rigoler dans les durs moments. On vous a baisé, nous dit Dark Wolves. Bien joué. C'est parti, là. Hein, on va se faire chambrer, hein. Ouais. Prévisible. Voilà, c'était bien, c'était un bel euro, belle organisation, parce que tout le monde disait même sur les fan zones, faut pas y aller. Tout. Mais c'était très bien, c'est vrai, t'as raison, Fred. Non, mais c'est important de le préciser. Bonne ambiance, part au début, mais bon, il y a toujours 2-3 excités. Mais c'est normal. Vrai que ça s'est bien passé, c'était bonne ambiance dans les rues. Ouais, les Islandais, on se souviendra du Pays de Galles aussi, les supporters du Pays de Galles trop forts. Et les Islandais. Les Islandais, ils étaient énormes. Ouais, c'était bien, hein. Bon, on a eu des beaux trucs quand même. Les Français sont un peu gueule de bois là, mais bon, écoute, c'est triste. Ah bah là, ouais, on l'a, ouais. Et bon, il y en a d'autres, il y a plein d'équipes qui se sont fait éliminer avant nous aussi. Hein. C'est des choses. Oui, non, mais on était en finale, oui, c'est 6 jours, mais ça aurait été mieux de le gagner, quoi. Et voilà, Marie. Ben, en tout cas, merci, la Marie, pour avoir suivi ce match avec nous. Oui. Tu embrasses tous tes amis, tu mets des bouées à un canard pour ne pas t'écrouler dans l'eau. Non, mais t'inquiète pas, hein, pour ça ne va pas bien. Couler. Hein. Oui, t'es croulé, non, coulé. Je suis une sirène, ne t'inquiète pas. C'est ça, bien ça. Ouais, c'est ça, t'es une baleine. Ouais. Un baleineau dans l'eau. Enfoiré. Allez. La écoute, Portugal. Bravo le Portugal. Belle bravo à nos amis portugais, ouais. Ouais, bravo. Alors, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on a prévu pour la suite? Est-ce qu'on a un peu juste un peu de pub et on peut revenir juste après ou pas? Non, on a pas de pub. Je sais que je sais pas ceux qui voulaient écouter de la pub là, il y en aura pas. Non, mais alors par contre, je suis déçu. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Restez bien à l'écoute puisque maintenant après les stades de l'Euro, les stades de Rihanna avec Skyrock. Et je rappelle que peut-être avant minuit, il y aura deux sons de Rihanna, peut-être. Avant. Et quand on entend deux sons de Rihanna, qu'est-ce qui se passe? Et il faut faire un petit message au 7-20-20. Bam, un petit message et vous partez avec des places. Il faut mettre Rihanna. Voilà. Et si j'en ai... 5 des places par 5 en plus, c'est des places par 5 pour Rihanna. 5, hein. Ouais. Donc Rihanna, allez, c'est vrai que les stades ont été chauffés par les joueurs de foot et Rihanna débarque. Elle viendra finaliser un peu tout ça. Ouais. Regardez Jallet comme il est triste, il a pas joué en plus. Il a pas joué une minute toi même Skinny pleure. Mais ils étaient tellement ensemble les Français, ils étaient tellement proches l'un des autres. C'est ça Marie-Denis, c'est ça. Il y a plus de saison. Ah ben l'entraîneur il vient de se prendre une fessée par Ronaldo. Une fessée. D'accord. Oui, mais vous avez pas Marie, vu. Elle est en plein fantasme depuis tout à l'heure. Mais Marie, je crois qu'elle regarde un film de cul. Ouais, je crois que tu t'es trompé. Et Marie, t'es sur XXL, je crois. Ah bah c'est ça. Ah, voilà. C'est une de ces beaufs, Marie, quand elle est cuite, nous dit Pacific Seb. Eh bien, merci de cette analyse footballistique, Pacific Seb. Elle était belle, celle-ci, tiens. Bon, ben, écoutez, on aura vécu un bel euro. Ouais. Une petite surprise, t'as pour nous après. Ouais, c'est Rihanna la petite surprise, Fredo. Oui, c'est fort possible. Restez bien à l'écoute. Okay. Bon, en tout cas, merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi. Ouais, merci. Bah, merci Difool. Merci à l'équipe de RRTL 102.5. Presque, c'est bien. Ouais, on les remercie. Je remercie toute l'équipe. Pierre Vincenzo qui était avec nous. Tout merci le staff à Edir, à Colonel qui est la réclame des champs, on peut la mettre, non? Ah oui, Deschamps direct. Vas-y, vas-y. Champion d'Europe. Comment allez-vous faire pour trouver les mots après une telle déception? Il n'y a pas de mots après. La déception, elle est là, elle est immense. Il va falloir du temps pour la digérer. Mais bon, on a gagné ensemble, on a souffert ensemble. Aujourd'hui, on a perdu ensemble, malheureusement. Didier, la déception est énorme. En tout cas, vous avez fait plaisir aux Français pendant tout ce parcours. Donc quand même, félicitations, même si le sacre n'est pas au bout. Et si pour vous, c'est pas vraiment important, parce que seule la victoire est belle. Mais en tout cas, les Français ont vibré avec les Bleus. Oui, oui, on a conscience de ça, mais... Ça aurait été magnifique pour eux aussi de leur offrir ce trophée chez nous. Malheureusement, c'est pas le cas. Merci. Et voilà, déception. Déception Didier Deschamps, évidemment. Ouais, c'est normal. Mais bon. On va pas être content, on a perdu. On aura vécu un super euro quand même. Non, bravo. Et puis il va quand même y avoir la teuf avec les Portugais. Hein. À mon avis, là dehors, c'est déjà le bordel. Oui, il va falloir se remettre un peu, Marie, parce que moi, faire la teuf maintenant, moyen. Parce ah ouais, que, moi aussi, ouais. Pareil. Bon, il y en a qui sont dégoûtés. Regardez, Scary Torn qui est triste. On avait la meilleure équipe pour Cantès. Et on va faire un direct avec l'Italie, nous. Allez, c'est parti. Faites le direct, comme ça on va vous écouter une dernière fois en Italie. Mon ami, tu l'as redit en français. Oui. Oui, et vous, c'était nous pas que fagué de vous stesse, parce que c'est un peu bouffon. Avec le fatou, pullman. Siamo tristes. Et adesso, col pullman scoperto, che fate? Col pullman che avete scoperto per la festa? Non leggiamo questo pullman al Portogallo. Per fare un po' di soldi. David, io me lo prenderei lasciandoci sopra scritto in francese Francia campione. E mi farei in giro a Parigi con Ronaldo. Ma che me ne frega a voi, dai, tanto ormai. Viva la France, comunque, grazie di averci regalato questo europeo. E viva l'Italia, grazie a voi. E a tutta la vostra squadra, voi siete una squadra simpaticissima. Grazie. E un baci a Raja che lavora con voi. Ah, Raja, grandissimo. La salutiamo. Mon ami, quando vous facciez la transmission en France, nous venez da vous. Viens quand tu veux. Gratis. Ma fa un scambio qua. Un abbraccio, grande amici. Ciao, belli, ciao. Allora, vediamo scendere le scale. Ah, ça y est. Donc le duplex avec les... On est de retour. Ça y est, vous êtes de retour. Alors, bon, quelle était les réactions? Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, ils nous ont dit, qu'est-ce que vous allez faire de votre bus, le bus que vous avez préparé avec Vive la France? Ah, bah, parce que non, mais. Ah, non, bah, évidemment. Mais ça, pareil, attends, aujourd'hui, c'était ridicule. T'avais des mecs qui disaient, ils ont acheté le. Non, t'as pas vu les messages, genre, ça y est, oui, non, c'est sûr, la France va gagner, ils ont déjà acheté, le Portugal parce qu'ils ont fait un bus et tout, n'importe quoi. Eh non. N'importe quoi, mais c'est parce que. Non. Alors, moi, j'aurais expliqué qu'on allait le louer à nos amis portugais pour se faire un petit peu d'argent. Oui. Et là, ils m'ont dit, maintenant, vous faites comme si vous aviez gagné, vous faites pépé. Bon, je crois que demain il y a un truc à Paris, en tout cas avec les joueurs de l'équipe de France. Il me semble que Jean a continuer de les soutenir. On est une belle équipe. Alors, c'était prévu pour la victoire, mais je sais pas s'ils vont le garder dans la défaite. Mais voilà, en tout cas, on peut les saluer, quoi. C'est beau quand même le parcours des Bleus. Bravo, les gars. Non, bien Didier Deschamps, c'est un super entraîneur. Ouais. Deschamps qui est très aimé en Italie. Eh, vi piace Deschamps. In Italia. Sì, sì. Sei Juventino? No, napoletano. Ah, napoletano. Oh, le fesche c'è la gueule. Un ami de Napoli, je sais que. Merci, Vincenzo. Vous avez pas vu les images, Didier qui s'est cassé la gueule? Il a failli se casser la gueule. Ah, Deschamps est caduto. Quasi caduto. Il y en a un qui est en slip. Ah, Marie a repéré un peu. Il a remonté son short, Marie. Calme-toi. Il a remonté son short, Marie. Ah ouais, poil, lui aussi. Ah ouais, tu regardes vraiment quelque chose, tu regardes plus le foot là, Marie, t'es parti sur autre chose, quoi. Bah écoute, faut bien se consoler comme on peut, hein. Je vous remercie vous tous pour les messages. Ouais, ça fait plaisir, qu'est-ce, merci. Qu'est-ce que vous nous dites? Et la main de Eder, ouais. On en parle. C'est vrai. C'est à la suite de ça qu'il y a eu le but. C'est Kevin qui nous dit ça, Kevin du 37. Salut à toi, Kevin. Deschamps a failli tomber mort de rire. On verra le mondial. Aspettiamo il mondial. Eh oui, on attend le mondial. Ouais, merci, rendez-vous Cortez, dans deux pour ans. Ton message. Rendez-vous dans deux ans, ouais. Deschamps démission, nous dit Kita, mais ça va mais pas. Mais non. Il a fait un beau parcours, Deschamps. Il a été super, Deschamps. Un magnifique parcours, ouais. Bravo l'équipe, d'ailleurs. Et Thiago du Portugal qui nous fait champion, mon frère. Bravo les Portugais, bravo à vous. On est de retour très vite dans deux ans avec le mondial ouais, et notre exact. Belle équipe ouais. de France. Il y aura peut-être Evra en moins, peut-être non, parce qu'il y a 35 ans. Pat, c'était écoute, ça. On a le temps de voir, Marie, hein, on a le temps, t'inquiète. Ah bah ouais, dans deux ans. Ouais. C'est vrai que c'est un peu le plus vieux de l'équipe, on verra dans deux ans. Bah ouais. Bon, merci à vous tous d'avoir passé la soirée avec nous. Ouais, merci. Merci. Et merci à toute l'équipe de Sky. Super, Fredo, hein. Bah, merci à vous, hein. Merci, l'équipe. C'était bien de faire ça avec tout le monde. C'était sympa. J'aurais aimé qu'on continue un peu plus longtemps, en fait. Ouais, toute la nuit, moi aussi. Ouais. Non, mais on peut continuer, on peut finir le match. On va déjà mater la remise de la coupe et puis après, Vous voulez vraiment mater la remise de la coupe, là? Ouais, allez, Fred. Bon, on va mater la remise de la coupe, attends. Oh, mon Fredo. Allez. Espoir en 2003, je vous en parlais tout à l'heure. Ah, je suis triste. Tiens, c'est ça, le mec d'autre qui disait qu'il était en slip, Marie, regarde. Alors qu'il a remonté son short. Mais oui, mais je sais. Aïe. Je suis déçu. Voilà. Mais on va se consoler en écoutant Sky et n'oubliez pas les places de Rihanna, hein, dans un instant. Peut-être, à n'importe quel moment, restez bien à l'écoute. Le 7-20-20 quand vous entendez par deux fois du Rihanna, n'hésitez pas. Par ses prises de balle, par sa puissance athlétique. Il y a Tristan de Laval qui nous embrasse, salut à PSG du 80. Ayrton aussi qui nous laisse un message. Lionel qui nous dit CR7 sera ballon d'or. Lionel du 13. Salut à Khalifa aussi. Ça y est, ils sautent les Portugais. Ils sautillent. Alors, on peut peut-être aller faire un tour avec l'équipe de Sky qui est un petit peu partout, Fred, je sais pas, non? Ah ouais! On va essayer de retrouver Prisca, on va essayer de retrouver Emeric un petit peu, Prisca qui était sur la fan zone. On a eu du mal à la choper, là. Je pense que c'est un peu saturé au niveau des réseaux, mais on va essayer de rappeler. Non, mais il devait y avoir plein de Portugais aussi dans la fan zone. Donc mais non, elle nous disait pas tellement, en fait. Ouais, pas tellement. Ah ouais. Beaucoup plus de Français, je pense que c'est la déception. Portugal. Et remise de la coupe. À Porto. Ah bah, il y a François Hollande. Lui qui est un grand fan de foot, François Hollande. Là, il prend son pied. Là, il va même lever la coupe avec les Portugais. Il prend son pied, mais moi ce soir quand même. Hein. Ouais. Tous les matchs gratuits, ça vaut le coup d'être président, t'as vu? Ouais. C'est fou, c'est génial, gros. Hein, tous les matchs gratuits, t'es à une bonne place. Marie. Putain, mais cet alcoolo là. Marie. Non, mais j'ai quand même une réputation, Marie. Et alors, il y en a. Non, mais j'ai une copine qui est en loge comme ça et qui est en train de boire des coups. Ah bah voilà. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? C'est bien. Et c'est le Belge qu'on a perdu, il a disparu. Hein, c'est non, non, je suis là. Ah, t'es là? Ah. Allez, voilà la coupe. Et c'est Cristiano Ronaldo. Ce moment tant attendu depuis des années. Cristiano Ronaldo qui soulève la Coupe d'Europe. Et le championnat d'Europe des nations est à lui, est à eux. Le Portugal a gagné 1-0. Elle est rouge, hein? Ah, elle est contente. Ah, elle est heureux, ouais. C'est la folie portugaise à Nantes. Ah bah ça va être la folie chez les Portugais aujourd'hui. Ah ouais, je pense que. Mais même là sur les champs, tout ça à Paris, puis dans vos villes aussi, dites-nous. Hein, ah oui. On n'arrive pas à joindre la fan zone là pour l'instant. On n'arrive pas à joindre la fan zone. Bon, ça veut dire qu'il faut. Ça veut dire que c'est un signe, Fred. Tu crois? Ah, c'est la malédiction ce soir. Regarde. Ah si, nous sommes avec Prisca. Ah. Prisca, allô Prisca. Ouais, Fred. Prisca. En direct de la fan zone, alors Prisca. Ah bon, je suis parti, hein. Ah bon. Le coup de sifflet final, écoute, voilà, c'est pratiquement déjà la sortie. Ah ouais, tout le monde a quitté aussi, pareil. Ah ouais, mais direct, on s'est barré, mais genre instantanément, et, quoi. Et ça ressemblait à quoi quand il y a eu le but portugais dans la fan zone, alors? Franchement, j'étais au bord des larmes. Mmh. En fait, ce qui est très énervant, c'est que genre une minute avant, Elder fait une main et nous accuse. Ouais, et derrière, il nous met une pine, quoi, tu vois. Ah, genre, c'est ça, oui, oui. Cette main-là, elle aurait du mal à passer, ouais. Il s'est fait insulter de tous les noms. On a fait la même chose avec Thierry Henry, nous, hein, quand même. C'est vrai. Ah, quand il s'agit de. Mais c'est mieux quand c'est nous, en fait. Oui, c'est vrai, je préfère. Après, Henri, quand il fait la main, bon, il discute pas, c'est vrai, il va pas dire oui, bah, je l'ai fait et tout, il discute pas, mais il va pas accuser quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que Elder, lui, il fait une main et il nous accuse, nous, d'avoir fait une main. Enfin, c'est quand même incroyable. Ouais, c'est vrai. Bon. Et ensuite. Ouais, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, quoi. L'autre qui fait genre, il a une crampe, on perd 1 minute 30, genre, tout va bien, mais après, c'est normal, ils ont fait leur jeu. Bah, c'est dans leur jeu de faire ça, donc bon, voilà. On aurait dû marquer bien avant. En tout cas, donc toi, tu es parti, fini, rentré, t'as tiré le store, fini, hop, à la maison. Oh ouais, rideau, salut. Franchement, bon. Salut. Salut. À dans 2 ans. Eh bien, voilà. Salut alors, Prisca. Hein. Non, mais pas salut à vous, salut à eux. Prisca revient dans 2 ans sur Skyrock. Voilà. De quoi? Je disais, tu reviens dans 2 ans sur Skyrock, t'imagines? Oui, voilà. Ça, c'est une vraie supportrice. Déjà, je vais me cacher chez moi, je pense, pendant une semaine, parce que j'ai juste aucune envie de croiser un Portugais avec son drapeau, parce que Paris demain appartient au Portugal. Ça, non, mais même là, dès ce soir, en fait. À mon avis, hein, mais voilà. Dès ce soir, là, hein, je pense que. Paris demain, c'est Porto. Ouais. Voilà, rentrons chez nous. Voilà ce que je veux dire. Évitons toute embrouille. Voilà. Au final, les Portugais sont nos amis. Donc voilà. Profitez-en, les Portugais, en tout cas. Voilà, et puis tant mieux pour Cristiano. Merci en tout cas, Prisca. Oui, un bisou. Ouais, bonjour, gros bisous. Cristiano. Ciao, bisous. Ciao. Prisca qui était là avec nous. Ciao. Pour conclure, je crois que ça y est, on a fait le tour, non? Bah ouais, Fred, on aura quand même passé une belle soirée de radio. Oui. En direct. Un bel euro, on aura vécu plein vrai, de super moments. C'est vrai. Tous et ensemble. Puis, quand même, cette demi-finale, là, face à l'Allemagne, c'était magnifique, quand même. Et la demi-finale, ouais, c'est vrai. Mais tout le plateau de l'équipe de France, l'équipe de France qui se remet en route, une équipe de France sympa, et Ronaldo qui boite, mais qui. Et attends, j'ai Sopra aussi en ligne, Sopra qui est avec nous. Soprano qu'on avait au tout début. Sopra. Eh ouais, les amis, ouais. C'est la douche froide à Marseille. Ouais. tu veux que je te dise quoi, à un moment donné, ils nous ont fait rêver pendant tout un euro. L'autre équipe que j'aime beaucoup, parce que j'ai rien contre Portugal, mais ils ont fait un hold-up, tu vois. Que des matchs nuls, que des prolongations à la fin, ben voilà, ils sont les champions, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le résultat qui compte, Sopra. Oui, c'est le résultat. Tu as connu ça aussi parfois avec Marseille. Cette année, je l'ai eu beaucoup. Joli, Fredo, joli. Bien joué, Fredo. Non. Fredo, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Sopra? Tu es dans la division. Non. Créons quelque chose. Tu es dans la division. Jamais. Nous sommes français, là. Jamais, c'est vrai. Parce que si je dois parler de l'OM, l'ambiance au Parc des Princes aujourd'hui, bof. Mais c'est le Stade de France. On parle de football, déjà. C'est le Stade de France. Excusez-moi, les gars. C'est quoi cette ambiance? Normalement, tu vois l'équipe, ils perdent, tu dois te lever, tu dois crier, tu dois les pousser. Ils étaient tous assis en train de regarder, je suis sûr ils devaient tweeter tous. Bon, c'était cool de t'avoir en tout cas, Sopra, au début de match. Toi aussi, tu croyais. C'était quoi, 2-0, t'avais dit au début, hein, pareil. Non, mais je m'attendais, mais bon. Voilà, en tout cas, écoute. Là, c'était un peu dur. Et t'as un petit mot aussi sur cette fameuse main de Eder dont tout le monde parle depuis tout à l'heure ou pas? Moi, franchement, j'ai pas bien vu ça. Parce que... T'as pas vu? Si, il y avait main d'Eder. Il y avait main d'Eder qui, ouais. qui, qui a valu un carton à Koscielny, alors que Koscielny n'avait rien touché et le but était juste après. Ouais, mais tu sais, c'est vrai, la main, l'importante s'il y avait main, mais le truc le plus important qui va rester dans l'histoire, c'est quand même la blessure de Cristiano Ronaldo et les larmes de Cristiano. Ouais. C'est un truc de fou. Ah, c'était émouvant, ouais. Tiens, ça veut dire que tout le monde, et la joie de Cristiano à la fin. Et les amis, ne bougez pas. Tous ceux qui l'ont vu tomber, tout le monde, même les Français, on s'est dit non, pas maintenant. Tu vois ce que j'ai dit? Ah si, dire, moi je me suis dit. Et là on s'est dit, c'est gagné. Moi je me suis dit, pourquoi pas plus tôt, gars, tu vois? Ah ouais, carrément, toi. Et Soprin, attends, on a un autre Marseillais en ligne. Pareil, qui est. C'est Alonso qui est là, Soprin. Alonso! Lui doit être encore plus brisé quand il a vu Cristiano tomber. T'étais pas bien, Cassim. C'est pas possible. Écoute, je suis partagé ce soir. Ah, c'est bien. En tout cas, ça perd pas le sourire à Marseille. Ça fait plaisir. Franchement, c'est triste parce que franchement, on avait un très beau groupe. Franchement, solidaire, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et franchement, de tomber à la fin comme ça, c'est malheureux. Bah, on est tous un peu comme ça. Comme je dis à chaque fois, en plus avec mes amis, on parlait de ça cet après-midi. Ils sont jeunes, je pense qu'ils ont le temps de remporter des trophées, au moins encore un euro, peut-être même une Coupe du Monde. Donc on a un beau groupe et c'est ce qu'il faut retenir. Exactement, ouais, je pense qu'il faut retenir ça. Et puis, c'est vrai, ouais. Et puis on n'a pas à rougir du parcours quand même, c'était un beau parcours. Non, tu vois. On a fait une superbe, c'était magnifique. Ils ont fait rêver. Eh hey, les gars, ne bougez pas, attendez, on est avec Black M qu'on retrouve aussi qui est là. Il y a du monde, Un triplex, c'est un triplex. Les gars, il y a un problème. Allo Black M. Ouais les gars, il y a un problème, on a perdu. Non mais c'est quoi, Alpha, explique-nous tout ça là. Qu'est-ce que c'est? Il y a Soprin, Alonso qui sont là. Je suis avec Gims. Ah, t'es avec Gims? Ouais, je suis avec Gims. Attends, c'est quoi vos commentaires? Kairok, Soprano. Allo Gims. Gims, comment va? Ça va. On est avec Sopra, il y a Alonso aussi, ils sont là, tout le monde t'entend. On est Sopra, Alonso. Voilà. Bon alors Gims, un petit mot sur ce match et sur cette victoire du Portugal. Écoute, c'était un truc de fou, on vit ça sur place. Voilà, un peu déçu comme tout le monde. Et alors attends, parce qu'il y avait, c'était à Londres, dans Sopra qui disait, il n'y avait pas une grosse ambiance. Vous avez senti comment l'ambiance, vous, dans le stade? Il y avait quand même... On était du côté des Portugais, nous. Franchement, il y avait une ambiance de malade. Ah ouais. Pas une grosse ambiance. Non, mais quand j'ai dit, on n'était pas pour le Portugal, mais on était du côté des Portugais. Et ouais, ça c'est vrai qu'on a vu les Portugais, ça poussait, hein, les supporters portugais. Ah, du coup, on a les 100 Portugais en tête. Portugal, allez. Il y a un coup à jouer. Oh là là. Ça, c'est le futur tube de Gims. Il y a un gros coup là. Bon, merci d'avoir été avec nous. Merci Gims. Tu salues Black M. Je sais pas s'il est encore là aussi à côté de toi. Allô. Je suis là, tu m'entends? Ouais, on t'entend, Black M. Toi aussi, tu veux réagir sur cette victoire du Portugal? Bah, c'est dommage, hein. C'est dommage pour la France d'aller jusqu'en finale, de perdre à ce niveau-là. Mais bravo les Portugais. Cristiano, il mérite quand même. C'est ce que j'étais en train de dire. C'est pour ça que je suis partagé, parce que le gars, déjà, humainement, Franco, ce qu'il donne aux gens les plus démunis à tous les ans, c'est un truc de fou. On aurait aimé qu'il gagne, mais c'est un bonhomme, Cristiano. Et aujourd'hui, c'est un bonhomme. C'est un passionné, mais bon, on est déçus quand même. Voilà. C'est grave. Eh ben, merci. Je t'appelle deux fois. Faut que je parle à Soprin en privé. Allô? Qui veut parler à Soprin en privé? C'est Alonso, il faut que je lui parle en privé de cette rencontre. Bon, ben, merci à vous tous, en tout cas, les gars. De rien. Eh, les frérots, Alonso, Soprin, de toute façon, on se tient au jus. Ça va, t'inquiète, mon gars. Ok. Vas-y les frérots. Et puis on attend donc le prochain tube, hein, que vous allez faire Black M et Gims. Allez Portugal. Portugal, allez. Allez, à bientôt les frérots. Ciao, merci Black M, merci Gims qui était là avec nous par téléphone. Ça faisait plaisir. Merci à Sopra et Alonso qui étaient aussi avec nous. Merci les gars. Ciao. Merci à vous, merci les gars. Y a pas de l'aime. Ciao, à très vite du côté de Marseille, à très très vite. Merci à vous en tout cas d'avoir été avec nous pour ce final. Sympa. C'était un beau final hein, en tout cas en beauté sur ce qui oui. Eh au moins on a bien fini la soirée. Ah, ouais, on a fait belle soirée avec Sopra, Alonso, Black M et Gims qui était là pour conclure donc cette soirée. Et Marie, on en est où sur Je fais pipi. Ah bah. Très bien, et bien on finit en beauté ce soir. Non mais je vous jure, je me suis dit, ça c'est peut-être le moment, je vais aller faire pipi, et comme de par hasard, tu me reprends ce moment-là, quoi. Je sais pas pourquoi, c'est je me suis dit que... Marie. Merci, c'est sympa. Tu l'as senti, Fred. Ah oui, j'ai senti. Ah, tu l'as bien senti. Enfoiré. J'ai senti qu'il y avait un truc qui se passait là-bas. Et Nanar, il est où? Nanar, il est mort aussi, pareil? Nanar, je sais même pas, je l'ai même pas croisé, je crois qu'il est décédé dans le canapé, quoi. Bon, bah en tout cas, merci à vous tous. Merci à vous tous. Ouais. Je vois Légende Killer qui nous dit sa gueule dans Lourdes. À Lourdes, c'est la fête. Thiago du Portugal qui nous dit en direct du Portugal. Bravo les Français quand même. Vous êtes quand même les bienvenus. C'est resté sport, 7 euros. Ça fait, c'est resté sport, ça fait plaisir. Marie qui tire les chaises Bonjour la jumelle du 45. C'est là Karim pour débloquer les messages. C'est là, ouais. Parce que, oh, ça défile. Ouais, c'est parti. Maxou qui nous dit dommage, trop triste. Ah belle. Marie t'es repérée. Ah, y a des gens qui sont amoureux de la Marie. C'est bien. Bisous à vous. Lioris. Non mais Lioris a bien joué. Grizzly il est super et puis une belle équipe de France. Équipe de France Sport. Ça fait plaisir. Malgré tout, malgré la défaite. Et merci bien, à Cédric le Belge qui était là. Ouais. Ah oui. Toute l'équipe de Sky également ce soir. Allez, à vous. Merci à Vincent, merci aux deux femmes, merci à Maxime qui était là, Marjo qui était là, au Blond qui était là, Kéké, à Idir qu'on salue, à Colonel aussi. Ouais, bien. Merci la technique. Merci à vous la technique de Sky, vous avez déchiré une fois de plus. Merci à toi. On est en direct d'Italie. Ouais, avec Karim. Je remercie. Ouais, Karim qui était là, et nos collègues de RTL et 102.5, la radio italienne qui nous a accueillis, la première radio italienne. Et puis évidemment. On les remercie. Et puis évidemment. Une grosse pensée à Momo. Voilà. Ah ouais, on voulait pas terminer cette soirée sans penser à Momo. On l'embrasse fort, on a suivi cet euro, on a pensé beaucoup à lui. Et bien, on continuera d'y penser à Momo et puis on continue de vous tenir au courant sur tout ce qui se passe. Et là, attends, sur le regarde, foot. Je crois qu'M6 nous met des images des Portugais qui sont. On est arrivé jusqu'au bout, on était là. Les Portugais sont contents. Réaction portugaise. Et vive le Portugal! Il y a une ambiance incroyable ici avec aussi bien. C'est vive le Portugal, c'est bien. Vive la France, vive le Portugal, voilà. C'est, je pense que c'est pas mal au mot de la fin en parfait. Tout cas. Parfait. Oh, je pense que c'est une super c'est conclusion. Une super conclusion, ouais. Eh bien, merci à vous, super Fredo pour la soirée. Merci à vous tous. Merci Vincent, merci à vous tous. Ouais. Dans un instant, il y aura Rai Suprême. Sur Skyrock, peut-être voilà. Juste avant, il va se passer mais un truc. Peut-être un peu de Rihanna. Peut-être juste avant, je sais pas, hein, mais peut-être. Peut-être. 7-20-20, si vous entendez de Rihanna à la suite, c'est juste un conseil qu'on vous donne. Oui, Rihanna reste... à la suite, 7-20-20. 7-20-20, ouais. Et marquez bien Rihanna, c'est important, marquez bien Rihanna. Oui, il faut mettre Rihanna au 7-20-20, vous envoyez Rihanna au 7-20-20, et peut-être qu'il va se passer des choses pour vous. Waouh. Eh ouais. Bah, je vous fais de gros bisous à gros tous. Bisous, Marie. Bravo, Portugais. Ciao, bisous, bisous. Merci, embrasse Cédric. Bernard. Ciao. Ouais, ok, ciao. Pas de problème. Ciao, salut ciao. Tout le monde. Ciao. Allez, ciao. Merci. Diffoul et glace et les vacances. Vincenzo. C'est les vacances. Ouais, mais demain, ne pas louper la spéciale de l'émission. Dès 21h, juste après Planète Rap. À pas louper, à partir de 21h. Et Vincent, tu reviendras aussi. Demain matin. Demain matin. Morning Best. La nuit va être courte. La nuit va être courte. Ouais. On sera au taquet, pas de soucis. En pleine forme. Eh ben, j'espère. Bon, salut à vous, en tout cas. Merci. Bon, bah, ciao, tout le monde. Ciao et restez bien sur Skyrock, à demain soir. Ciao. Il est minuit une. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.

100 places à gagner pour le premier stade en France de Rihanna. Allez, vous avez entendu les sons de Rihanna. Dès que vous entendez, on a rajouté plein de places, hein, notamment là pour les prochaines dates. Et la première date en France de Rihanna, ce sera le 15 juillet, vendredi 15 juillet, du côté de l'Alliance Riviera de Nice. Et Johanna par téléphone, salut Johanna, Toulouse. Salut. Ça va bien Johanna, pas trop déçue? T'es dans quel état d'esprit Johanna après ce match? Un peu triste. Bon, c'est pas mérité, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Mais tu sais quoi, je sais comment je vais te redonner le sourire, Johanna. Là, c'est mon rêve, franchement. Tu as envie de... Je viens de faire 18 ans, vous pouvez pas savoir. C'est pas vrai. Bah, bon anniversaire, Johanna. Et pour aller fêter ça, 5 places, non pas une, ni deux, ni trois, une, quatre. 5 places pour aller voir Riri sur la prochaine et la première date. Ce sera dans le stade Allianz Riviera de Nice. C'est ta 5 places qui t'attendent, Johanna. C'est pour toi. Merci beaucoup. Merci. Ça va mieux d'un seul coup, non? Oh ouais, non, mais vous ne pouvez pas savoir le cadeau que vous me faites. Franchement, merci. Je voulais aller les voir et c'est un peu compliqué et tout. Là, vous ne pouvez pas savoir. Je vous fais de gros bisous. Merci pour tout. Et vous êtes les meilleurs. Eh ben, des gros bisous à toi aussi, Johanna. Bon concert avec Rihanna, puisque Rihanna, après l'Euro, Rihanna débarque en France avec Skyrock. Et la prochaine et première date, c'est donc, je le disais, du côté de Nice. Merci beaucoup. Franchement, j'ai le cœur qui bat. Et est-ce que c'est possible, si c'est pas trop demandé, après ces 5 places, de faire une petite dédicace? Johanna, je peux rien te refuser après ça. Vas-y, je t'écoute. Merci beaucoup. Je voudrais remercier mes parents pour tout ce qu'ils font pour moi. Et aussi mon frère qui est en train de m'écouter. Et surtout, merci à vous de m'offrir ce beau cadeau. Je te fais des bisous. Il y a beaucoup d'émotions ce soir, Johanna. Ah oui, je vous beaucoup jure que là, vous pouvez pas savoir. Je te fais des gros bisous. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Oui, ne bouge pas, je t'en passe Marjo au standard, bouge pas. Merci, et puis je vous rappelle donc, il y a évidemment la roulette pour faire tourner et récupérer des places, mais quand vous entendez tout au long de la journée deux morceaux de Rihanna enchaînés, qu'est-ce qu'il y a Vincent? Ouais, je pense que demain matin, on pourrait faire ça très très tôt, hein, 6h, ouais, soyez à l'écoute du Morning Best demain matin. Petit plan pour tous ceux qui veulent voir Rihanna, ça tombe très très tôt demain matin, il se pourrait. Demain, Vincent sera là entre 6h et 9h, et quand vous entendrez non pas un morceau, mais deux morceaux enchaînés, un petit message au 7-20-20 pour voyer Rihanna, hein, ouais. Vous envoyez Rihanna et vous repartez donc pour cette première date qui aura lieu vendredi prochain. Allez, va dormir un peu Vincent. On y va, c'est parti. Vas-y, va te reposer un peu pour être en pleine forme. Après le match. Après le match, là, il y a Rise Supreme avec DJ K. Ils en profitent. Ben voilà, c'est le coup d'envoi des vacances. Merci une fois de plus à vous tous d'avoir suivi cette grosse soirée. On était en direct depuis 20h45, 20h50. On aurait aimé prolonger encore un peu plus. C'est la vie, c'est comme ça. Il y a parfois des défaites. On essaiera de faire la victoire la prochaine fois. Merci à vous tous. Passez une bonne nuit, un bon dimanche, bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'être en vacances. On se courage aux autres. Et on est parti. C'est go, coup d'envoi pour Rail Supreme. Allez, c'est parti. Ciao, ciao. Passe de bonnes vacances. C'est Rail Supreme sur Skyrock. Allez, let's go. Rail Supreme. 2h, DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Are you ready? Bonnes vacances, c'est Rail Supreme sur Skyrock.